Seigneur, que le Seigneur nous guide là maintenant. Soyons vraiment sérieux maintenant, d'accord? Vous êtes prêts maintenant à ce qu'on avance? La seule façon. Vous écrivez quelque chose au tableau. Vous écrivez quelque chose au tableau. Il faut effacer. Il y a l'outil pour effacer. Sur la table de cœur, comme la Bible déclare dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, chapitre 4, que vous êtes une lettre manifestement, une lettre écrite par notre ministère, écrite sur les tables de cœur, avec l'esprit. Mais c'est terrible comme déclaration. On parle, ça écrit sur ton cœur. On parle, ça écrit sur ton cœur. Cette parole de l'évangile, la parole de vérité, vous avez cru. Vous avez cru. C'est en croyant du cœur. Quelque chose est dit dans ton cœur, ça marque. Le cœur s'ouvre. La manifestation vient. Vous savez, essayez. Donc, nous voulons voir comment nettoyer les fausses doctrines ingurgées depuis des moments. Tous les milieux nous sommes passés. Nous voulons voir cela. D'accord? Donc, il faut d'abord que j'explique d'abord un premier pas. Je vais d'abord parler dans un premier plan de la nécessité d'être renouvelé par rapport aux doctrines. De la nécessité d'être renouvelé par rapport aux doctrines. Je vais avancer. Je vais parler facilement là, en donnant des passages bibliques, vous pouvez lire. Mais vous allez comprendre ceci. Vous allez comprendre ça, d'accord? La nécessité d'être renouvelé par rapport à la doctrine. Quand il dit renouvelé par rapport à des doctrines, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enseignements qu'on a suivis, si ce n'est pas consistant avec la parole de Dieu, il ne peut pas confirmer. Donc, définitivement, on ne peut pas grandir. C'est. Par exemple, quand un enfant naît, il y a un style d'aliment, de nutrition qu'on adapte pour cet enfant. Si on ne nourrit pas cet enfant-là, il y a le rachitisme, je ne sais pas comment vous appelez toutes les autres choses-là. Le marasme, toutes les autres choses-là. Donc, l'enfant a des déficiences en aliments nutritifs. Parce qu'on a donné quelque chose, mais qui n'était pas consistant par rapport aux éléments dont son corps a besoin. Ainsi en est-il par rapport à la parole du Seigneur. Si on prêche quelque chose, parce qu'ici il s'agit de la prédication pour avoir la vie, pour grandir, pour être édifié, pour arriver à la statue parfaite de Christ. S'il n'y a pas la nourriture spirituelle autant convenable, on aura le marasme spirituel. Le rachitisme, vous voyez un chrétien qui a le kouachikor. Qu'est-ce que c'est le kouachikor? Sa grosse tête est pleine de versets, son cœur est vide. Sa grosse tête, quelqu'un dit sa grosse tête est pleine de versets. Son cœur est vide. Ça, c'est le kouachikor spirituel. Le kouachikor physique, c'est que tu vois l'enfant est mince et puis en bas comme ça, le ventre est ballonné comme ça, là. Il boit l'eau, il bouffe le riz comme ça, et puis la tête est grosse comme ça, c'est pas ça? C'est comme ça. Alors, vous allez voir ce chrétien, ce style de chrétien, tu commences n'importe quel verset biblique, il peut terminer. Mais la vie ne suit pas. Quel est le problème? L'esprit du verset n'est pas donné. Vous savez, n'est-ce pas? S'il vous plaît, remarquez très bien que je ne suis pas en train d'écrire quelque chose, que je ne suis pas en train de lire quelque chose, mais je suis en train de lire quelque chose. Donc, la façon que ça en train de progresser, avançons seulement, d'accord? Donc, je vais d'abord parler de la nécessité, donc, de renouvellement par rapport aux doctrines. Autrement dit, reprogrammer les doctrines que nous avons reçues. Je vais d'abord parler de la nécessité. Pourquoi c'est nécessaire qu'on reprogramme? Un, parce que sans ces reprogrammations, nous allons continuer à tourner en rond. C'est la première des raisons. Sans ce renouvellement, nous allons continuer à tourner en rond. Et les conséquences de tourner en rond, c'est qu'on va commencer à bouchader, murmurer, aller de lieu en lieu. On va commencer à être jaloux si quelqu'un réussit dans le Seigneur. On commence à se fâcher pour le Seigneur, mais depuis que je suis en Christ, pourquoi que telle chose n'arrive? Pourquoi celui-ci a fait quoi pour mériter cela? On commence à se fâcher de Dieu. Pourtant, ce n'est pas Dieu le problème. Ce sont des bombes qu'il y a sur nos cœurs qu'on a déposées. Et plus on va avancer, vous allez voir exactement les choses mauvaises. Quand je dis les choses mauvaises, c'est que l'inutilité, l'inadaptabilité et l'impossibilité des écoles bibliques et des dénominations de faire ces choses de Dieu. Parce que ce qui n'est pas ordonné de lui, il ne peut pas accomplir ça. Ça, ce que nous faisons, c'est un ministère spirituel. Et un ministère spirituel, on ne peut pas corrompre l'esprit de Dieu pour qu'il fasse quelque chose. La seule façon de corrompre, c'est que tu prends un autre esprit, tu mets la lettre et c'est cet esprit-là fait. C'est la seule façon. Alors maintenant, si quelqu'un n'est pas spirituel, il doit savoir si oui ou non, l'esprit que tu utilises, c'est l'esprit de Dieu ou pas. Donc la nécessité donc, du renouvellement des doctrines, c'est-à-dire les doctrines reçues, le renouvellement par rapport à ces doctrines. Première nécessité, voici la première raison pour laquelle c'est nécessaire. C'est que, un, si on ne le fait pas, on va continuer à tourner en rond. Et j'ai dit que les conséquences, c'est les murmures. C'est-à-dire qu'un frère vient te témoigner que frère, J'ai prié comme ça. Ah, pendant que j'ai prié, j'ai vu une vision. Pendant que j'en écoutais, mais tu es en train de dire, donc tu dis, depuis, j'ai prié, je jeûne. Il n'y a même pas quelque chose que Dieu veut faire. Pourquoi? Les mimiques commencent. Après, quand ils vont te raconter la deuxième fois leur vision, tu dis, tu déranges. Ton frère, j'ai encore une vision, je vais te dire, non, va dire à tel frère. Ça commence parce qu'il n'y a plus de communion, il n'y a pas de communion entre Père et Dieu. Or, tu ne comprends pas que le problème, c'est dans le cœur. C'est ça, n'est-ce pas? La deuxième raison pour laquelle il faut qu'on se renouvelle, c'est que Dieu est en train de faire une chose. Et il ne peut pas mettre de vin nouveau dans des vieilles autres. La deuxième raison pour laquelle il faut un renouvellement de la doctrine, c'est-à-dire de reprogrammer les doctrines qu'on a reçues, c'est que Dieu ne met pas de vin nouveau sur des vieilles autres. C'est son principe à lui. C'est frère. On ne coupe pas un habit neuf, un tissu neuf sur des vieux. Il a dit la conséquence, c'est que ça va déchirer et la déchirée sera terrible. Donc, ou bien tu as ton tissu vieux et tu demeures, c'est-à-dire que tu demeures dans tes vieilles doctrines, ou bien tu décides qu'on déchire cela, on le met de nouveau. C'est ce que Dieu vient de me dire. Vous connaissez cette parabole-là, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il vient, pendant qu'il est sur la scène, il y a des vieilles outres, des vieilles façons de faire. Il dit qu'il vous a été dit, mais moi je vous dis, on ne peut pas mettre ça ensemble. Il faut que quelque chose quitte, l'autre soit mis clair, pour que la bonne fondation soit là. Donc, première raison, la raison pour laquelle il faut cette nécessité de renouvellement, c'est que si on ne le fait pas, on va tourner en rond. Et la conséquence, c'est le murmure. Deuxièmement, on doit le faire parce que Dieu est en train de faire une chose nouvelle. Et quand il fait une chose nouvelle, nos anciennes méthodes n'ont pas de place. Les méthodes humaines déjà n'ont pas de place devant le Seigneur. Parce que c'est un ministère spirituel. Le temps de culte charnel était révolu sous le commandement de Moïse. Quand Jésus est venu, il est venu avec l'esprit, la grâce, la vérité. C'est le ministère spirituel. Et dans ce ministère spirituel, donc, tout au long de l'histoire, les hommes ont arboré encore des choses de l'ancienne alliance. Les vêtements sacerdotaux, les sacrifices d'oiseaux encore. Les sacrifices des pigeons, on a commencé à prendre des choses qui étaient des ombres pour venir mettre dans la réalité, pour mettre la confusion. L'Esprit de Dieu s'est retiré. C'est ça, n'est-ce pas? Alors donc maintenant, il faut qu'il y ait une nette séparation entre les vieilles outres et les nouveaux. Entre les tissus neufs et le vieil. Vous me saisissez, frère? Vous comprenez? Là-bas, ça se comprend. La troisième raison pour laquelle il faut ce renouvellement par rapport aux doctrines, c'est que sans ce renouvellement, on ne peut pas progresser, aller de l'avant. La troisième raison, sans ce renouvellement, on ne peut pas aller de l'avant. Parce que c'est la nourriture spirituelle, autant convenable, qui fait croître. C'est la nourriture spirituelle, autant convenable, qui fait croître. Qu'est-ce que j'appelle par nourriture spirituelle? Il faut qu'on comprenne maintenant. Souvenez-vous de ceci. La nourriture spirituelle, c'est la parole qui vient directement de Dieu. La parole qui vient directement de Dieu. Que veut dire temps convenable? C'est-à-dire que la nourriture de l'heure. La nourriture de l'heure. Vous allez chez quelqu'un, il y a la nourriture qu'il a préparée depuis la semaine dernière. Il vient de préparer le ndolé. Maintenant, tu sens que ce qui est à l'actualité dans la maison, c'est le ndolé. Quelqu'un te sort un vieux bongo qu'il a fait jusqu'à ce que l'huile de sel est fade. Il vient te mettre là-bas. Tu lui demandes que je mange ceci en attendant que l'autre ne sait pas ce que c'est comment. Il dit que non, c'est ça qu'il va te donner. Spirituellement, c'est comme ceci. Nous voici maintenant. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Dieu, qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? Imaginez que je m'aventure dans cette assemblée. Je vous dis que Dieu a dit qu'on part sur l'océan, qu'on construit un grand arche de Noé. Un grand arche pour entrer à l'intérieur parce que bientôt on va frapper encore le déluge sur la terre. Est-ce la nourriture pour notre époque? Non, il y a un problème. Supposons qu'il dit, Dieu a dit que tous les chrétiens vont au désert parce qu'on va adorer au mont Sinaï. Est-ce la nourriture pour cette époque? Non. Supposons que je vous dis que Dieu a dit qu'il y a un Messie qui va venir mourir à la croix pour nous. Pour qu'on soit sauvé. Est-ce la nourriture spirituelle? Non, il y a un problème. Cette chose-là, c'était une nourriture pour cette époque. Il s'est tenu là-bas, il a dit que si vous ne croyez pas ce que Jésus, vous mourrez dans vos péchés. Vous devez croire en lui. Il était devant eux. Vous devez croire en eux. De l'œuvre qu'il devait faire à la croix. Quand il est mort maintenant, c'est maintenant nous qui sommes devant, c'est plutôt derrière nous. On est en train d'avancer. Cette mort-là, qu'est-ce que ça a induit? Ça a induit le temps que nous avons la prédication aujourd'hui. Cette prédication est en train de nous indiquer qu'il bientôt il revient chercher ceux qui l'attendent pour la seconde fois et qui auront aimé son avènement. C'est ce qui est devant nous. Comment s'y préparer? Il faut qu'on se dégage des choses qui peuvent nous arrêter. C'est par là qu'on court. Donc, durant des moments, durant des temps, Dieu a progressé dans la révélation de ses plans. Et ce qui nous attend là devant nous, c'est l'enlèvement. Donc, je ne peux pas avoir devant moi l'enlèvement Ils sont en train de regarder qu'il faut que je construise l'âge de Noé. Ça n'a pas de sens. C'est ça donc que j'appelle nourriture spirituelle autant convenable. Autant de Noé, la nourriture spirituelle autant convenable, c'était que entrer dans l'âge. C'était entrer dans l'âge. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, la troisième raison, il dit la première raison pour laquelle il faut ces renouvellements, ces reprogrammations des doctrines reçues, la première raison, c'est que si on ne fait pas, on va continuer à tourner en rond. Je suis en train de répéter là. La deuxième raison, c'est que si on ne le fait pas, c'est que Dieu est sur le point de faire une œuvre nouvelle. Et il ne met pas des vins nouveaux dans des vieilles autres. Il ne coupe pas des habits neufs sur des vieux tissus. D'accord? La troisième raison, c'est qu'il faut une nourriture spirituelle autant convenable, afin qu'on puisse grandir. Sans cela, on ne peut pas grandir. Vous savez, n'est-ce pas? Imaginez que vous avez sur un terrain. Je sais faire tout pour prendre les petits exemples que vous saisissez bien avant qu'il n'avance. Vous achetez un terrain. Il y a une maison en planche là-dessus. Vous voulez construire une maison en dur. Vous dites qu'il n'est pas bien de faire, de dégager cette maison-ci. Vous commencez à mettre des dur sur la planche. Vous allez où? Vous allez où avec ce style de maison? Ça va aller, frère? Non. Il faut nettoyer le terrain. Nettoyer le terrain. C'est vrai qu'on peut avoir dépensé 400 000 pour mettre ses fondations. Il y a un prix à payer. Il faut dégager cela. Pour mettre des fondations de pour que ça soit solide. Pour que l'édifice bien coordonné puisse progresser jusqu'à avoir cette habitation. C'est ce que la Bible déclare. On va voir si le Seigneur le permet dans 1 Pierre chapitre 2. Que édifiez-vous vous-même pour être une habitation spirituelle. Donc chacun doit s'édifier. Et on ne doit pas s'édifier, comme je viens de le dire, sur des mauvaises fondations. Donc troisième raison, si on ne le fait pas, on ne peut pas progresser spirituellement. On ne peut pas grandir. D'accord, bien aimé? Donc, nous allons donc voir donc la nécessité de cette reprogrammation. Bon, bienvenue mon frère. Donc nous allons voir la nécessité de la reprogrammation des doctrines reçues. Vous avez vu le pourquoi il faut qu'on fasse, n'est-ce pas? Dieu est rigoureux lorsqu'il parle et lorsqu'il donne des ordres. Si vous lisez tout le livre d'Exode, lorsque Dieu donne les instructions à Moïse, il dit à plusieurs reprises, « Aie soin de faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Dieu est rigoureux sur les instructions. Quand il parlait à Moïse, il dit, « Fais tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » S'il a dit c'est bleu, ça doit être... S'il a dit que c'est 5 coudées, ça doit être... S'il a dit que la barre est brillante, ça doit être... S'il a dit qu'il y a un bois d'acacia qu'on va mettre à tel endroit, ça doit être exactement l'endroit. Un soin de faire d'après le modèle. Voilà pourquoi, pour que Moïse, qui a reçu le message, puisse réaliser cette œuvre-là, Dieu a dû mettre son esprit sur Oholiab, sur Bezalel et les autres, pour qu'ils puissent réaliser cette œuvre-là. Pour que quand Moïse les communique les choses que vous allez faire comme ça, il reçoit dans son esprit exactement, il soit en communion parfaite avec le modèle. Ce qui fait que quand Moïse dit que Dieu a dit que l'étoffe va être en peau de dauphin, en peau de bête, en fil retors, en fin lin, et l'effort doit être comme ça, le fil bleu, fait le peau de dauphin, pendant qu'il l'explique comme il vient d'expliquer, celui-ci allait le voir sans vision. Il fait. Quand Moïse voit, il dit que, ah, quand on a fait l'âge, la tente destination, Moïse a vu ça, c'est exactement ce qu'il a vu sur la montagne. Exactement. C'est en vision qu'on a fait. Je pose la question. Dieu ne pouvait-il pas dire que l'arche de l'alliance sort, ça sort là physiquement? Dieu voulait que l'homme participe à son œuvre. Dieu voulait que l'homme participe à son œuvre. Et si nous admettons que c'est un Dieu parfait, ce qu'il dit, nous devons réaliser à la perfection comme il l'a désigné. Il dit, est-ce hébreu? Disons hébreu d'abord. Hébreu, le livre d'Hébreu. Chapitre 8 d'Hébreu. Préparez Exode. Parce que je suis en train de parler, il faut que je le montre dans la Bible. D'accord? Donc, vous ouvrez Hébreu et préparez Exode au chapitre 39. On va parcourir le chapitre 39. Hébreu chapitre 8. Puis vous préparez Exode déjà. Ouvrez de Exode. Donc, lorsqu'on finit de lire Exode, Hébreu là, on va dans Exode voir ce qu'il est dit là-dedans. D'accord? Donc, ouvrez Exode chapitre 39 et Hébreu chapitre 8. On va parcourir ça. Que Dieu vous bénisse. Et bienvenue encore dans ce moment de torchon. D'accord? Faut qu'on passe les torchons. Donc après cela, Dieu permettra de vous poser des questions personne après personne. Avec ces questions que vous posez, on pourra répondre à la lumière de la parole de Dieu. C'est le principe du nettoyage. D'accord? Donc dans Hébreu chapitre 8, Il commence à partir du verset 1. Je vais lire du verset 1 jusqu'au verset 5. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, Moïse était sur la terre, était un type de quelque chose qui était en haut. On dit que Christ, on a parlé de Christ là, que Christ est allé plutôt en haut, le véritable sanctuaire. Donc, l'image qu'on avait sur la terre, le vrai de ça, se trouve plutôt en haut. Vous voyez, n'est-ce pas? Et du véritable sanctuaire, enfin, véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est cette représentation-là qui est dans les cieux que Moïse avait vu et il fallait représenter ça sur la terre. Parce qu'on dit que ici sur la terre, on célèbre un culte qui image des choses célestes. Savez-vous au moins qu'il y a un tableau au ciel où on verse le sang? Hein, mes frères? Hein? Comment tu frasses le visage comme ça, mon frère? C'est pas ça, pas hein? Tu n'es pas très certain. Hein? Lorsqu'on ouvrait tel chose, j'ai vu sous l'autel un agneau qui était là, ensanglanté. Vous avez vu ça? Hein? C'est là-bas, c'est la Bible. Donc, verset 2, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre parlant de Jésus, il ne sera pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels, nous y voilà, c'est que c'est tout à l'heure, lesquels célèbrent, on parle de ceux qui sont sur la terre, lesquels célèbrent un culte, image et homme des choses célestes. Alors maintenant, ça commence à poser problème ici, c'est verset. Supposons que dans le culte céleste, ce pot de fleurs est à cette position. Sur la terre, tu dis qu'il n'y a pas de mal à ça. Tu prends ça, tu mets ici comme ça. À quoi est-ce que ça représente? Vous commencez à voir le problème, n'est-ce pas? Il y a un problème. Et dans ce processus-ci, je suis obligé de toucher la notion du temple. La notion de sacerdoce, je suis obligé de toucher ça. Je suis obligé de toucher. Parce que ce sont ces choses qui ont embrouillé les chrétiens, envoyés dans ces fausses doctrines-ci qu'on nous a en train d'obliger. Une fausse doctrine en implique une autre. Une fausse doctrine en implique une autre. Et on en a des panoplies maintenant. Et ça va aller comme ça, croissant. Donc, si Dieu... On a dit dans ces parenthèses, sur nous, c'est une parenthèse, là, le verset 5. Lesquels célèbrent... On parle de ceux qui sont sur la terre. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Quand on dit que c'est une ombre, ça suppose que si ma main est levée, si on voit sur la main, quoi? Sur l'ombre. L'ombre de la main, enfin, la main de l'ombre doit être levée. Si je fais comme ça, et que c'est le pied qui bouge là-bas, il y a un problème entre l'image réelle et c'est la chose virtuelle qu'on a de voir là-bas. Vous savez, je recommence encore pour que vous compreniez la profondeur de ceci et l'implication que ça va engendrer. Vous savez, si sur la terre on a de célébrer un culte et que c'est censé être l'ombre, ça veut dire qu'au ciel, pendant qu'on a de lever la main sur la terre, on a de lever la main. Parce que ce qui est sur la terre est l'ombre de la réalité. Donc le vrai se trouve en haut. Pendant qu'on agite à gauche, à droite, quelque chose doit être agité à gauche, à droite sur la terre. Si on agite de gauche déjà, avant d'aller à droite, en bas on fait de droite à gauche, il y a un problème. Voilà pourquoi Dieu a insisté sur le modèle. C'est. Donc là, il dit, lesquels célèbrent un culte, image et homme des choses célestes. Selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Vous y êtes? Lorsqu'il allait construire le tabernacle. On met deux points. Dans le verset, il dit, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire. Donc, Dieu n'a pas donné le choix à Moïse de faire comme il veut. Dieu a, parce que c'est sa chose à lui, il lui a donné un ordre, donné les instructions. Il devait seulement obéir à ce qui a été donné. C'est ce que Moïse devait faire. Tout serviteur de Dieu, parlant de ce Moïse ici au chapitre 3, on dit que lui, il a été fidèle en toutes choses comme serviteur sur la maison de Dieu. Christ l'a été comme fils et sa maison, c'est nous. Donc, on dit Moïse a été fidèle en toutes choses. C'est-à-dire quoi? Moïse n'a pas dérogé à rater le plan de Dieu. Il n'a pas fait quelque chose par lui-même. Quand il y a eu des besoins où quelqu'un ramassait, on a attrapé quelqu'un qui ramassait le bois le jour du sabbat, on ne connaissait pas encore la sanction. Il était obligé de s'attendre à ce que Dieu donne la sanction. On a pris la personne, mettant en celui. Il allait constater, Dieu dit amène-le, lapide-le. À partir de là, c'est sorti une loi que si quelqu'un ramasse le bois, on va le lapider de la même façon. Il n'a pas décidé que, comme M. Moïse, il va te montrer ce que de bois, quel bois il me chauffe. Il n'a pas pris une décision seule. La même chose que Jésus a fait dans le Nouveau Testament. Il dit le Fils ne peut rien faire sans au préalable voir le Père faire. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, il dit, il veut toucher le temple là maintenant. Pour qu'on voit comment. Comment il y a plusieurs temples aujourd'hui pour adorer Dieu et les temples sont différents. On célèbre quelle image? Vous pensez avoir le problème, n'est-ce pas? Voilà. C'est quelle image? Ça renvoie à quelle image? La seule image que ça peut représenter, c'est au deuxième ciel, là-bas où il y a la Babylone, la Babylonie. Vous savez, le capital général de la Babylonie, c'est au deuxième ciel. Ce sont ces images-là qu'on projette sur le sol. Déjà, quelqu'un dit que j'ai ma vision, que j'ai vu la vision d'une grande animation que je suis en train de construire, Ésaïe 43. Lève-toi et brille, ta lumière vient, jusqu'il vient bientôt. Ce n'est pas du ciel de Dieu. Du ciel de Dieu, il n'y a qu'un seul temple au ciel. C'est son image qu'on construit sur la terre. J'arrive là maintenant. Donc, on dit, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire, il est sur le point de faire quelque chose. Et cette construction, c'est Dieu qui lui a demandé de faire dès le départ. Lorsqu'il allait construire, Dieu dit, ai soin, lui fut-il dit, de faire tout. Souligné, tout. On avance bien aimé. Si je prêche à un moment donné, si vous êtes fatigué, dites-moi seulement, on coupe. Vous prenez de l'eau ou n'importe quoi pour réfléchir, d'accord? Parce que je ne sais pas à quel moment ça va s'arrêter. La Bible déclare ici, « Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout. » Je veux que vous souligniez vraiment tout parce que c'est très précieux. Ça veut dire que dans les moindres détails, je ne sais pas si vous avez lu Exode. Vous avez lu le livre d'Exode au moins. Vous voyez, on commence à prendre Moïse prend son Bible pour écrire que le bois d'acacia qui entourait telle chose était de deux coudées. Vous pensez que c'est pour rien qu'on a de préciser cela? Quand vous lisez la Bible, ça vous énerve, vous sautez, ça que sinon ça ne sert à rien. On lit un endroit, il y a les noms des gens, si ça ne sert à rien, ça casse la tête, on saute ça, on continue là-bas, quand on veut les verser, là où il y a la promesse. Et Dieu a une raison pour laquelle il a mis toutes choses là-dedans. La Bible déclare qu'il lui fut dit que ait soin de faire tout, tout. Donc, dans les moindres détails. Il dit, d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Ça me fait un genre au cœur là maintenant. Ça veut dire que si sur la montagne j'ai vu que la maison est peinte en blanc, ça veut dire que ce que je vais faire doit être peint en blanc. Si c'est comme ça et que l'apôtre Paul apparaît ici dans le Nouveau Testament, il dit que 2 Corinthiens chapitre 4 dit que nous ne faisons pas comme Moïse qui voilait son visage pour qu'il ne soit pas vu par les Israélites parce qu'il était passager. Parce que notre ministère, c'est le ministère spirituel. Si le ministère charnel, un culte qui était jusqu'à une certaine époque de réformation, Dieu insistait là-dessus pour que ça soit fait exactement comme il le dit. À combien plus forte raison le ministère spirituel qui a été inauguré par le sang précieux, du sang parfait? À combien plus forte raison? Où est-ce que l'église est partie avec la perversion? Souvenez-vous, Moïse a bâti la maison de Dieu sous l'ancienne alliance. Jésus-Christ bâti dans la nouvelle alliance. Moïse a été fidèle en toutes choses. Les choses devaient être mises à leur place. Donc, Jésus va faire davantage parce que la Bible montre clairement que c'est lui qui est parfait pour l'éternité. Jésus. Pas vrai? Ok. Regardez bien les mises en garde qu'on va donner sur Moïse. Les sanctions pour ceux qui vont voter. Les différentes choses qui vont être assorties des sanctions. Et regardez au Nouveau Testament. On va les comparer maintenant. Vous allez voir que Dieu ne change pas dans sa façon. Il a une façon immuable d'agir. Alors si Dieu veut construire une tabernacle, c'est lui qui a décidé. Pourquoi il décide d'impliquer les hommes là-dedans? Parce que dans son plan, il nous a amené dans le culte d'adoration vis-à-vis de lui. N'est-ce pas? Alors, dans ce cas-là, frère, qui décide du choix des matériels? Qui doit décider? Alors, pourquoi si donc Dieu décide, il donne ses ordres, nous faisons autre chose? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème avec l'humanité? Dans Lévitique chapitre 10, subitement, Nadab et Abihu ont emporté du feu étranger. La Bible déclare, allons là-bas. Donc, je vous ai dit tout à l'heure d'ouvrir Exode chapitre 39, n'est-ce pas? Regardez le doigt dessus. Regardons Lévitique là au chapitre 10. Regardez. Lévitique, c'est toujours après Exode là. Donc, Exode chapitre 10. Vous y Lévitique chapitre 10. Vous avez déjà ça devant vous. Au fur et à mesure que nous allons avancer des choses comme ça, le Seigneur s'est tellement donné des choses dans la parole comme ça que c'est chaud. Donc, le verset 1 dit, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prit chacun un brasier, y mit du feu et posait du parfum dessus. Ils apportaient devant l'Éternel du feu étranger. Regardez bien comment le Saint-Esprit met la chose. Ce qu'il ne leur avait point ordonné. Soulignez ça, frère. Donc Dieu n'avait pas demandé ça. en image, ça présente donc dans l'histoire de l'Église, une autre onction se retrouvera au milieu de l'Église, qui est étranger au milieu. On va apporter ça devant l'Éternel. Donc on va parler du nom de Dieu avec une autre fausse onction, avec une fausse onction. En image, c'est présenté. Donc la Bible déclare donc ce qui n'avait point été ordonné. Donc ceci, ils sont en train de faire ça par eux-mêmes. Ils sont en train de faire ça par eux-mêmes. Donc c'est un truc qui est étranger à Dieu. Parce qu'on dit le feu étranger. Dieu n'avait pas ordonné ceci. Si Dieu n'a pas ordonné donc ceci, ça commence à poser problème. Pourquoi les êtres humains ont commencé à s'initier dans les choses de Dieu en faisant comme ils veulent? Et regardons, qu'est-ce que Dieu a fait pour eux? Verset 2. Alors, le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Il mourut devant l'Éternel. Vous entendez ça, frère? Vous entendez ça? Aujourd'hui, les gens jurent avec le nom de Dieu. Jouent avec le nom de Dieu. Jouent avec les choses. Imaginez quelqu'un vient se placer là-bas que cette nuit, pendant que j'étais avec Dieu, Dieu m'a dit que il va bénir les gens dans cette assemblée. Les gens disent amen. Il dit non, il n'a même pas fini le message. Mais il y a un prix à payer. Il a dit que sa maison est délabrée. Que vous ne voulez pas qu'il fait chaud ici. Qu'il faut un ventilateur. Il faut la clim pour le bureau du pasteur. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, Dieu a dit que je ne peux pas te laisser souffrir comme ça et bénir tes fidèles. Il faut que tes fidèles eux-mêmes commencent à se sentir à l'aise de te bénir afin que je les bénisse. Donc vous avez pris à payer. Donc je veux quelqu'un qui va essayer de faire des pas de foi ici. Ça va, on va commencer à partir de 300 000. 300 000. 10 personnes qui sont capables d'arracher cette bénédiction. 300 000. Vous savez, il a multiplié par 10, ça vous fait seulement 1-0 là derrière. Ça vous fait combien? C'est normal que le prochain jour, il a sa voiture. Normal. C'est facile. Parce que s'il prend ces 300 000 là, fois 10, il n'y a pas de TVA sur ça. C'est brut. S'il va encore faire bien. Souvenez-vous, les banquiers dans le monde entier savent que les plus riches sont des chrétiens. Les gros multinationales sont des chrétiens. La banque du Vatican, c'est par là qu'on passe pour faire n'importe quoi. Les richesses, c'est eux. Vous savez ça? Parce que leur argent est brut. On ne préserve pas d'impôts là-dessus. Parce que vous tentez, vous dites, vous savez, le Rome est fort, il te donne les anathèmes là-dessus, l'argent de Dieu, touche pas. Alors on est comme ça à 10. Après, il dit que je sens qu'il y a, le Saint-Esprit me dit qu'il y a encore ici 20 personnes qui désirent donner, mais ils n'ont pas la possibilité sur place. Fais un pas de foi, prends l'argent, l'engagement seulement, même si c'est l'argent de la réunion, même si tu veux construire la maison, fais, tu vois ce que Dieu va faire. Quelqu'un dit que c'est à moi qui s'adresse, donc mon argent qui est en banque, il faut qu'il fasse. Il m'élève. L'esprit de maman est derrière pour le faire. C'est que Dieu n'aurait pas été ordonné. Vous ne verrez de tel évangile dans la Bible. Parce que la Bible vous dit qu'on prêche Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. On prêche le royaume. C'est ça qu'on doit prêcher. Le royaume qui prêche maintenant, c'est ça. Le ventre. C'est. Donc Dieu dit dans ces Hébreux chapitre 8, le verset 5, que Moïse, avant de construire l'arche, quoi, le tabernacle, ça lui avait été divinement dit. Aie soin. Regardez, quand on dit soin, ça veut dire quoi? Sois vigilant. Sois précis. C'est ça, c'est pas ça, frère? De faire tout. Il a dit tout. Il n'a pas dit certaines choses. Tout d'après le modèle qui t'a été montré. Alors, ça commence à avancer maintenant dans la révélation. Pour faire quelque chose pour Dieu, hein, il faut qu'il t'appelle à le faire. Deux, il faut que tu saches exactement ce que tu dois faire. Sinon, on va se retrouver exactement dans les endroits comme on voit les sept choses-ci. Je vais vous donner un seul exemple pour que vous compreniez qu'en réalité, il y a le faux en milieu chrétien. D'accord? Il dit un exemple. Il y en a tellement. Je prends un seul exemple. Je suis président fondateur du ministère, par exemple, Vraie Église. D'accord? Je fonde mon ministère avec celui-ci. À un moment donné, l'argent entre. Je dis, c'est moi qui ai fondé. Quand il y avait la vision, tu étais là. Je commence à construire ma maison, tu commences à être misérable. Tu te fâches, tu commences à regarder les défauts que j'ai. Tu te fâches, tu peux maintenant construire ta part. Vraie église, cette fois-ci, du Cameroun. Vraie église, du Cameroun. Vraie église renouvelée. Vraie église sanctifiée, parce que le poulot était souillé. Donc, Dieu, à un moment donné, a communiqué la vision à celui-ci, parce qu'il a dit qu'il a eu la vision de Dieu. Dieu ne lui a pas dit que garde dans la sainteté. Il n'est pas fidèle, Dieu n'est pas fidèle pour le garder. Son vraie église, son, a été souillée. Dieu a encore communiqué notre vision d'une nouvelle vraie église, maintenant cette fois-ci sanctifiée à une autre personne. Vous allez comprendre ce que je viens de dire, n'est-ce pas? La personne continue avec lui. En allant maintenant, puisqu'ils étaient ensemble, il avait ses collaborateurs ici, là, il a dit que ou bien vous êtes avec lui, ou bien vous êtes avec moi. Celui-là a dit que non, c'est avec toi, lui, là, qui? Il va avec une partie des membres. C'est la guerre entre les deux camps. Je vous dis les choses qui se passent au milieu, dites chrétien aujourd'hui. Et la Bible déclare qu'il n'y ait point de division au milieu chrétien. Vous pensez dès le départ, ces deux personnes ici qui sont les fondateurs ont été inspirées de Dieu? Premièrement, il faut qu'on soit appelé. Toute personne appelée ne causera pas de division parce qu'il connaît ses principes dès le départ. Toute personne appelée de Dieu véritablement va toujours avoir cette puissance de rassemblement sur son cœur. Cette puissance d'unité sur son cœur. Parce que c'est le plan parfait du Seigneur là-bas de réunir toutes choses et les soumettre à Christ. C'est la volonté parfaite du Seigneur là-bas. C'est ses frères. Alors, à ce moment donné maintenant, tu nommes un diacre qui était proche. De temps en temps, ce diacre-là, comme il n'a pas d'argent dans ton ministère, il va là-bas, celui-là donne l'argent, il fait les informations qui se passent là-bas, il fait les informations. Un de ces jours, celui-là est au courant, celui-là se fâche aussi, il crée aussi sa part. Vraie église sanctifiée et renouvelée. C'est notre vision que Dieu a encore donnée. Et vous ne voyez pas qu'il y a des problèmes, parce que Dieu n'est pas dans la division, particulièrement dans ce qu'on appelle le corps du Seigneur. Il ne peut pas être dans la division. Donc, définitivement, toutes ces choses-là ont des inspirations démoniaques. Alors, il divise chaque fois pour mettre les gens en antagonisme. Il divise chaque fois pour mettre les gens en antagonisme. Vous, vous prêchez faux. Pourtant, vous êtes d'abord ensemble. S'il prêche faux, je vais prendre un seul exemple pour vous comprendre. Quelqu'un qui est dans la fausseté de pentecôtisme depuis, il dit qu'il a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit depuis ne le conduit pas dans la vérité. Vous savez, c'est. Après, quand il sort maintenant, il dit que je suis sorti maintenant dans ce pentecôtisme là-bas. Comment il est sorti? A-t-il eu des délivrances? A-t-il eu des nettoyages? Donc, c'est un agent satanique déguisé. Donc, là, il dit à Moïse que aie soin de faire tout d'après le modèle qui t'a été présenté sur la montagne. Donc, tu dois avoir la vision de Dieu sur ce que tu dois faire. D'abord, la vision de Dieu sur ce que tu dois faire. Dieu doit te montrer sur ce que tu dois faire. Or, pour l'église, c'est la chose la plus facile. Parce que Dieu a résolu le problème de l'église dès le départ. Il a choisi les apôtres qu'il a mis comme les fondateurs. Et ils ont mis le modèle. Et ils ont signé qu'il n'y a plus une autre fondation à mettre. Donc, il n'y a plus d'embrouille à venir faire. Tout a été d'ailleurs inventé. Vous savez, n'est-ce pas? Tout a été d'ailleurs posé. Ce que vous avez à faire, c'est construire. Quand vous êtes maçon, vous savez très bien que quand on creuse la fondation, on met les piquets là-bas, on met les règles de nivellement. Ça, ce n'est pas donné à n'importe qui. Encore moins lorsque le mur change d'orientation. Lorsque le mur change d'orientation, c'est là. C'est pour ça qu'on dit qu'on connaît un vrai maçon au pied du mur. Quand on parle au pied du mur, c'est. Voici le mur. Le mur a d'aller comme ça. Ici, tout le monde peut faire. Le pied du mur, c'est là où ça prend des tournures. Donc, on dit, la Bible déclare que. C'est l'expression qu'on dit quand on reconnaît un maçon au pied du mur. Ce n'est pas ici. C'est à l'angle. C'est-à-dire que là où on fait l'arrondi. C'est-à-dire quand Dieu quitte. Donc, là où le mur change de direction. C'est là où on va reconnaître si tu es maçon, oui ou non. Alors, c'est que les apôtres sont en train de dire ici. Ils sont allés dire dans 1 Corinthiens chapitre 3 en disant qu'ils ont posé la fondation. Lorsque une fondation d'une maison est déjà posée et que vous voyez très bien qu'on a mis le parpaing, juste parce qu'on a mis comme ça, vous savez que voici la chambre. Même quelqu'un qui n'a jamais fait la maçonnerie peut prendre son sable, le ciment, mélanger avec les parpaings qui sont là-bas, il continue. Parce qu'après avoir déposé cette fondation, il a dit qu'aucune autre fondation ne peut poser. Donc ça ne changeait rien à ce sens. N'est-ce pas ce qui est écrit dans la Bible? C'est pour ça que je suis allé dire que le modèle exemplaire, comme ça a été donné à Moïse de construire, et les Eholiab et Bessal, fils de Bessali, ont été inspirés par Moïse, par le Saint-Esprit, pour pouvoir coordonner le travail. Ils ont fait ces choses-là, la même chose Dieu a fait dans le Nouveau Testament, en choisissant les apôtres qui ont travaillé d'arrache-pied, guidés, conduits par le Saint-Esprit, les dirigés tout au long des actes des apôtres, jusqu'à ce qu'ils sont sortis avec les évangiles. Ils ont mis les fondations. Après, ils ont signé que la fondation, à l'angle du mur, c'est Christ. Le mur ne peut pas tomber. L'angle de tournure, la pierre de l'angle, la pierre angulaire, c'est Jésus. Donc quand le mur de ce côté-ci, est bien soutenu au niveau de l'angle, vous tapez le mur ici, ça ne peut pas amener. Parce que l'autre ici soutient. Vous tapez ici, ça ne peut pas amener. La doctrine des apôtres est placée et soutenue par Jésus. Et c'est soutenu par Jésus. Toute personne qui vient faire, doit faire d'après le modèle qui lui a été montré. C'est pour cela que dans ces Éphésiens chapitre 2, le verset 20, il dit que vous aussi, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Édifier, ça veut dire construit. Vous êtes construit. Vous, les chrétiens, vous êtes construit sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus étant la pierre angulaire. On dit en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est ce qui écrit ça dans la Bible, ça, frère. C'est pas ça, hein? Alors maintenant, ça veut donc dire que si quelqu'un n'a pas d'édifice construit sur ses fondations là-bas, ça ne peut pas être édifié pour être construit par Christ. Définitivement, on est sur une autre fondation. Vous comprenez la nécessité maintenant de renouveler, de briser toutes ces doctrines-là raser cette fondation et revenir aux fondations initiales, n'est-ce pas? Donc Abihu et Nadab ont apporté du feu étranger devant Dieu et la Bible déclare ce qui ne leur a pas été ordonné. Donc ils ont fait ce que Dieu n'avait pas dit, n'avait pas dit de faire. Donc ça montre clairement qu'au milieu de l'église, souvenez-vous, ce sont les hommes. Au milieu de l'église, les gens devaient venir faire les choses par eux-mêmes au milieu. Mais si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez remarquer très bien que vous ne voyez pas la main démoniaque derrière. Pas vrai? Vous ne voyez pas la main démoniaque, mais on a dit le feu étranger. Le feu étranger. Donc, vous ne voyez pas la révélation démoniaque. C'est le Nouveau Testament qui montre clairement. Donc, le Nouveau Testament dit que cette fois-ci, dans l'église, ils vont venir avec des doctrines des démons. Parce que c'est le Nouveau Testament qui les manifeste. Vous lisez l'Ancien Testament là-bas, c'est rare que vous voyez Satan agir. Dans la Genèse, même, vous ne voyez même pas mentionner Satan nulle part. Vous voyez que celui qui crée les autres, c'est lui. C'est pas ça. Dans le Nouveau Testament, vous pointez la torche dans l'obscurité. On voit que c'est lui qui faisait comme ça. Prêche, prêche, que ça écoute. Donc, lui qui dit que je suis content de te voir aujourd'hui. Non, c'est Hakim. C'est Hakim, n'est-ce pas? Hakim qui dit que prêche, que prêche, prêche. J'ai rendez-vous là-bas avec Ecclésiaste. Donc, je veux que vous regardiez quelque chose. Deux aspects déjà. Un, sur l'aspect de la loi, Dieu a été rigoureux par rapport au modèle à faire. L'aspect de la loi, c'est-à-dire que des choses qui étaient des cultures charnelles. Une chose qu'on devait, qui était temporaire, parce que ça montrait une image qui devait venir. Pas vrai? Dieu a été rigoureux au niveau des cotons, au niveau des fils, nombre de trous à percer. Il dit que 50 trous ici, de telle distance. 4 coudées. Couvrir le bois d'acacia de 5 coudées d'une fine partie d'or. L'arche doit être faite de l'or battu, de peau de dauphin, de fin fil rétors. Toutes ces choses devaient être faites de cette façon-là. Est-ce que vous comprenez? Si ce n'est pas comme ça, ce n'est pas Dieu. Et vous voyez très bien comment quelqu'un est venu ajouter quelque chose. Dieu a frappé. On avance. Deuxième cas de figure. À un moment donné, si vous lisez, j'arrive avec Exode chapitre 39 qu'on a donné tout à l'heure. On va parcourir en parallèle avec Hébreux chapitre 8 tout à l'heure. Si vous lisez dans l'Ancien Testament, dans 1 Chronique, au chapitre 13, vous savez, jusqu'au chapitre 15, je vais vous raconter l'histoire. Pourquoi on n'entre pas là-dedans? Si vous lisez donc dans le livre d'Exode, qu'est-ce qu'il y a qui me persécute avec cette histoire-ci? Si vous lisez donc dans Exode, vous allez remarquer que Dieu avait donc dit, toutes les arches, l'arche qu'on portait là-bas, il y avait toujours les barres. Les barres avec 4 côtés. Et particulièrement par rapport à l'arche de l'Alliance, Dieu avait dit que les barres là devaient être servies pour porter sur les épaules. Et ce sont les Lévites seulement qui devaient porter. À un moment donné, ils vont faire la faute. Souvenez-vous des juges, quand on allait au juge au chapitre 17, on a dit qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, des juges en Israël. Chacun faisait comme il voulait. Quand bien même chacun va faire comme il voulait, le jour que votre Dieu va se lever, il va dire qu'il était. Il est écrit. Donc chacun va rentrer là-bas à cette parole-là. Alors, Dieu a dit clairement et de façon expresse que ce sont les Lévites qui doivent le porter. À un moment donné, ils vont faire des choses. L'arche de l'Alliance va être emportée par les Philistins. David va dire, il est bien. Ça fait depuis longtemps que l'arche de l'Alliance se trouve de ce côté-là. Allons chercher. Ils ont tenu le conseil. Tout le monde était d'accord. La Bible déclare que tout le monde était d'accord. Ils ont commencé à danser le culte pentecôtiste. Ils ont célébré le culte. Le culte a duré ce jour-là jusqu'à parce que les gens ont dansé. David était le premier prédicateur. Il a dansé. La Bible est claire que David dansait de toutes ses forces. De toutes ses forces. Mais il avait raté dès le départ de ne pas aller vers le prophète pour consulter. Il a pris conseil avec le chef des peuples. Il a dansé de toutes ses forces jusqu'à ça. Mais il avait raté la chose. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont porté. Ils ont mis, la Bible déclare qu'ils ont raboté le plus beau, précieux, comment s'appelait, char. Ils ont déposé l'âge dedans. Le bœuf quoi? Le bœuf a commencé. Arrivé quelque part, c'est dans ces champs-là, c'est l'une des roues est montée sur le canne. Ça fait brrr. L'âge a bougé dedans. Ils ont dit que mince. Sa majesté peut tomber. On va dire que quoi, Israël, que c'est la majesté des dieux d'Israël est tombée. Il a tendu la main. Là, poum, le feu. Il a tué. Il voulait soutenir Dieu. Dieu l'a tué. Parce qu'il voulait soutenir. David a fait comme ça. La danse a commencé à faire. Il a commencé à entrer dans la foule comme ça là. Rentrant que le monsieur là. Il a dit que. Vous connaissez le frère Christian, mon gars? Oui. Allez mettre l'arche là chez lui. Ça le tue une fois. Ça, c'est Christian Monka au bête d'Edom, n'est-ce pas? Quand on allait mettre l'arche, le tube là qu'il servait, qu'il chantait ces cantiques là, il tue les gens comme ça là. À ce rythme là, à la maison, il peut le regarder comme ça, il me faisait le feu là-bas. Quand on allait mettre à Edom, c'est au bête d'Edom. C'est ici, n'est-ce pas? Après la révélation lui est venue. Ils sont allés consulter maintenant Nathan que Uzza est mort. Il a dit que, je comprends. Écoutez encore ça. Le prophète se présente là-bas. Il n'a pas besoin d'avoir le rouleau. Puisqu'il est sous la fondation. Chaque fois qu'il va parler de la fondation. Il s'est tenu la main, il dit, quel est le problème? J'avais raboté l'arche de l'alliance. C'est David qui explique. On a raboté les choses, on a mis à l'intérieur, ça voulait tomber. Ah, ça, vous avez fait la faute. Lui, quand il avait parlé, il a dit, chaque fois qu'on va porter ça, que c'est le Lévi qui porte. Il dit, hein? Il est rigoureux comme ça. Mais c'est mal transporté, c'est transporté, c'est pas transporté. Dis à ton voisin, transporter, c'est transporter. Mais pour Dieu, transporter, c'est pas transporter, tant que ce n'est pas comme il doit dire qu'on doit transporter. Dis à ton voisin comme ça. Dis à ton voisin, transporter, c'est transporter. Mais pour Dieu, transporter, ce n'est pas transporter. À moins qu'on ne transporte que de la manière qu'il a demandé qu'on transporte. C'est ce qu'il dit. Non, comment il dit, vous dites que transporter, c'est transporter. Après, tu t'arrêtes. Donc, le problème, ce n'est pas de porter l'arche d'un point A vers un point B. C'est la manière de transporter. C'est ce que Dieu avait dit. Et imaginez encore ceci. Nous sommes sous l'ancienne alliance. Il a tué un père d'enfant. Un père de famille comme ça. Tout simplement parce qu'on n'a pas porté l'arche sur l'alliance. L'arche sur le cou. Et quand David a entendu ça, il a dit au Lévi, ok, sanctifiez-vous alors, allez porter l'arche de l'alliance. Ils se sont sanctifiés, ils sont allés porter là-bas. Personne n'est mort. La même l'arche. Parce que Dieu est rigoureux. Il dit, aie soin de faire d'après le modèle qui t'a été montré. Maintenant, Exode chapitre 39. Exode. Remarquez, depuis, j'ai envie de parler comme ça dans l'Ancien Testament. Et Dieu a envie de faire comme ça. Les pasteurs font n'importe quoi aujourd'hui. Et Hébreu nous dit clairement que personne ne se rose du titre de sacrificateur. Si je quittais sur la terre, il ne pouvait pas faire, être même sacrificateur. Parce que là, ce sont ceux qui font les sacrifices d'après la loi. Et personne ne s'auto-proclame. C'est Dieu qui a dit à Aaron que tu es sacrificateur. Et lui, il a tenu aussi de celui qui l'a dit, tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Donc personne ne décide, c'est simple. Personne ne décide d'être apôtre. Personne ne décide d'être pasteur. Parce que ce titre-là, on ne décide pas pour l'avoir. Dieu doit t'appeler. Je vais lire quelques versets. Regardez le verset 39, chapitre 39, à partir du verset 1, d'accord? Regardez le verset 1. Avec les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, on fit les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire et on fit les vêtements sacrés pour Aaron. Regardez bien, après on signe, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Vous avez vu ça? Vous avez vu? Regardez au verset 5. Vous y êtes? Verset, c'est le dernier verset, dit, enfin, je vais encore lire. La ceinture était du même travail que l'éphod est fixée sur lui. Elle était d'or, de fils bleus, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Vous avez vu ça, frère? Mais c'est terrible. Avançons là, toujours là-dedans. On avance. Regardez verset 7 là. Regardez. On les mit sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On avance là, frère. Regardez le verset 21. Regardez. Verset 21. On attacha le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que le pectoral fût au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'il ne pût pas se séparer de l'éphod, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Vous pouvez continuer comme ça partout dans Exode. Vous avez vu ça? Verset 26, vous avez encore la même chose là-bas. Vous y êtes? Verset 31, vous avez encore la même chose. Vous y êtes? Je lis le verset 32. Ainsi fut achevé tous les ouvrages du tabernacle de la tente d'assignation. Écoutez très bien maintenant. Il y a un point. Après on dit, les enfants d'Israël firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il fit ainsi. Donc s'il y a un moment où les Juifs avaient été obéissants, c'était ce moment-ci. On a parlé des offrandes volontaires pour pouvoir construire la tente d'assignation. Ils sont venus parce que les travailleurs ont dit que non, qu'ils n'apportent que les offrandes seraient trop nombreuses. Mais si c'est nos prédicateurs aujourd'hui, il n'y a jamais de l'excès. On dit qu'il faut construire un autre magasin. Si vous comprenez, ils sont venus donner. Mais Israël est capable de donner l'or, l'argent pour qu'on construise l'arche de l'Éternel. Ils ne sont pas prêts à obéir un seul commandement de celui qui part dans l'arche. Donc, ça montre que l'être humain peut te donner sa maison. Mais dit que non, ne touche plus Gaël. Et le mignon Gaël là. Pour qu'il laisse Gaël, c'est un problème. Elle peut laisser la voiture. Le mignon péché. Donc, la Bible déclare au verset 42 aussi. Regardez. Verset 42. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Verset 43. Moïse examina tout le travail. Et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait ainsi et Moïse l'a béni. Amen. Un vrai qui est appelé de Dieu, quand il regarde la chose, il va toujours regarder si la chose se fait conformément à la volonté de Dieu. Si la chose se fait conformément à la volonté de Dieu. Mais curieusement, vous entendez quelqu'un est serviteur du Seigneur aujourd'hui. On fait quelque chose, il dit que, est-ce qu'il y a d'importance à cela? Est-ce que Dieu place d'importance à cela? Et Dieu, lui, il entre dans le détail des couleurs, des fils, du nombre de trous, de la distance, de la position. De la position où on va mettre les cuves des reins, de la position des chérubins. Dieu insiste là-dessus. Quelqu'un vient aujourd'hui dit que, on peut entrer dans la présence de Dieu, n'importe comment, la femme peut pas apporter le foulard, il n'y a pas de problème, ce n'est pas important. Donc celui qui décide ce qui est important pour Dieu ou pas. C'est tout simplement parce que on n'est pas entré dans la révélation pour voir vraiment ce qu'il en est par rapport à la parole. Si on entre dans la parole n'importe comment, c'est qu'un vrai serviteur va dire que tu fais ça, c'est écrit. Si tu dis oui, tu dis c'est où, tu vois. Ça règle le problème. Si c'est écrit, ça règle le problème. Donc Moïse, pour Moïse, c'était que chaque fois qu'il observait le travail, il fallait qu'il voie le travail. Il voit d'après le modèle qu'on lui a monté sur la montagne. Si quelque chose est plus élevé qu'une autre chose, il dit que non, c'est pas comme j'ai vu. C'est parce que Dieu a ordonné. Et la Bible déclare que les enfants d'Israël ont fait exactement comme Dieu a dit, ils se sont conformés. Quelqu'un n'a pas d'ordre à donner. Imaginez que vous donnez votre maison. Vous donnez le plan à un constructeur qui te construit une maison de 4 chambres. Tu viens, tu demandes pour entrer dans la chambre, tu vois que c'est 3 chambres. Il dit que non, j'avais vu que 4 chambres ne seraient pas bon. J'ai conçu 3. C'est lui qui conçut, c'est lui qui donne l'ordre de construire, mais il est là seulement pour exécuter. Vous pensez que vous prendrez cette maison, sera rejeté. Et Dieu, c'est un Dieu parfait que nous servons. Il dit qu'on fasse soin, on ait soin de faire d'après le modèle qui a été montré. Maintenant, ça c'est l'Ancien Testament. Ce tabernacle était une image du sanctuaire céleste. On l'a vu, n'est-ce pas? Et ce sanctuaire céleste donc, est le véritable. N'est-ce pas? Ok, la Bible déclare l'Apocalypse maintenant que le Seigneur lui-même est son temple. Oui ou non? Le temple de Dieu. Vous entendez aujourd'hui le temple de Sion. Nous allons dans le temple pour adorer. Nous sommes chez les chrétiens là maintenant. Ça, c'est l'Ancien Testament. Dieu avait donné à Moïse l'ordre de construire la tente d'assignation. Après, il a dit que lorsque vous serez entré, parce que le tente d'assignation, c'était, vous savez, le verset que le frère Ferra a posé la question la dernière fois dans Deutéronome 23, c'était ça, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'il dit que c'était vrai dans la tente d'assignation, parce que c'était clair quand il campait dans le désert. Maintenant, dans le pays, c'est autrement. D'accord? Maintenant, dans la tente d'assignation, quelque chose a été dit par rapport à ce modèle. Après, Dieu donne l'ordre, lorsque vous serez entré dans le pays, ce n'est pas comme ça que vous ferez ces choses-ci. Vous allez faire des choses à l'endroit où j'ai fait résider mon nom. Il vient de quitter une révélation vers une autre révélation. Il vient de quitter une révélation vers une autre révélation. C'est-à-dire, à un moment donné, la tente d'assignation va quitter et faire place à une autre chose, un autre lieu, on appelle le temple. Et ce temple, maintenant, lui-même, c'est une image de quelque chose. Le temple, lui-même, c'est une image de quelque chose. Vous savez, n'est-ce pas? Le temple. Dieu dit, il dit bien, Dieu dit dans l'Ancien Testament, aux Juifs, alors qu'ils sont encore dans le désert, en train de camper, il dit que lorsque vous serez entré dans le pays, quand il parlait des dîmes par exemple, il dit ce n'est pas comme ça que vous ferez vos offrandes et vos dîmes. Vous amenez vos dîmes et vos offrandes dans le lieu que j'ai fait résider mon nom, que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Encore, c'est Dieu qui choisit le lieu. Vous savez, n'est-ce pas? Alors maintenant, le moment arrive quand ils sont entrés dans le pays, on veut lui bâtir, on veut lui construire un temple. Le modèle est communiqué en vision. On est d'accord? Vous me suivez là, frère? On n'a pas encore fait une heure. Vous commencez à vous fatiguer comme ça. Le modèle est communiqué en vision. Le modèle est communiqué en vision. Salomon réalise le temple. Dans le livre des rois et des chroniques, lors de son inauguration, il se tient là debout. Il a immolé près de 120 000 bœufs, brebis là-bas. 120 000. Qu'il a sacrifié pour inaugurer. C'est la Bible qui dit. Alors lorsqu'il a inauguré, il s'est levé là-dessus, il s'est mis à genoux, il a levé les mains. Le Saint-Esprit est venu sur lui. Il a dit, quoi donc? Dieu habiterait-il dans un temple fait des mains d'hommes? La personne qui a construit le temple vient de réaliser qu'arrêté, Dieu n'habite pas là-dedans. Les prédicateurs aujourd'hui remplis de l'Esprit, entre guillemets, disent que vous venez dans la maison de Dieu où l'Esprit de Dieu habite. Celui qui était sous la loi dit que non, arrêté, il ne peut pas habiter là-dedans. Celui qui était sous la grâce, il dit qu'il habite dans la maison de planches. Que vous construisez votre maison en briques, vous venez de la maison de planches à Dieu. Maison de planches à Dieu. Vous comprenez que quelque chose ne va pas, n'est-ce pas, frère? Le Dieu dont il parle, c'est lui dont il est question. C'est lui en réalité. Parce que c'est sa maison, il va bâtir son empire. Il faut les associer. Il faut user de tous les niveaux, de toutes les façons. On apprend ça à l'école biblique. L'art de pouvoir faire, de pouvoir parler pour que les gens sachent apporter. Il y a des états émotifs, des positions de prédicateurs. Ceux qui ont fait ça, voilà pourquoi les prédicateurs font la psychologie. Parce qu'il peut parler, il y a des attitudes à adopter pour que ça touche l'appétit, touche le cœur. Il y a le piano derrière qui traite sur vos cœurs, vos émotions. Comme les femmes sont trop émotives. Je me souviens quand j'étais en Californie, j'ai souffert, mais Dieu m'a dit, mon fils, je t'aime. Quand tu vas entrer dans ton pays, toute femme qui va te bénir avec un montant en boîte de 500 000, sa vie ne sera plus le même. Tu entends une femme dire, amen, tu arraches. Tu arraches quoi? Tu arraches quoi? C'est n'est-ce pas? Quand on a de jouer le piano dedans, con. Donc, je me tiens sur ce pupitre-ci, sur l'autel de Dieu. C'est un chrétien qui dit ça, l'autel de Dieu. Il dit, c'est qu'il a bâti, il a mis les fleurs derrière. Sa chaise est derrière où s'assoit, derrière l'autel. Il dit l'autel de Dieu. Sa femme est à côté, croisant les pieds comme ça. Avec, si elle est bien assise, la fente de ses jambes sont dehors. Si elle n'est pas sur les pattes de Baphomet, avec le rouge à l'écart, tu regardes, tu crois que c'est l'individu là-bas. Il dit, elle se tient comme ça sur l'autel de Dieu pour lever la main vers le ciel, vers le Dieu qui n'a pas voulu servir, mais Dieu l'a forcé à le servir. Que quelqu'un fasse. Que Seigneur, tu sais qu'il est en train de faire la laverie là-bas. C'est toi qui m'as appelé. C'est que si ce Dieu-là est vivant, mettez-le à l'épreuve aujourd'hui en donnant 500 000. Pourquoi c'est toujours vous qui devez donner comme ça? À moins que vous me dites qu'il y a des prédicateurs. Je n'ai pas encore vu des prédicateurs qui se tiennent comme ça. Il dit que Dieu m'a donné la révélation qu'il faut que je vende ma maison, mes voitures. Et même s'il faut qu'ils dorment dehors, j'aurai une maison aussi. Ils savent, tout le monde savent, tous les prédicateurs savent qu'ils ont les maisons, grandes maisons en haut. Mais personne ne dit que Dieu m'a donné la révélation que je vends cette voiture, c'est parce qu'il y a un orphelin ici, une veuve ici qui est en train de souffrir. Vous avez déjà entendu ces choses? Ils disent que si tu es orphelin, même si ton argent de pension, retraite sort et au-delà, donne à la maison de Dieu et vois comment Dieu va te bénir. Les mangeurs des offrandes des orphelins. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est frère. Donc, sous l'ancienne alliance, Dieu fait donc la tente d'assignation. Salomon vient faire réaliser le temple. Lors de l'inauguration du temple, il dit qu'en réalité, il a la révélation qu'en réalité, il est en train de faire quelque chose de spirituel. Il réalise ça là, pendant qu'il est en train de prier. Il dit, mais quoi donc? Souviens-toi de ton peuple et de ton alliance que tu as fait avec Abraham. S'il arrive, il prophétise ce qui va arriver à Israël. Il dit, à un moment donné, si quitte tes commandements, donc le problème entre eux, ce sera le commandement qu'ils vont quitter. Il dit, si quitte ton commandement et qu'ils sont amenés captifs dans un pays, et c'est exactement ce qui va arriver. Ils vont quitter le commandement, on va les amener à Babylone. Il dit que si revenant en eux-mêmes dans ce pays, c'est tourne directement à Jérusalem. Et c'est ce que Daniel a fait. Lorsqu'il a ouvert la fenêtre, c'est au direction de Jérusalem qu'il a prié. Voilà, n'est-ce pas? Alors si c'est tourne en dirigeant cette maison-ci, daigne du haut des cieux. Parce qu'en réalité, tu es en haut. Et si c'est tourne du direction de cette maison-ci, ah, c'est merveilleux, frère. Donc, le juif se tourne du direction de Jérusalem pour prier. Quand il se tourne comme ça, c'est parce qu'il y a le Dieu de l'alliance avec Jérusalem. Le Dieu de l'alliance avec Jérusalem, pas qu'il est là-bas. Il dit que mon regard sera toujours sur cette maison. Il dit, Salomon dit donc, du haut des cieux, du sein de ta demeure, d'un exaucer à leurs prières. Donc le temple était une image des choses qui devaient venir. Et son image est présentée exactement dans le Nouveau Testament comme étant le corps du Seigneur Jésus. C'est ça, n'est-ce pas? Dans Jean au chapitre 2, les versets 19 et 20, la Bible déclare jusqu'à cette nuit de nouveau. Il a dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple-ci. Et toi, en 3 jours, tu le rebâtirais. C'est là, alors, on a dit, arrête les morts. Donc, on a fait 46 ans pour bâtir un bâtiment. Tu viens nous dire que tu peux faire boire et tu as construit. La Bible déclare, il parlait du temple de son corps. Et ils ont compris quoi? Le temple de Jérusalem. Donc, ils comprennent en fait que le temple de Jérusalem, c'est le type du corps du Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'on dit dans ces Habakkuk-là que silence, c'est le Seigneur dans son saint temple. Silence, que toute la terre fasse silence devant lui. L'homme est en train de marcher dans son temple. Il dit que toute la terre fasse silence. L'homme va dans son saint temple, le Seigneur dans son saint temple. Le corps de Christ marchant sur la terre, il marche sur la terre. Il dit le Seigneur, dans Malachie chapitre 3, il dit voici j'envoie mon messager devant ta face, il prépare le chemin. Il dit et soudain entrera le Seigneur dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez, Dieu que vous invoquez chaque jour, il va venir. Il a dit plusieurs fois que Emmanuel, il viendra lui-même. Je viendrai lui-même et la guérison sera sous mes ailes. Il viendra. Il est venu au milieu, il est entré dans le corps. Il est marché là-bas. Un de ses disciples lui a dit un jour que, où est le Père? Père, Père, chaque jour, Père, chaque jour, Père, chaque jour, tu montes, tu descends, Père, tu offres, Père, il est où? Donc, ça crée la confusion là-bas, même à toi aussi. Depuis que je suis au milieu de vous, tu ne me connais justement pas. Quand il a dit ça, il avait compris qui était le Père. Aujourd'hui, cette même question-là, les gens interprètent pour Philippe, ils comprennent pour Philippe, mais Philippe avait compris ce qu'il avait compris. La question avait été répondue. Donc, on peut tordre aujourd'hui qu'il voulait dire que, par exemple, si tu vois Josué, tu as vu Junior, dis que Josué a les cheveux et Junior a le Congolais bon. C'est pas la même personne. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, Dieu est rigoureux lorsqu'il a fait une œuvre. Et il faut qu'on saisisse vraiment le plan de Dieu, l'œuvre de Dieu, pour savoir comment, quelle direction faire. Si on ne parvient pas à saisir, faisons attention pour ne pas imiter Abihu et Nadab, qu'on a lu dans le Lévitique, chapitre 10. Ne pas être fou comme David jusqu'à ce qu'aller faire des choses selon nous-mêmes. Et que ça doit, à conséquence, produire la mort des innocents. Produire la mort des innocents. Je suis en train de vous conduire. Comme maintenant, je suis devant vous, je suis en train de vous conduire. Supposons que je suis sur la fausse route. C'est que votre âme là, c'est entre la main de fausse route. Absolument, frère. Donc, définitivement, j'ai intérêt à veiller sur moi. Veillez que, effectivement, c'est la voie que Dieu m'a donné de faire. Si ce n'est pas comme ça, et si je suis un faux, si je suis conscient de cela, première chose, je me repens, je me retire. Parce que c'est une œuvre spirituelle dont l'erreur n'est pas possible. Et ne sera pas tolérée. Souvenez-vous de Moïse, aie soin de faire d'après le modèle qui t'a été présenté, l'ancienne alliance. J'ai posé la fondation comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Il n'y a plus d'autre fondation. Il n'y a pas de correction sur la fondation. L'apôtre Paul disait que les femmes de Corinthe se voilent parce que, mais aujourd'hui on peut faire, comme il a dit ça, c'est comme ça que ça demeure. Vous savez ça, frère? C'était un problème culturel. La culture a changé. Donc, c'est un problème culturel. Il y a la culture aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Voilà. On peut avancer. Je veux que quelqu'un me répète d'abord la première chose qu'il dit, c'est qu'on doit faire. Comment, frère? Non, je veux dire que la première chose qu'on a dit, je suis en train de parler de façon méthodique. Si vous en avez décrit, vous avez les grands 1, plus 1, haut là-bas. La première chose qu'il dit dans cette théorie de nettoyage, c'est quoi? Je vais être sûr que je suis en train d'avancer, vous en avez de comprendre. Sinon, peut-être que je suis en train de mettre le savon sur l'eau savonnée, comme ça, sur de l'huile sur votre cœur. Sans la reprogrammation, nous allons tourner en rond. Donc, il faut d'abord qu'on parle de quoi? De la nécessité, donc, de la reprogrammation, du renouvellement. Renouvellement de la doctrine, par rapport à la doctrine reçue, la nécessité. Et la première raison pour laquelle il faut nécessairement ça, c'est que si on ne le fait pas, on va continuer à tourner en rond. C'est pas ça, hein? Deuxième chose, c'est que Dieu en fait une chose nouvelle et il ne met pas de vin nouveau sur les vieilles outres. C'est ça qu'on a vu, non, frère? Troisième cas, c'est que quoi? Il faut les nourritures spirituelles autant convenables. Et ce n'est que ces nourritures spirituelles-là qui peuvent te faire grandir et amener à l'image de Christ, à la statue parfaite de l'homme fait, selon Christ. C'est pas ce qu'on a vu. Vous notez donc quoi, alors, que je dise, il dit, je le redis, il fait 2 heures de temps, il revient, il dit la même chose. Qu'est-ce que vous notez? On peut avancer. Donc vous avez compris la nécessité, le pourquoi il faut faire, n'est-ce pas? Et en deux maintenant, j'ai présenté quelque chose. Ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Ce qu'on est en train de voir maintenant, je vous en ai parlé, Moïse, c'était quoi? Le modèle que Dieu donne et que les prédicateurs ne suivent pas. Tu n'as pas attention comment? Tu n'as pas prêté l'attention là-bas. Donc, on commence à voir les types, comment Dieu est rigoureux dans ces choses, parce que on a l'ombre, on a la réalité, et Dieu est rigoureux par rapport à ce qu'il demande qu'on fasse. Et c'est, je suis en train de prendre dans l'Ancien Testament pour venir dans le Nouveau Testament cette fois-ci montrer que cette œuvre-là, en réalité, les gens ont fait à leur manière, et Dieu va y revenir de toute façon, parce qu'ils sont là-dedans. D'accord, frère? Maintenant, vous permettez qu'on avance. La première fois qu'on avait posé la question, je vais poser la question à partir de ce niveau, c'est pour qu'on, là, on a besoin d'avancer là. D'accord? Ok. Vous prenez les dénominations. N'importe quel nom pouvait nommer. Maintenant, voici, quand je parle de ma droite, c'est le Nouveau Testament. Je parle de ma gauche, c'est l'Ancien Testament, d'accord? Donc, si je dis ceux de gauche, vous êtes de l'Ancien Testament, vous de ma gauche, vous de ma droite, vous êtes du Nouveau Testament. Vous qui êtes au milieu, là, vous êtes les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, vous ici, là. Donc, chaque fois que je vais parler de Marc, c'est vous. Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est vous, les quatre évangiles, voici au milieu. C'est, oui. Les évangélistes ne font pas partie du Nouveau Testament. Non. Vous voyez le problème qu'on a. Donc, voici les reprogrammations qu'on doit faire. Ça, c'est vraiment le cas typique de ce qu'on va faire. C'est lui qui a parlé hier des rois mages, non? Vous avez vu, non? Il a dit ici que la dernière fois qu'il est allé, qu'il a seulement fait une heure dans une dénomination, qu'il n'est pas sorti. Il est sorti lui avec le roi mage là-bas. Dis à ton voisin, tu fais deux secondes. Tu vas prendre la suite de deux secondes. Si tu as fait 20 ans comme maman Anna, il faut le homo mélanger avec le mada. Avec quoi, le pax? Mettre l'eau de Javel la croix. Pour que la caractère puisse sortir. Voilà, n'est-ce pas? Donc, il est entré quelque part, il s'assoit. On raconte peut-être c'est le résultat à la fin. Peut-être c'est à la fin de nous qu'il est entré. À l'entrée, on parle du roi mage. En sortant, il sort avec la conséquence aujourd'hui. Et vous prenez toutes les Bibles, vous voyez ça, vous ouvrez votre Bible, ça commence à Genèse, ça finit à Malachie. Après, il y a un feuille blanc, on écrit Nouveau Testament. Et à l'intérieur, on vient dire dans Hébreu que le testament ne peut entrer en vigueur que lorsque on constate la mort du testataire. Le simple bon sens voudrait que les gens comprennent que Matthieu n'est pas le Nouveau Testament. Parce que le testataire qui introduit le Nouveau Testament n'est pas encore mort. Dans Matthieu, il est plus de nuit. Comment on va faire comprendre ces choses-ci? Est-ce que c'est compliqué? Je suis vivant. J'ai écrit un testament que si je meurs, mon fils a 3/4 de mes biens. Ma fille, 2/4. Est-ce que vous comprenez? Tu parles de 2/4 et 3/4. C'est vrai que ça ne va pas là, n'est-ce pas? Mais de toute façon, comprenez-moi. Je suis encore vivant. Mon fils prend quoi? L'acte notarié pour aller chez le notaire qui veut prendre là ses biens. C'est normal, ça, frère? Il faut qu'il quitte la scène. C'est le principe. Je quitte la scène, il la sait pas, parce que ce testament n'entre en vigueur que si je meurs. Tant que je suis vivant, je jouis de mes biens. Vous savez, n'est-ce pas? Ainsi la Bible. La Bible dit que le testament, le Nouveau Testament est inauguré par le sang de Jésus, parce que l'Ancien avait été inauguré par le sang de bouc, qui était le type du sang de Jésus. Or, le Nouveau Testament, on le voit qui est né. C'est pour ça qu'il peut respecter la loi, aller donner les tutorelles, les pigeons qui étaient prévus dans la loi. Vous voyez, n'est-ce pas? Né sous, lorsque les temps ont été accomplis, une fois de plus, le temps de Dieu, il a envoyé son fils né sous la loi, né selon la loi, pour délivrer. Le but, c'est pour délivrer ceux qui étaient sous la loi pour avancer maintenant dans la réalité spirituelle. D'accord, mon cher? Voilà, je peux avancer donc maintenant. Donc, je recommence. Ceux de ma droite, c'est le Nouveau Testament. Ceux de ma gauche, c'est l'Ancien Testament. Ceux du milieu, c'est les évangiles. Donc, en réalité, c'est la zone tampon entre. Vous savez, quand il y a guerre, quand on veut faire la trêve, quand vous entendez par exemple que dans la bande de Gaza, les Israéliens et les Palestiniens sont en train de diriger, de combattre, on dit qu'on trouve la trêve, on fait la trêve de la guerre. Chaque soldat reste dans sa position. Si tu restes dans ta position, tu gardes cette position. L'autre là reste dans sa position, personne n'avance. Entre la position ci et l'autre position, la position qui est au milieu, on appelle ça la zone tampon. Vous comprenez, n'est-ce pas? La zone tampon. Donc les évangiles, c'est la zone tampon entre la loi et la grâce. D'accord? Vous pouvez voir les applications de la loi là-bas et de la grâce manifestées. Vous pouvez voir les applications de la loi et de la grâce manifestées. Et plus tard, on est dans la pleine grâce. Et dans l'Ancien Testament, on est dans la pleine loi. Est-ce que vous comprenez? Alors, dans les hommes tempos, vous voyez la loi et la grâce manifestées. Dans la loi, il n'est pas permis aux juifs, non-juifs d'entrer. Dans la grâce, Seigneur, guéris ma fille. Il n'est pas permis que tu donnes que les choses chiens, les choses des enfants aux chiens. Mais si. Non, va, tu le trouves comme ça. Mais où est là, n'est-ce pas? La grâce. Je peux avancer? J'ai dit, il faut que ces fondations se soient mises. Je veux que vous ayez ça à l'esprit. Parce que quand je vais poser la question par ici, je suis d'avancer sur un terrain. Lorsqu'il va finir de commenter, on va entrer dans le nettoyage en profondeur. D'accord? Voilà. Maintenant, observez ceci. À droite, c'est quoi? Vous avez vu, non? À droite, c'est quoi? À gauche, c'est? Au milieu, c'est? Voilà, les évangiles. Voilà. Je vais me tourner vers l'Ancien Testament. Par la suite, je vais me tourner ici. On va causer, d'accord? Dans l'Ancien Testament, avez-vous vu les pharisiens, les sadduciens, les hérodiens, quelque part? Non. Ils se trouvent dans l'évangile? Oui. D'où est-ce qu'ils sont sortis? Il y a un problème. Il faut qu'on étudie cela. D'accord? Il y a un problème. Dans l'Ancien Testament, on vient de voir deux choses. L'autre, parce qu'ils étaient dans le désert, la tente d'assignation. Si la pluie là vient, ça va vraiment vous mouiller là-bas dehors. Donc préparez-vous. Ici, c'est l'Ancien Testament. D'accord? Et il y avait deux choses. La tente d'assignation. Et lorsqu'on est entré dans la terre, le temple. Quelqu'un dit le temple. Pas les temples. Je recommence encore. Gardez tout ce que ça nous dit à l'esprit. dans ce temple ou bien dans ce temple d'assignation, deux groupes de personnes seulement pouvaient fonctionner. Les Lévites. Les sacrificateurs. C'est vrai que les sacrificateurs sont les Lévites. D'accord? Parce que ça, les Lévites, c'est une race. C'est une tribu. Donc, il y avait deux classes de personnes, pas deux tribus. Deux classes. Une tribu seule devait fonctionner là-bas. Une tribu seule devait fonctionner là-bas. Les Lévites. Il y avait deux classes là-bas. D'accord? Les sacrificateurs et les Lévites, cette fois-ci, qui n'est pas le nom des tribus. Le nom d'une fonction. D'accord? Voilà. Ça, c'est ça. Dans les évangiles, qui est un pharisien? Qui est un sadducéen? Qui est un hérodien? D'où sort la synagogue? Préparez vos cœurs, d'accord? Je recommence encore. Permettez que la fraîcheur entre en attendant avant que ça ne soit violent là. Je veux que vous soyez attentifs vraiment. Je veux que vous soyez attentifs. Vous avez vu la question, il y a un problème, n'est-ce pas? Je recommence ici. L'ordre de Dieu qu'on a dans les lits depuis là-bas, que Moïse, lui, l'a reçu, dit clairement que Moïse a fait tout et les enfants d'Israël ont fait tout en se conformant d'après l'ordre que Dieu a donné. Nous avons lu ça dans Exode chapitre 39, verset 31, 42 et 43. On a lu ça. Dieu dit à Moïse de oindre le sacrificateur Aaron en touchant le sang sur l'orteil droite, le pouce droit, l'oreille droite. Il le fait conformément. Ils entrent en service. On utilise 7 jours pour les consacrer conformément. Après ça, ils portent l'effort. En entrant dans la tente d'assignation, il lave la main qui est dans la cuve qui était réservée à la purification. Il reste dans la tente d'assignation pendant 7 jours jusqu'à ce qu'ils sont purifiés. On est d'accord? Il dit, toute autre personne ne doit plus s'approcher des sanctuaires parce que c'est les Lévites qui sont l'héritage de Dieu qui doit faire ce service. On se comprend, frère? D'où viennent les pharisiens? D'où viennent les sadducéens? D'où viennent les hérodiens? La plus grande des choses, la plus triste de cette histoire, c'est que tous se réclament être de Moïse. Maître, Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes. Vous avez remarqué ça dans votre Bible, Jean chapitre 8. Maître, cette femme a été prise en flagrant délit de l'adultère. Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, qu'est-ce que tu dis? Il vient de déclarer que, un, la femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Donc, on l'a surpris sur le fait. Mais elle a été amenée seule. Je vais vraiment votre attention. Si j'avance clair, de façon doucement pour qu'on puisse assaisir. Ils amènent cette femme devant Moïse. La Bible déclare dans Jean chapitre 8 qu'ils ont posé, ils ont mis la femme au milieu de l'assemblée. Jésus Christ s'est baissé, il est en décret. Ils déclarent de leur propre bouche. Ils disent que cette femme a été prise en flagrant délit. En flagrant délit, ça veut dire que on t'a pris sur les faits. Et une femme ne peut pas commettre adultère seule sous la loi. Donc elle est en train de commettre avec un homme, au moins. On l'a pris. Question, où est cet homme? Vous avez réfléchi comme ça? Hein? Vous avez trouvé l'homme? Maintenant, voici le problème. Le problème, c'est qu'ils disent que Moïse a ordonné de lapider de tels hommes, de telles femmes. Or, c'est pas ce que Moïse a dit. Allons dans la Bible. Donc, l'histoire se passe dans Jean chapitre 8. Allons dans Deutéronome 29. Observons ce que Moïse lui a dit. Je vais seulement vous comprendre. Quand vous allez toucher le Nouveau Testament, vous allez voir les mêmes principes avec les prédicateurs. Et vous avez vu qu'on a parlé de la doctrine de prospérité. Ouais, n'est-ce pas? Les doctrines de prospérité ou de la banque. On y va. Deutéronome 22, il est à partir du verset 22. Du moins, c'est le verset 22. Deutéronome 22, allons vraiment vite. Merci, Père, pour ce que tu fais pour nous. Deutéronome chapitre 22, regardez. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, première condition, la condition a été respectée dans Jean 8, n'est-ce pas? Puisqu'ils ont affirmé qu'on l'a trouvé en flagrant délit d'adultère. Reste que Moïse lui l'a dit. Ils mourront, la femme seule. Non. Là, on a dit quoi? Tous les deux. Ok. Tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi, tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Supposons que à l'issue de cette assemblée dans Jean chapitre 8, on avait lapidé la femme. Est-ce que le mal est retiré conformément à la loi? Je recommence encore ceci. Moïse a dit quelque chose. On a vu clairement ce que Moïse a dit parce que voilà ça. Et ils ont dit que Moïse a ordonné. Je ne sais pas si on a cité bien ce que Jean 8 parce que c'est dans Jean 8 que ça se trouve. Ils disent Moïse a ordonné de lapider de telles femmes. Est-ce que c'est ce que Moïse a dit? Ouais, là, n'est-ce pas? Ça commence à nous montrer effectivement que au milieu d'Israël, il y avait des gens qui prenaient dans la parole de Moïse ce qui les intéressait et laissaient les autres. Donc ils allaient dans la loi de Moïse. Ils prenaient ce qui les intéressait les intéressait et laissait l'autre. Ce que Moïse avait dit. Voici clairement là où Moïse a parlé, ce qui sont les cités. Mais ils disent que Moïse a ordonné qu'on l'appelle des femmes. Mais on n'a jamais dit qu'on l'appelle des femmes. Il a dit que si l'on trouve, et ils ont dit clairement que la condition a été respectée, parce qu'ils ont trouvé la femme en flagrant délit d'adultère. Ils ont laissé l'homme, ils ont pris la femme. Ils veulent l'appeler. C'est ses frères. Ok, la question maintenant c'est ceci. Qui sont ceux qui sont venus parler à Jésus-Christ pour l'éprouver, pour lui poser la question, toi qui es-tu? Mais toi, que dis-tu? Les pharisiens. Pharisiens, ça veut dire séparés. Les séparés, un groupe séparé. Rigide dans la loi et dans la tradition. Baladons-nous dans le livre de Matthieu et voyons quelque chose. D'accord? On est ici, on va parler. Tu as quitté toi les évangiles. Tu es venu dans l'Ancien Testament. Non, il a quitté, le frère a quitté l'évangile. Comme il était là, il a dit que non, la zone temporelle n'aime pas. Soit il est dans la loi, soit il est dans la grâce. Il a dit que mieux l'entendu sur la loi. Allons dans la loi, là, mon frère. Mm-hmm. Donc il reste avec ceux du milieu. Je ne sais pas comme ça, pour que lorsque j'en ai parlé, vous voyez l'image dans votre tête, d'accord? Ouvrons Matthieu au chapitre 20. Que Dieu vous bénisse. Amen. Allons au chapitre 22. Le chapitre 22 serait intéressant. Voilà, merci Père. Donc nous sommes dans les évangiles ici. Je vais lire et vais avancer dans la conversation. Derrière là, vous me suivez? Ok. Donc ouvrez votre matière devant de vous au chapitre 22. Nous sommes là pour le nettoyage des choses qui ont été incrustées en nous. Pendant que vous allez ouvrir votre matière, je vous pose une question. Pendant que ces personnes sont en train de parler à haute voix devant Jésus, parce que les pharisiens avaient des disciples, lorsqu'ils tordent la parole comme ça, comme ils ont tordu, qu'est-ce qu'ils enseignent à leurs disciples? Quand ils vont aller enseigner à d'autres personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire, frère? Vous allez me donner raison que les écoles bibliques, c'est une école de formation, brigade de formation de fous, pour former de fous, pour relâcher dans la nature, pour pervertir l'œuvre de Dieu. Vous allez me donner raison. Vous l'admettez ou non, la Bible me donne raison. Donc avançons ici. Chapitre 22, verset 15. Je vais lire à partir de là. Alors les pharisiens allaient se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils ont allé se consulter que, mon gars, il y a docteur un tel ici. Verset dans l'écriture, un tel. Captons le gars là sur ses propres paroles. Or, Jésus-Christ, souvenez-vous, il a dit dans les évangiles que si vous croyez Moïse, et voici donc la parole indicatrice, vous montre clairement que tout c'était dans le faux. Il dit, si vous croyez Moïse, vous croirez aussi à mes paroles. Vous croirez aussi en moi parce que Moïse a écrit à mon sujet. Donc, ils sont allés dans le livre de Moïse, lili, ils ne voient pas Jésus. Jésus leur enseigne qu'arrêtez, il a parlé de moi. C'est pas ça, frère? C'est terrible. Dans le verset 15 de ce chapitre 22 de Matthieu dit que les pharisiens sont partis se concerter sur les moyens de surprendre jusque sur les paroles. C'est une indication au prédicateur maintenant. Que fais attention à ce qu'on sort de nos bouches, si c'est vrai ou pas. La preuve, on met les vidéos ici. Vous dites que cette personne dit, observez ce que la parole dit, pas vrai? On ferait mieux d'examiner ça. Vous devez savoir de quoi vous parlez. D'accord? Donc, sur le moyen de surprendre Jésus-Christ sur les paroles, ça veut dire qu'on va dire que tu as dit ceci, la loi dit plutôt ceci. Or, eux-mêmes d'abord ne sont pas en règle avec la loi. On vient de voir ça, pas vrai? Maintenant, regardons verset 16. Ils envoyaient auprès de lui leurs. Donc, les pharisiens. Quand on dit qu'ils sont envoyés, ils envoient leurs disciples, ça suppose que ce sont les chevronnés, les archibishops. Vous entendez dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on dit que les principaux sacrificateurs, les principaux. Dans le Nouveau Testament, on les appelle maintenant. Dans le Nouveau Testament, après le Nouveau Testament, quand on sort du Nouveau Testament, on dit que le pasteur régional, le pasteur surintendant, c'est le nom qu'on a aujourd'hui. Et ça se trouve dans la Bible, mais pas du côté de Dieu. On avance? Ok, regardez. Ils envoyaient auprès de lui leurs disciples. Ils veulent comme ça quelque chose pour pousser jusqu'à la boue, pour que Jésus soit. Ils ont le feedback. Et puis là, ils pourront venir eux-mêmes en tête. D'accord? Nos disciples sont venus si vous avez dit telle chose maintenant, parce que c'est ce que la loi dit. Est-ce que vous comprenez? Ils envoyaient comment? Les éclaireurs. Ouais, les éclaireurs. Voilà. Ils envoyaient auprès de lui leurs disciples avec les. Donc, soulignez pharisiens, puis hérodiens. Donc, au moins, pour aller contre la parole de Dieu, les dénominations peuvent s'entendre. Donc, l'association des malfaiteurs spirituels. Donc, en temps normal, les hérodiens. Et les pharisiens ne s'entendent pas. Mais sur ce terrain-ci, il faut qu'ils s'entendent. En temps normal, Pilate et Hérode ont des problèmes. Mais sur le cas de Jésus-Christ, il faut qu'ils se réconcilient. C'est terrible. Seulement pour faire du mal à la parole. Mais c'est ses frères. Celle-ci, quand elle vient chaque fois, elle dort seulement. Tu dors seulement. Que Dieu te bénisse. Donc, les disciples sont venus avec les Hérodiens. Regardez bien. Ils envoyaient auprès de lui, verset 16, leurs disciples avec les Hérodiens qui disent, maître, écoutez très bien l'hypocrisie. Si ce n'est pas l'hypocrisie ici, je ne sais pas comment on peut décrire ça. Maître, nous savons. Nous savons. Lorsque quelqu'un, un ministre, est envoyé par l'État pour aller signer une convention quelque part, lorsqu'il signe comme ça, il endosse toute l'autorité, tout l'État. On ne va pas dire que c'est le ministre tel qui avait signé, on va dire que c'est l'État camerounais qui a signé. Ou mieux, le Cameroun a signé une convention avec la Genève selon laquelle. Le nom de la personne, on s'en fout. Les disciples, on s'en fout. Quand il dit nous savons, on dit que le groupe des Hérodiens et des Pharisiens sont clairs par rapport à ton enseignement. Donc ils savent. Ce n'est pas l'hypocrisie, ça, frère. Il dit nous savons que tu es vrai. Frère, si tu sais que Jésus est vrai, il ne peut pas avoir de questions. Tu devais quitter le groupe dans lequel tu te trouves pour te joindre à lui. On est d'accord? Nous savons que tu es vrai. Donc nous savons. Nous savons que tu es vrai. Et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Mais c'est terrible comme déclaration dans la Bible. Sans t'inquiéter des personnes. Donc si on est pharisien, tu balances pour nous. Si on est hérédien, tu balances pour nous. Et tu prêches directement la parole. Nous savons ça. Frère, qu'elle les empêche de quitter pharisiens pour aller maintenant du côté de Jésus qui enseigne vrai. Cette confession, c'est une confession de la malversation de la parole qui se trouve chez eux. Parce que c'est, si c'est lui qui enseigne ce qui est vrai, il n'a pas dit que tu enseignes ce qui est vrai comme nous. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit nous sommes venus apprendre de toi. Mais ici derrière, nous sommes très bien, c'est le piège pour le piéger, pour le pousser à bout. Si quelqu'un est vrai, il enseigne droitement la parole. Pourquoi aller le faire tomber? Vous vous souvenez de Daniel, n'est-ce pas? Quand on a lu Daniel chapitre 6. Les gens ont dit clairement que on cherche les failles, on ne peut pas voir que la seule façon de faire, c'est de le faire tomber dans les paroles. Ouais, ça, frère. Ok, la Bible déclare ici, au verset 17, dis-nous donc ce qui t'ensemble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Ouais, ça, ce sont les gens qui disent servir Dieu. La question qu'ils posent maintenant, c'est pour aller amener l'antagonisme entre Jésus-Christ et un roi mondain. Et il dit que Jésus est serviteur de Dieu. Qui sait Dieu dans la droiture, dans la vérité. Que quand il dit à quelqu'un, race des vipères, il n'a pas froid aux yeux. Jésus était comme ça. Marc l'invite, il n'a pas parlé. Je sens des mecs, il a dit Marc. Tu t'embrouilles trop. Et c'est la notice qu'on va préparer pour lui. Il finit comme ça, on donne la notice. Il m'a dit, et il disait que elle a fait la bonne part. Alléluia. Simon l'invite là-bas. Cette femme-là entre. Seigneur. Simon dit dans son cœur que si cet homme s'était prophète, il saurait. Comme maintenant, ça se passe dans un cœur ici-là. Je sens devant mes problèmes qu'il n'a pas des histoires. Il dit si cet homme s'était prophète, il saurait que cette femme, c'est une femme de mauvaise vie. Il dit Simon, depuis que je suis entré chez toi, tu ne m'as pas donné l'eau pour laver le pied. Tu m'as fait faire ceci. C'est pourquoi mes péchés sont pardonnés. Il dit que blasphème. Appelle-la comme ça, il dit que malheur à ceci. Quand tu as invité ceci, voilà, donne-lui pas l'invitation en ceci. Il s'en fout de celui que tu lui donnes la nourriture, que tu n'as pas donné la nourriture. Il dit la vérité. Donc, les pharisiens, pour une fois, ont dit vrai sur Jésus. Pas vrai? Nous savons que tu es vrai et que tu dispenses directement la parole de Dieu. Mais tu permets de faire le tribut à César. Regardez. Dans votre vidéo de Jésus, vous allez voir quelqu'un reste et dire que maître, ne réponds pas, c'est un piège. Vous voyez comment on ajoute les choses dans la parole de Dieu. Maître, ne réponds pas, c'est un piège. Comme si on a quelque chose à lui apprendre pour que s'il répond mal, on va la voir. Vous voyez? Frère, qu'est-ce qui ne va pas? Et on a dit comme ça que les rois mages sont venus voir Jésus. Mon frère a pris ça. Que c'est la roi mage. Voilà la vraie personne qui a pris ça. Donc c'est lui qui a pris ça dans la vidéo. Vous voyez, sol de tasse. Quand un sol va être baptisé, on prend l'homme sur sa tête, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans le sol de tasse. Vous voyez là, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, quitte Hollywood. Viens dans la sainte parole. Et vois le film dedans. Ici, c'est réalisé sans trucage. Donc, c'est raconté. C'est une histoire vraie et vécue. Il n'y a pas de fiction. Donc, d'accord, frère? Ok, maintenant, verset 17, verset 18. Jésus connaissant les méchancetés. C'est parce qu'ils ont tourné le film. Là, on vit le verset 18. Jésus connaissant les méchancetés répondit, pourquoi me tentez-vous? Après, il a dit quoi? Hypocrite. Arrêtez, vous n'avez pas vu le mot là. Donc, vraiment, si ce n'est pas l'hypocrisie ici, c'est l'hypocrisie de haut niveau. Montrez-moi la monnaie avec laquelle. Souvenez-nous pourquoi il vous a amené ici. Je suis dans les évangiles ici. J'ai posé des fondations ici, que quelque chose se trouve ici. Ça ne se trouvait pas ici. Je vais aller ici voir pourquoi il se comporte comme ça, pour qu'on voit si c'était qui était ici. Quand on va finir ceci, on va voir ce qui était ici dès le départ. Et maintenant, comme il n'y a pas les évangiles, les tampons entre eux et nous, il n'y a que le Nouveau Testament et toute notre période jusqu'à nous. On va voir dans notre période ce qui est arrivé par rapport à ce qui est ici. C'est la façon d'étudier cette chose-ci. Donc je vois ce qui était derrière les évangiles. Je vois, il compare avec les évangiles. Je vois ce qui est arrivé. Avec ça, je peux savoir ce qui va arriver ici dans la suite des temps. C'est ça, n'est-ce pas? Verset 19. Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et il lui présentait un denier. Il leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondit-il. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Verset 22. Étonné de ce qu'ils entendaient, ils le quittaient et s'en allaient. Dis, tu aimes tout dire la vérité. On ne peut même pas te coincer, c'est même toi avec toi. Ils partent. Il a répondu, comme ils ont d'abord prophétisé, droitement. Amen. Ok, maintenant, lisons le suivant. Verset 23. Le même jour. Donc, je sais qu'il avait des problèmes ici dehors. Le même jour. Les. Souligné. On y va. Ok. Le même jour, les Sadducéens qui disent que il n'y a point. Vint auprès de Jésus et lui fit cette question. Arrêtons d'abord là-bas. On dit que les Sadducéens disent quoi? Les pharisiens, eux, ils croient à ça, pas vrai? Ok. Au moins, les pharisiens et les hérodiens étaient proches. Mais même quand ils étaient proches, hérodiens restaient hérodiens, pharisiens restaient pharisiens. Il y a un problème au milieu des hommes. Satan est au milieu des hommes pour les dire. Maintenant, on dit que les sadducéens, le même jour qu'ils sont partis, vrai. Les sadducéens, on dit que eux, ils disent qu'il n'y a point de résurrection. Aidez cet enfant. D'accord. Dans ce verset, il dit, le même jour, les sadducéens, et on nous donne un enseignement, qu'eux, ils disent qu'il n'y a point de résurrection. Donc, parmi les doctrines les plus phares chez eux, l'une des choses, c'est qu'il n'y a point de résurrection. Donc, si vous pouvez être d'accord sur un point, la doctrine, là, elle ne change pas ça. Il faut qu'on étudie ce thème, cet aspect-ci, un moment, par rapport aux dénominations. C'est-à-dire que sans même parler, vous commencez à voir les choses, n'est-ce pas? Vous commencez à voir les similitudes. Les catholiques qui disent que Marie est montée au ciel. Donc, pour que tu sois catholique, tu dois croire en cette doctrine. On est d'accord? On est d'accord, n'est-ce pas? Donc, pas catholique sans Marie. Je suis catholique non pratiquant, tu es un faux catholique. Mais le catholique même va te condamner. Parce que tu ne crois pas à sa doctrine. Parce que la doctrine catholique dit que tu dois croire à cela. Et que tu n'as pas de discussion à faire parce que c'est le Saint-Père qui l'a fait. Il est infaillible. Il est l'interprétant de la loi. Il doit te dire ce que tu dois faire. Tu ne rejèmes pas. Tu rejèmes, tu cours la peine d'anathémisation. Est-ce que vous comprenez? On dit donc que les Sadducéens, eux, leur doctrine, c'est qu'il n'y a point de résurrection. Je veux qu'on insiste là-dessus, il y a pour arriver. Maintenant, on se retrouve dans la zone tampon. Et pour qu'on voie ces choses-ci, il y a une confrontation religieuse. Et il n'y a qu'une seule chose qui peut séparer ces gens-ci. Quand il dit que pour séparer, ça veut dire que s'il y a un conflit, il n'y a qu'une seule référence qui va donner tort ou raison à une seule personne. C'est l'Ancien Testament. Parce que lorsqu'ils vont dire, ils vont dire qu'un homme était né parmi nous, il a 7 frères. Vous voyez, n'est-ce pas? Il avait épousé une femme, la femme a connu ça. Il dit que Moïse a dit que ceci. Vous voyez, n'est-ce pas? Et c'est Moïse, ça montre qu'ils avaient l'Ancien Testament. Une fois de plus, est-ce que dans l'Ancien Testament, on parlait de la résurrection? Il y a un dernier nom, pasteur. On ne parle pas de la résurrection, les gars. Comment? De Daniel. Merci, pasteur, merci. Souvenez-vous, parce que en se retrouvant dans la terre promise comme ça, avant que Jésus ne vienne, ils avaient été captifs à Babylone. Et c'est l'intercession de Babylone, de Daniel, qui a amené la libération des Juifs. Donc, ils avaient forcément le livre de Daniel. On est d'accord? Jésus-Christ est venu, il a cité le livre de Daniel, il dit que lorsque vous verrez l'abomination placée en l'air de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, donc ils avaient ce livre-là. Que celui qui lit fasse attend. Donc Jésus-Christ vient d'authentifier que le livre de Daniel est digne de foi et existait. Amen. C'est dans Matthieu que Jésus-Christ a dit ça. Il a dit ça ouvertement que lorsque vous verrez l'abomination de la dévastation placée en lieu saint, dont a parlé le prophète Daniel, que celui qui lise fasse attention. Et Daniel en a parlé. Donc le livre Daniel est authentique. Chapitre 12 de Daniel. Daniel, c'est après Ézéchiel. Donc s'il y a un endroit dans la Bible où la résurrection est aussi claire que l'eau de rouge, et dans Isaïe, c'est plein. S'il y a un endroit, donc prenons ceci, puis on va dans Isaïe, on va le fouiller. S'il y a un endroit dans la Bible où la résurrection est clairement écrite, dans l'Ancien Testament, c'est là. Donc on va lire ceci maintenant, et on va essayer d'entrer dans la pensée de ces Sadducéens. D'accord? Maintenant, verset 1. En ce temps-là, je suis dans Daniel chapitre 12, bien-aimés. On est ensemble? En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront... Verset 2, pasteur. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, c'est... On parle de quoi ici, frère? C'est terrible. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Voici un verset qui donne effectivement le plan parfait de Dieu pour l'humanité. Par rapport au jugement final, la destination finale des deux autres hommes. Donc voici un verset qui est aussi clair. Allons dans le livre d'Isaïe. Isaïe chapitre 26, je crois. On y va. Nous y voilà. Ésaïe chapitre 26, c'est effectivement là où ça se trouve. On y va. Verset 19. Verset 19 de Ésaïe 26, regardez. Que tes morts, que mes cadavres, réveillez-vous et tracez des joies habitants de la poussière. Frère, c'est qui? C'est écrit. Comment, frère? C'est ce qu'on va essayer d'interroger là maintenant. C'est ça qu'on va interroger. Nous sommes d'accord que ici, dans la zone tampon, on a vu effectivement que Jésus est entré dans leur synagogue. Le premier jour de sa prédication, on lui a donné le rouleau du prophète Isaïe. Il a pris le rouleau et il a trouvé l'endroit où il écrit « L'Esprit du Seigneur est né sur moi ». Avant de trouver cet endroit, il a passé au chapitre 26. Donc, il disait ça. C'est pas ça, frère. Alors donc, on a déjà trouvé au moins deux témoins dans la Bible, dans l'Ancien Testament, où on a parlé de la résurrection. Et c'est ce qu'ils avaient. Question. Qu'est-ce qui a amené les gens, les Sadducéens, à ne pas croire à la résurrection? Est-ce qu'ils croient aux Écritures? Donc, est-ce qu'ils croient exactement tel que Dieu a dit? Est-ce que les enfants des Sadducéens font exactement comme Dieu a dit? On voit clairement que c'est écrit qu'il y a résurrection. Et ils ne croient pas à la résurrection. Alors, dans ces cas-là, ceux-ci servent Dieu ou bien ne servent pas Dieu. Mais ils croient qu'ils servent Dieu. La grande désillusion. La grande délusion. La grande délusion. Désillusion. La grande désillusion. Et c'est eux qui sont devant Jésus pour lui dire que tu fais ça par démon. Et c'est eux qui sont les démoniaques. La question que je me pose, c'est que quelle est l'implication aujourd'hui? Après qu'on va finir ça, on va entrer dans le Nouveau Testament et chez nous maintenant aujourd'hui. D'accord? Alors, non seulement ils ne croient pas à la résurrection, avançons sur un plan. Pour qu'un groupe soit formé, quelqu'un est d'abord l'initiateur. Donc, celui-là, on appelle aujourd'hui président fondateur du ministère Les Promesses de Jérusalem. C'est comment tu appelles ça aujourd'hui? La terre promise. Ministère terre promise. Ministère amende cachée. Ministère Rebecca Brown. Ministère ceci, ministère les femmes vertueuses, ministère Jésus-Christ Télévision, c'est pour le monde entier. Un homme doit être d'abord devant. Alors quand un homme est devant, surveillez-le seulement à la loupe par rapport à ce qui est écrit qu'il est censé faire. Lorsqu'il est là, la Bible déclare, il parcourt ciel et terre pour faire des disciples, des candidats à la gérine deux fois plus morts que eux. Est-ce que c'est vrai? Donc, ça suppose qu'un pharisien, un sadducéen s'est levé. Il a eu sa part de vision, il n'a pas d'interprétation des principes mosaïques. Il peut dire là-bas que non, je n'aime pas ceci. Parce que ça n'aime pas ma conviction. Comme quelqu'un aujourd'hui peut dire, l'enfer, il n'y a pas un enfer qui brûle quelque part. Bien que vous en voyez ça dans la Bible. Il dit, car, voici ma justification. Dieu a dit que cette chose n'était pas même montée dans mon cœur. Vous regardez là, c'est parce que Dieu est en train de le dire. Comme aujourd'hui, on a vu clairement que Moïse a dit que si on trouve quelqu'un et on couche avec une femme, on les lapide tous deux. Ils ont dit que Moïse plutôt a dit qu'on lapide ces gens des femmes. Pourtant, là-bas, ce n'est pas ce qui est écrit. C'est comme ça aujourd'hui. Le même esprit. Vous y êtes, frère. Ils sont allés toucher ces choses au fond pour que vous voyez ce que vous avez reçu. De qui vous l'avez reçu? Est-ce que vous avez reçu ces choses conformément à la sainte parole du Seigneur? Si ce n'est pas conformément à la sainte parole du Seigneur, on a sali ton âme. On a sali ton âme. Il faut que ça soit nettoyé. Alors d'abord, avant que je n'avance là maintenant, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ici, si quelque chose est dit, ça doit être dit de cette manière? Si on veut servir Dieu, c'est conformément à ce qui est écrit dedans. Alors, ça veut dire qu'on n'aura pas de problème, pas vrai? Alors, s'il y a n'importe quoi, c'est qu'il était écrit. Est-ce qu'il était écrit qu'il y a la résurrection des morts? Est-ce que Ecclésiaste chapitre 12, le dernier verset, dit clairement, crains Dieu, car Dieu amène toute œuvre en jugement, soit ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc, ça veut dire que quelqu'un mort, il plus tard, il va revenir à la vie pour passer au jugement. C'est écrit dans Ecclésiaste. Les pharisiens, la seule possibilité pour qu'ils ne voient pas la résurrection, c'est qu'ils rejettent le livre d'Isaïe. Et s'ils rejettent le livre d'Isaïe, dans le livre d'Isaïe, c'est contenu au chapitre 7, verset 14, que l'enfant devait naître par une vierge. Par conséquent, il ne doit pas reconnaître celui qui est devant lui. C'est ça, n'est-ce pas? Vous comprenez, frère? Ok. S'il refuse le Daniel chapitre 12, il ne croit pas donc que Daniel est un prophète. Et par conséquent, il ne peut pas croire exactement au chapitre 9 où il dit que le Messie doit être ôté. Parce que c'est dans Daniel que c'est contenu. Il faut qu'il rejette totalement le livre. Voilà, vous voyez le problème, n'est-ce pas? Donc c'est où tu prends toute la Bible ou tu ne prends pas. Mais ça doit être dit à la manière de la Bible. Pas tordre. Comment faire? Le tendon. Quand tu prends mon latit, si ça avance entièrement, pas vrai frère? Ne nous coupe pas ça facilement. Je peux avancer? Souvenez-vous, je vais vous poser la question là où j'ai avancé. Maintenant, voici les Sadducéens. Donc, l'histoire continue ici. Donc, nous sommes au chapitre 22 de Matthieu, c'est ça? L'histoire, c'était dans le chapitre 22. Donc, ils viennent devant Jésus-Christ. On dit, regardez bien, le Saint-Esprit est terrible. Et ils pouvaient seulement dire, les Sadducéens sont venus devant Jésus-Christ. Ils ont dit que merde ici. Et dit, les Sadducéens, après, ils donnent une révélation par rapport à eux. Ils disent qu'ils disent qu'il n'y a pas de résurrection. Or, voici donc là où je voulais en venir. Sur quelle base sont-ils arrivés à conclure qu'il n'y a pas de révélation? C'est leur raisonnement. Et voici le raisonnement qu'ils voulaient présenter à Jésus pour montrer que leur dernier raisonnement, c'est que ils voulaient montrer à Jésus que vous ne pouvez pas que croire en la résurrection, c'est un non-sens. En prenant cet exemple, voilà alors quelqu'un a basé sa doctrine. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il a basé sa doctrine sur le raisonnement. Donc, il est resté comme ça là. Mais attends, résurrection, il y a résurrection, oui. Mais supposons donc que cet homme-ci, et pour cette femme-ci, il meurt sans avoir l'enfant. D'après ça, la loi de Moïse. Le frère cadet va prendre. Après, ok, maintenant il y a cette personne. Si les sept viennent à la résurrection, si donc, s'il y a résurrection, si les sept viennent, la femme là va aller finalement comme femme de qui? Voilà où sa limitation, c'est elle. Il a résolu jusqu'à là-bas. Après, il a conclu que non. Vous voyez donc qu'il y a impossibilité, qu'il y a résolution. Maintenant, voici une chose. Avant que la parole manifestée ne se montre pour montrer le non-sens, avec ça, ils ne parlent même pas à combattre les feux. Les pharisiens ne parlent même pas à les combattre. Parce que personne n'a jamais trouvé que leur doctrine est faux. Puisqu'ils sont toujours là côtoyant. Quand ils se rencontrent comme ça, souvenez-vous de ceci. Quand Jésus va partir, je vais un peu s'y prendre quelque chose. Quand l'apôtre Paul sera devant eux là-bas, quand on va comme ça là, la Bible déclare que l'apôtre Paul, sachant que l'assemblée est composée des Sadducéens et des pharisiens, il connaît exactement, il était pharisien. Donc il connaissait qu'il y avait le débat entre eux. Là, il dit, mais frère, c'est pour la résurrection des morts. Donc il se lâche comme ça là. Les pharisiens ont dit que quoi? Donc encore vous avez encore commencé ça aujourd'hui? Non, laissez-le tranquille, c'est comme ça, laissez-le tranquille. Alléluia. Les pharisiens croyaient qu'il était encore pharisien avec eux. Ils parlaient vraiment de la résurrection des morts parce que c'est encore au moins que vous avez un point positif. Mais si c'est un point positif, là, il m'a cru, vous créez le désordre. Amen. Amen. Mmh. Donc c'était chaud avec eux durant le moment avant que Jésus-Christ vienne. C'était chaud. La preuve, lorsque Paul a dit ce moment comme ça, quand il s'est tué, le débat était houleux. Parce que c'était boum boum. Parce qu'on a dit, retirer Paul là-bas pour qu'on ne l'appuie pas. C'est pas ça, frère. Donc c'était chaud. Ça veut dire que toute fausse doctrine a les démons qui les soutiennent. Toute fausse doctrine. Ça veut dire que toute fausse doctrine, parce que la fausse doctrine, c'est un esprit qui inspire ça dans le titre de détourner les gens par rapport au plan de Dieu. Là, c'est quelqu'un qui ne croit pas à la résurrection. S'il ne croit pas à la résurrection, il n'a pas d'espérance finalement. Dans ce cas, mangeons et buvons, parce que demain nous mourrons. Donc, le simple bon sens, s'il pouvait penser ainsi, S'il n'y a pas de résolution, dans ce cas, ça veut dire que je dois mourir pour rien. Dans ce cas, ça sert à quoi d'éviter de boire l'alcool? Ça me sert à quoi d'éviter de coucher les femmes à gauche et à droite? Ça me vise à quoi? Parce qu'il faut que je lie mon cœur à la joie, à la volupté, pas vrai? Parce que de toute façon, demain, tu mourras. Donc, leur simple raisonnement n'était même pas fidèle à leur propre principe. Donc, je dis donc que les deux pharisiens et sadducéens étaient sur place. Ils ne s'entendaient pas sur la résurrection jusqu'à ce que la parole manifestée vienne montrer leur imbécilité. Donc, ils montraient cet exemple-là aux pharisiens. Les pharisiens ne parvenaient pas à expliquer de qui sera la femme de l'autre, le mari de l'autre à la résurrection. Ils sont venus présenter leur argument à Jésus. Avançons, voyons l'argument. C'est l'argument tient devant l'assemblée du Seigneur. Verset 23, le même jour. Les sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vers au plaid de Jésus et lui fit cette question. Maître, ouais, il commence toujours par ça. Hein? Maître, donc enseignant. Moïse a dit, qui est-ce qu'il vient de citer? Moïse. C'est terrible. Vous savez que l'une des doctrines encore des sadducéens, c'est qu'ils ne croient pas aux anges. On est d'accord? Vous savez que l'une des doctrines des sadducéens, c'est qu'ils ne croient pas aux anges, parce qu'ils ne croient ni à la résurrection, ni à l'apparition des anges. Donc, démons, anges, là, ils n'en croient pas. Mais ils parlent de Moïse, que Moïse a dit. Moïse a eu cette loi-là, comment? Il recommence encore. Moïse, qui s'en est lit, là, a eu ce qu'il a eu pour les donner. Comment? Vous voyez qu'il y a des choses vraiment qui ne vont pas avec l'être humain, frère. Donc, quand il va dans Exode, il parle lire. La Bible déclare que Moïse faisait paître les brebis de son beau-père. Et il a vu un feu qui brûlait sans consumer. Il a dit, il s'est détourné pour voir cette vision. Il a entendu voir que ne t'approche pas, ou t'es saoulé parce que la montagne sur laquelle est sainte. Et l'ange de l'Éternel qui lui parlait du milieu. C'est écrit noir et blanc, non? Quand ils lisent, ils arrivent là-bas. Qu'est-ce qu'ils font de ces versets, frère? Ils sautent. Ils sautent. Vous dites que, vous parlez que les solutions ont des problèmes. Je vous pose un problème aujourd'hui. J'entre ici. 1 Corinthiens 14, 33 dit quoi? Comme dans toute l'assemblée des saints, que les femmes, c'est la femme est au pupitre dans des préceptes. Que Dieu va vous bénir, je vous le dis au nom de Jésus. Quand elle lit 1 Corinthiens, elle est au chapitre 14, verset 13, elle fait aussi quoi? Elle saute. Elle est obligée de sauter. Vous pensez que les esprits ont changé? En réalité, ça a quitté Israël, investi le camp des saints par ici. On peut les appeler pharisiens ici, parce que les pharisiens étaient là-bas. Donc ils viennent ici, non. C'est grand apôtre. Superintendant, général Ovasia, pasteur régional, archibishop, c'est ça le nom là maintenant. Il ne vient pas pour occuper une position basse. Parce que Satan a besoin, veut être adoré. Il veut s'asseoir dans le temple de Dieu, prenant la place. Il a dit clairement à Isaïe qu'il va séduire tous les étoiles de Dieu. C'est frère. Donc, on dit clairement que ceux-ci ne croient pas à la résurrection, ils ne croient non plus à des anges. Et ils disent que c'est Moïse. Leur raisonnement et leurs enseignements se basent sur Moïse. Et Moïse, la révélation, c'est que Moïse a reçu les oracles des anges. Oui ou non? Oui. On a lu ça la dernière fois dans Galates, n'est-ce pas? Et dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 58. Ok. Maintenant, continuons leur démence ici. Verset 24. Maître Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous sept frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au septième. Après et tous, la femme mourut aussi. Regarde, quand il faut, il tape le pied au sol. Après la résurrection, duquel des sept sera-t-elle la femme, sera-t-elle de la femme, car tous l'ont connu. Quand il pose la question, ils savent qu'ils t'ont coincé. Ils savent qu'ils t'ont coincé. Il dit, comme tu as dit, il veut dire, comme vous croyez qu'il y a la résurrection, là, dites-nous, pensez, quelle est la solution? Lisons la solution simple, claire, précise et insultant les imbéciles. Regardons. Jésus répondit, vous êtes... Dans vous avez vu ça? Vous êtes quoi? Dans écoutez, regardez-moi maintenant attentivement. Écoutez attentivement et regardez-moi. Un instant là maintenant. Jésus commence par vous êtes dans l'erreur. Avant que Jésus ne vienne, il y avait 400 ans qu'aucun prophète n'était là. La loi était couchée sur les rouleaux. Donc Moïse et les prophètes étaient couchés sur les rouleaux. Tout le monde lit chacun de ses interventions comme on le voit là. Donc, si la première année de ces 400 ans que Dieu n'a pas envoyé de prophètes, les Sadducéens venaient de. C'est-à-dire que le ministère des Sadducéens venait de naître. C'est-à-dire que si ça avait duré sur la terre 400 ans, et je suis en train de parler que vous êtes dans l'erreur, ça fait 400 ans qu'ils sont dans l'erreur. Tous ceux qui sont morts en croyant à cette doctrine sont totalement dans l'erreur. Parce que les gens ont mis leur espérance, leur foi dans un groupe. Pas sur l'espérance que Dieu a dit dans son écriture. Vous voyez le danger de se confier aux hommes. Donc, il est dans l'erreur, vous tous vous noyez. Dis à ton voisin, fais tout. Fais tout. Qu'on te trompe sur ta maison. Qu'on te trompe sur ta maison. Sur ton argent. Sur ton argent. Mais pas au niveau de ton salut. Mais pas au niveau de ton salut. Pas au niveau de ton âme. Pas au niveau de ton âme. Parce que c'est plus précieux. C'est plus précieux. Et pour cela, ancre ton âme dans la parole. C'est ça, n'est-ce pas? Ceci, tu es quoi? Je suis sadducéen. Tu es quoi? Je suis chrétien, catholique, chrétien. Et catholique vient foutre quoi là-dessus? Chez nous, les catholiques, chez vous, les catholiques, comment? Attendez, je ne suis pas encore ici. On va voir ça plus tard, d'accord? Et vous allez voir le mal qu'il y en a, d'accord? Il faut qu'on voit tous ces mal, c'est avant de voir maintenant ce qu'il faut faire. Si on va mettre la bétadine B ou la bétadine C. Donc, la Bible déclare, Jésus leur dit, leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez. Non, arrêtons d'avoir la voix dans ces premières lignes. Alors, on les appelle les docteurs. Et je commence encore. Vous allez comprendre pourquoi il dit brigade de formation des fous. Qui l'a inspiré et lui donné le doctorat? Donc, il a le doctorat en erreur. Leurs chefs chevronnés sont des docteurs en erreur. Donc, ils savent répéter bien les erreurs. Ils savent mal interpréter les écritures. Donc, spécialiste en interprétant mal les écritures. Il est spécialiste. Jésus dit, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les écritures. Donc, ça veut dire que tout ce qu'ils ont toujours enseigné là, ils croyaient comprendre, c'était haut devant Dieu. C'est Dieu. Souvenez-vous, Jésus-Christ est Dieu. Donc, celui qui a donné la sanction là-dedans. Donc, au jugement, quand Jésus va s'asseoir sur son trône pour juger, je vous ai dit sur la tête que vous étiez dans l'erreur, non? Vous croyez que ça a changé? C'est pas ça, frère. Il a dit que si quelqu'un rejette ma parole, il a son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est lui la parole. Et on est clair que c'est lui qui va venir juger. Donc, il a annoncé quelle parole qu'elle était sur la terre. Vous êtes dans l'erreur. Au trône, ils vont entendre cela. Tous ceux qui sont morts avant que Jésus ne vienne pour corriger ces choses-là. Quand ils vont aller, Seigneur, c'est que, on est où? Tu es ressuscité. Au sens de ça, c'est-à-dire qu'à la résurrection, parce que la Bible est claire, la mort rendit le mort qui était en eux, la terre rendit. On dit, ancien sadducéen, ancien de l'église, synagogue, bam, il se lève. C'est quoi? J'ai dormi combien de temps? Il dit, non, tu n'as pas dormi, tu étais mort, tu es ressuscité. Ressuscité, oui, on t'enseigne que tu es ressuscité, tu es ressuscité, oui. Vous êtes dans l'erreur, vous ne comprenez ni l'écriture. Que le. Donc, il faut qu'on soit vraiment encastré, fondé, enraciné dans la parole, afin que si n'importe qui vient, que telle parole ne soit pas prononcée. Tu es dans l'erreur parce que tu ne comprends pas les écritures. Vous devez comprendre les écritures. Et Jésus, quand il était sur la terre, la Bible déclare qu'il a ouvert l'intelligence afin qu'il comprise l'écriture. Si ton intelligence n'est pas ouverte, tu vas lire toutes les erreurs. Lire, aller regarder l'endroit où on dit à Timothée de boire l'alcool. Signer sur ça comme ça. Bois bien même. Et tu en as fait comme ça, tu vas démontrer n'importe comment. N'importe comment. Jusqu'à prouver aux gens, jusqu'à ce que quelqu'un même qui connaît les écritures ne parvient pas à te convaincre comme les pharisiens qui avaient la. Remarquez bien, les pharisiens connaissaient qu'il y avait la révélation, même pas, qu'il y avait la résurrection, qu'il y avait les anges. Mais ils ne parviennent pas à convaincre ceux-là. Donc, même quand bien même, durant 400 ans, ils ont été confrontés et on n'a pas pu les convaincre, ils sont quand même dans l'erreur. Ce n'est pas parce que vous avez duré que personne ne parvient pas à vous descendre votre doctrine que ça ne veut pas dire que tu es dans le vrai. Jusqu'à venir de l'ascension, vous êtes dans l'erreur, vous ne connaissez ni, vous ne comprenez ni l'écriture. Donc, si quelqu'un va dire, Salomon a bu la soulée, le Dieu a bu la soulée, continue seulement comme ça. Un de ces jours va dire clairement, Salomon était dans l'erreur, tu as continué dans la même erreur. Salomon lui entre parce que lui prophétisait, pour que tu ne fasses pas les bêtises qu'il a fait. Tu n'as pas compris ça, c'était la seule chose qu'il fallait comprendre. Que le. Vous ne comprenez ni l'écriture. Après, il dit. Ni la puissance de Dieu. Quand Jésus. Je continue le verset là maintenant. Il a dit vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Quand le Seigneur dit vous ne comprenez ni les Écritures, ça suppose qu'ils vont dans l'Écriture, ils regardent, ils ne voient pas bien. Parce qu'en réalité, nous avons regardé, nous avons vu qu'il y avait la résurrection. Donc, autrement dit, quand ils ont lu Daniel chapitre 12, verset 2, on écrit que ceux qui dorment dans la poussière de la terre, il dit comment on peut dormir dans la poussière de la terre? Si on est dans la terre, on est pourri. On disparaît. Donc, ils entrent dans le raisonnement, ça ne parvient pas à l'aide de nous. Si ça a disparu et que l'os est devenu là, un temps ça pourrit, parce qu'on vit là-bas, on ne voit rien. Il va faire comment pour sortir? Si vous répondre à la question, où est-ce que ces personnes étaient pour venir sur la terre? Ils veulent avoir savoir que là où ils sont sortis, pour venir, et ils sont partis, on ne voit pas où ils sont partis, ils peuvent plus revenir. Est-ce que vous comprenez? Regardez. Ce qu'on touche qui est palpable, on dit qu'on a fait ça parce qu'il est invisible. C'est la Bible qui dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fait par la parole de Dieu. De telle en sorte que ce qui est visible a été fait par l'invisible. Ce n'est pas ce qui est écrit. Donc les choses touchables ont été faites par les choses intouchables. Donc c'est que la terre est palpable. Quand vous touchez, c'est Dieu. C'est sorti de quelque chose qui n'est pas Dieu. Donc l'être humain, subitement, je suis sur la question de parler. J'étais où avant? On est venu sur la terre. Si quelqu'un répond à cette question, on va savoir qu'on peut encore se retrouver. Donc la personne qui t'a fait venir, sans que je sache où tu es, même si tu fais n'importe comment, il va te faire revenir là où tu vas aller. Ça veut dire que ceux-ci lisaient les Écritures, ils arrivaient sur les endroits, ils méditaient, ils ne pas à comprendre. Ils concluaient que c'est sûr que Daniel a dû faire l'erreur là-bas. Que Daniel a dû faire l'erreur. Mais il n'y a pas l'erreur dans l'Écriture de Dieu. C'est n'est-ce pas? Donc Jésus donc dit, vous ne comprenez ni les Écritures, après il dit ici, ni la puissance de Dieu. Si tu ne comprends pas la puissance de Dieu, tu ne peux pas cerner ce Dieu définitivement. Tu crois que tu crois en lui, alors que tu ne crois même pas. Parce que voici la preuve qu'il ne croit pas en Dieu. Dieu a parlé par l'ange de l'Alliance. Eux, ils disent qu'ils ne croient pas à l'ange de l'Alliance. Donc, définitivement, ils ne croient pas à celui qui a parlé. Vous saisissez, n'est-ce pas? Ça contamine ici. Frère, fais attention, ça va toucher là bientôt. Ça va comme ça. Ça, c'est l'Ancien Testament, vous voyez? L'Ancien Testament est prêt à dépasser. L'Ancien Testament est prêt à dépasser. Moi, j'espère que nous, récemment, là, ça ne dort pas. Parce qu'elle est forte dans ce domaine-là. On avance. Amen. Vous voyez qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Ok, maintenant, suivons la chose. Regardez. Suivons le Seigneur Jésus-Christ. Verset 30. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Donc, depuis 400 ans, si on lui avait dit ça de cette façon-ci, il pouvait comprendre. Quand en réalité, il n'y a pas de mariage à la résurrection. C'est que l'exemple tombe. Il est manqué seulement ça. Et ce que Jésus vient de dire, c'est une révélation qu'il vient d'apporter parce que ce n'est écrit nulle part comme ça dans l'Ancien Testament. Il vient de dire quelque chose de nouveau. Maintenant, ont-ils une capacité de dire que pourquoi tu dis ça? Il a dit, c'était réglé. Observons. Verset 31. Pour ce qui est de la résurrection, maintenant, Jésus-Christ notre Seigneur va le dire clairement que Moïse lui-même a parlé de la résurrection. Il a dit, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Et il dit clairement, je dis que Dieu dit ça à vous. Regardez, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Arrêtons-nous ici. Jésus a dit un renseignement par rapport aux Écritures. Chaque fois vous dites que nous servons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Où est Abraham? Où est Isaac? Où est Jacob? En disant Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, vous allez dire qu'ils sont vivants quelque part. Donc il y a une résurrection. C'est ce que Jésus a dû leur enseigner. Il dit que vous ne comprenez même pas l'écriture. Quand tu dis que Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, arrêtez, tu as dit qu'il y a résurrection. Donc Dieu André parle de la résurrection. En disant Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est ce que la résurrection que Dieu André parlait. Parce que pour lui, tous sont vivants. La preuve, Moïse a parlé. Le Nouveau Testament dit clairement que Jésus est venu, il était en cause avec lui. C'est pas ça, frère. C'est terrible. Alors, pour ne pas faire l'erreur des Sadducéens, j'espère qu'il n'y a pas de Sadducéens ici. Il y a seulement l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Pour ne pas faire l'erreur des Sadducéens, et c'est cette erreur que les gens ont fait aujourd'hui, et ils distillent ça dans les disciples. C'est pour ça qu'on veut corriger ça. Donc tu ne dois ni appartenir aux pharisiens, ni appartenir aux Sadducéens, encore moins aux Hérodiens. Parce que les Hérodiens et les pharisiens sont proches. Ça montre qu'il y a des dénominations qui peuvent se rapprocher. Comme les catholiques et les protestants sont un peu rapprochés, ils se différencient seulement sur Marie. Ils mettent d'abord Marie de côté, ils entrent en communion ensemble. Ils communiquent quoi? Quand ils vont tourner un jour, quelqu'un va poser la question sur Marie dans la salle, ça va gâter catholique protestant. Amen. Les pentecôtistes vont dire que non, on parle en langue, tu fais Yaba Chacha, nous c'est quand même proche ensemble. Avançons ensemble, avançons seulement. Et puis quelqu'un croit au baptême, non, le Père, le Fils, et puis l'autre croit au baptême de Jésus, ça vous sépare là-bas. Dis à ton voisin, pas de sectarisme, pas de sectarisme, mais prendre la parole de Dieu comme socle. Voilà. Donc, c'est la parole qui est notre sauve. Remarquez comment il vient devant Jésus, que nous sommes les pharisiens ici. Jésus balance seulement la parole. Il balance. C'est eux qui amènent Jésus dans l'Ancien Testament, Jésus qui leur explique l'Ancien Testament. Il balance dans le Nouveau, Jésus qui leur donne la promesse du futur. Maintenant, regardez. Regarde. On y va. Je suis, verset 32, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Donc, pendant qu'il frappait comme ça, pendant qu'il enseignait comme ça, ça nettoyait la foule. Parce que la foule était embrouillée entre les pharisiens, les hérodiens, les sadducéens. Ils suivaient ses enseignements chaque jour. Donc, si vous entrez dans le temple, dans la synagogue, c'est un enseignement. Écoutez bien ceci. Si vous entrez dans la synagogue, et que c'est un pharisien qui allait enseigner. Il guette qu'il y a un sadducéen là-bas. Il va adorer son enseignement sur la résurrection et sur les anges pour essayer de convaincre celui qui est là-bas. Vous savez, comme les frères font souvent ici. Quand une femme vient ici sans porter le foulard, frère Hervé, frère Dimitri, parle un peu. Comment du coup porter le foulard? Pour ne pas fâcher, elle dit que le gars s'y énerve, le gars s'énerve. Après, il cherche le foulard, après, il va le porter. Pas qu'elle a compris le pourquoi il faut porter. Elle est en train de porter seulement pour nous contenter. Elle est dans une mauvaise position parce qu'elle est en train d'entrer dans la rébellion. Vous comprenez? Alors, le peuple qui vient assister au culte chaque jour se livre à des tristes spectacles. Un temps, ça peut aller beaucoup de points. Vous savez? Parce qu'il y a des contradictions à l'intérieur et dans le milieu, dont le peuple est embrouillé. Voilà pourquoi, quand Jean-Baptiste va venir, il va commencer à prêcher dans Luc chapitre 3. Vous allez voir que la Bible déclare que la foule est venue à lui. Voyez Dieu à l'œuvre au milieu des choses quand il y a l'embrouille. Quand Jean-Baptiste est sorti, le messager de l'Alliance est sorti. Au milieu de la foule, il dit, voici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. La Bible déclare que la foule venait en lui. Cette foule était composée des sadducéens, des pharisiens et autres. Quand c'était grave, les gars sont venus à la synagogue samedi, ils n'ont vu personne à la synagogue. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on dit qu'il est dans la boue, en train d'être noyé là-bas. Mais eux, ils sont venus aussi comme ça. Là. La Bible déclare que voyant venait aussi à lui les pharisiens, dit que race des vipères. Donc voilà les gens sur lesquels les gens enseignent. Race des vipères. Alors, quand il vient confronter Jean-Baptiste, Jean-Baptiste se tient là-bas. Sa synagogue, c'est au lieu de son ministère. Quelqu'un dit sa synagogue. Sa synagogue. C'est au lieu de son ministère. C'est noyer les gens dans l'eau. C'est noyer les gens dans l'eau. À son ministère, d'accord. Vous n'accédez pas à son ministère de noyade, vous ne croyez pas à ce qui est en devenir. C'est son ministère. Alors, c'est hors pharisien, hors sadducéen, hors hérodien et toutes les autres choses minuscules, groupes qui pouvaient y avoir. Alors, il se tient là-bas. Écoutez le langage. Dans Luc chapitre 3, la Bible déclare, regardez bien, la foule venait à lui et dit, dis-nous, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Quelle question? Au milieu, maman, ça ne commence vraiment pas. Au milieu d'un peuple où Malachie chapitre 2 et chapitre 3 dit que les sacrificateurs sont venus pour enseigner le peuple afin qu'ils soient distingués pour obéir à la loi de Dieu. Donc les sacrificateurs, c'est ce qui est écrit, que les sacrificateurs devaient enseigner le peuple. S'ils viennent devant encore, un autre sacrificateur se tient là-bas et dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça se pose qu'on les a mal enseignés. On les a mal enseignés. Les gens sont dans la confusion. Jean-Baptiste ne prêche pas quelque chose de nouveau. Que celui qui a deux tuniques donne une à celui qui n'en a pas. C'est vrai ou pas vrai? Donc, ça manquait dans la synagogue. Le message de l'amour manquait. C'était la doctrine de prospérité. Prospérité à outrance. Moi, il paye mon argent, il paye ma riche. Ouais, n'est-ce pas? Il est malade à vous faire raison parce que vous payez la dîme de la mande ici. C'était la doctrine de prospérité, le sommet. C'est arrivé au niveau où on vendait les livres dans le temple, les pigeons, les échanges. Pas ça? C'est la même chose aujourd'hui. On va arriver ici. Il peut avancer. Le soldat se présente. Que faut-il faire? Contentez-vous de votre sol. Donc, ceci, il faut que quelqu'un d'autre le dise parce que la personne, si elle est neutre, il doit dire la vérité. Ceux-là, ils sont de connivence avec les militaires, on ne peut pas leur dire la vérité. Donc, ils étaient dans le faux. Personne ne peut dire quoi que ce soit parce que tous étaient dans le faux. Il n'y a pas de prophète. Chacun s'est livré à ses propres religions. Vous savez, c'est ça. Chaque fois donc qu'il y a ce genre de confusion, ce méli-mélo, Dieu est à l'œuvre pour faire sortir de mon peuple ce méli-mélo. Chaque fois, quand il y a ce genre de confusion, où il y a tel groupe, Dieu va se frayer un chemin. Pour appeler un peuple à sortir de tout cela. Et c'est ce qui est le message de cette fin de temps. Mon peuple, sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu d'elle. Vous saisissez, frère? Nous sommes dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Vous voyez qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Ici, il n'y a pas sadducéen. Il y a la loi de Moïse. Ici, des groupes sont formés. Chacun prend une portion de la loi de Moïse selon que ça le prend. Ici, il y a la fondation des apôtres. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont certains aspects de fondation des apôtres, mais ils rejettent certains aspects. Même chose. ceux qui sont ici, dans le Nouveau Testament, dans, dans l'Alliance, dans la zone tampon, vous voyez, les principaux sacrificateurs. Vous allez ici, vous ne voyez nulle part ça. Comment sont devenus sacrificateurs? Vous êtes devenus principaux sur ça. Ça sort, c'est sorti d'où? Ici, vous voyez, il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme docteurs. Vous entendez aujourd'hui, prophète des nations. Dites, ça sort d'où ici? Vous entendez? Prophétesse. Couple apostolique. Président fondateur de l'église des réveils. Pasteur régional. Surintendant. Représentant officiel des portées de vision. Distributeur de vision. Archibishop des séminaires. Vous demandez, ça sort d'où à cette fondation? Personne ne va vous dire. Vous demandez à un sadducéen, ça sort d'où? Il dit c'est la loi de Moïse. Il va pharisien, ça sort d'où? Il dit c'est la loi de Moïse. Il monte mal à la loi de Moïse. Il va dire, tu penses que Dieu était fou pour nous révéler ça? Il dit à ceci que Archibishop sort d'où? Il dit, mon ami, ton problème c'est quoi? Ça te gêne à quoi? Dit, faites tout d'après le modèle. Faites tout d'après le modèle. Des apôtres. Des apôtres. Comme les juifs ont tout fait d'après le modèle qui avait été recommandé à Moïse par l'Éternel. Voilà. Jusque là, ça va? Bon. Avançons ici. Verset 34. Les pharisiens ayant appris qu'ils avaient réduit au silence les sadducéens se rassemblèrent. Alléluia. Que si nous, on n'a pas pu battre les sadducéens, nous en cortège, on n'a pas pu battre les sadducéens, ces gars, ça a réduit le silence. Ça se pense qu'il faut qu'on entre à un autre niveau. Qu'on mange bien avant d'avancer vers lui. Amen. Alors, ça montre que tu peux réduire quelqu'un en présentant la parole. Quand bien il va aller méditer n'importe quoi pour venir vous réduire en silence, il ne peut pas te réduire parce que ce n'est pas toi que tu en as présenté, c'est la parole que tu as présentée. C'est la parole qu'il est en train de présenter. Dieu va vouloir faire n'importe quoi avec Jésus. Il va dire, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit qu'il est blanc. Parce qu'il ne peut rien faire contre. Il est. Dis à ton voisin, nous n'avons pas la puissance contre la vérité. Nous en avons que pour la vérité. Amen. Donc, on dit les pharisiens ayant appris. Donc, ça veut dire que dans ce méli-mélo, dans ce même type, il y avait des gens seulement qui étaient des rapporteurs. Gars, on a vu quand même des bons Jésus qui m'a traité, les gars. Ils vont dire ça là-bas. Ils disent d'abord que c'est bien fait pour eux. Après, ils disent que, gars, comme il a touché comme ça, méfions-nous donc, suivons nos doctrines. Est-ce que c'est la façon de faire? N'avait-il pas déjà confessé que Jésus-Christ enseigne vrai, ce qui est vrai? Pourquoi non, on n'est pas dit, mais voici vraiment l'attitude qu'un vrai, quelqu'un qui est humble, devait savoir. Celui-ci présente la parole dans la vérité. Alors, si je suis dans l'erreur depuis, il m'a présenté ici que je vois que c'est l'erreur, c'est sûr que j'ai plus d'autres erreurs. La question que quelqu'un pourrait poser ici, c'est que, qu'est-ce qu'il faut faire? La solution, c'est ceci, il faut que je vienne vers lui. Frère, tu m'as dit tes choses, c'était vrai, tes choses, c'était vrai. Est-ce qu'il y a encore d'autres aspects encore où je suis dans l'erreur? Présente-moi, s'il te plaît, par rapport à la parole. C'est l'attitude. Tu présentes la parole selon la vérité. Oui. Est-ce qu'on peut faire telle chose? Tente de faire. Il ne présente pas selon la vérité. Donc, il s'est rassemblé. Les pharisiens sont allés se rassembler. Allons-y. Et l'un d'eux, regardez bien, verset 32. Et l'un d'eux, quoi? Docteur de la loi. Donc, ce sont ceux qui soignaient la loi. Un docteur, c'est celui qui soigne, non? Il soigne bien la loi de Moïse. Et quand il soigne, voilà comment il guérit le peuple en l'étudiant. Docteur de la loi. Je vais vous montrer encore une fois de plus que l'écriture est présentée que la majorité de ceux qui sont dans le faux, ce sont les ceux qui ont des titres. C'est ce que la Bible vient de présenter. La seule majorité, la grande majorité, sinon la totalité, ce sont ceux qui sont fans des titres. Docteur de la loi. Docteur. Supposons que c'est le doctorat au sens humain. Donc il a fait 12 ans comme ça, dans la fausseté. Parce que la personne qui lui descend le doctorat a aussi fait cette fausseté. C'est ça qu'on emploie là-bas, qu'il enseigne aux gens. Quand celui-ci va finir, il va dire que non, mon docteur avait les insuffisants, il avait créé l'école, il n'a pas fait comme ça. Il répercute d'autres faussetés. C'est comme ça l'école biblique aujourd'hui, mes frères. C'est comme ça les écoles de théologie. Les séminaires bibliques. On a mis le Saint-Esprit de côté et mettre l'intellectualisme au devant. On y va? Et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Vous voyez ce qui arrive? Pour l'éprouver. Maître, toujours, vous voyez, non? Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Écoutez très bien la confrontation maintenant entre les docteurs. Regardez. Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Écoutons très bien. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea. Quand c'est cet aspect-ci, c'est grave. C'est-à-dire, il bombarde, bam, Jésus-Christ répond. Il bombarde, bam, Jésus-Christ répond. Maintenant, suivez très bien. S'il pose une seule question, il ne peut pas répondre. S'il pose davantage, ça va se mettre énervé. À un moment donné, on va se mettre poussé sur la montagne. Parce qu'il énerve avec ses questions. Amen. Quand les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? Alléluia. Il dit que je peux prêcher cette parole-ci comme ça, là, 8 jours là maintenant, en regardant dans cet aspect-ci. C'est-à-dire que tu rassembles tous les pasteurs, les archibishops. Pasteur, que pensez-vous de l'église du Seigneur? C'est quoi l'église du Seigneur, pasteur? Un archbishop docteur de la loi, c'est le lieu de prière de l'Éternel. Archbishop. Que pensez-vous de l'église du Seigneur? Or, moi, quand j'avais revu la révélation de mon église, pasteur, que pensez-vous de l'église du Seigneur? D'abord, il construit mon église. Tu veux me poser la question en tant que qui? Que pensez-vous de l'église du Seigneur? Tu poses la question. La prochaine fois, d'abord, c'est garde du corps, vont te balancer dehors. Jésus lui pose la question. Le voici, c'est lui le Christ. Que pensez-vous du Christ? Il va dire combien? D'autres enseignements, s'il ne nous a pas enseigné ça, c'est que j'ai des questions qu'il pose comme ça. Regardons. De qui est-il fils? Il lui répondit, de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce qu'il fasse de tes ennemis ton marche. Oui. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Regardez bien verset 46, c'est fin de citation ici. Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser des questions. La seule façon de réduire au silence ceux qui servent Dieu par motif d'intérêt en détournant la parole, c'est de leur présenter la parole dans la droiture. C'est la seule façon de les réduire en silence. La seule façon de les réduire en silence, ce n'est pas d'aller combattre idée contre idée. C'est présenter la droiture de la parole. Quand ils voient ça, juste sa conscience. Quand les pharisiens vont raconter, jusqu'à les prêcher, chaque fois, ils vont être doucement loin comme ça. Là. Quand tu tentes, il te pose la question, tu vas répondre, tu vas voir. Chacun va se m'en passer. Est-ce que vous comprenez? Oh, quand il a commencé dans sa jeunesse du ministère, moi, des petites choses. On a attrapé tes disciples en train de manger sans se laver les mains. On a demandé, on les a attrapés le jour du sabbat, ils broyaient le maïs. Lui qui accuse qu'il a vu quelqu'un en train de broyer le maïs, il a quitté sa maison, il a dû parcourir le nombre de kilomètres qu'il n'a même pas permis le jour du sabbat. Il n'a pas vu sa part. Il voit seulement pour quelqu'un qui a broyé le maïs. Tout simplement parce qu'on veut accuser ses disciples. Est-ce que vous comprenez? À ces sommets, il leur a dit, ok, voici David. David appelle quelqu'un qui est son fils Seigneur pour dire que c'est impossible que ce soit son fils. Donc, la définition de fils de David ne comprenait pas. C'est que vous comprenez aujourd'hui ici dans l'assemblée. Quand on dit Jésus est le fils de David, il ne comprenait pas qu'il voulait dire qu'il est le roi d'Israël. Il dit, dans ce cas, pourquoi il appelle Seigneur? Alors s'il est son fils. L'autre docteur de la loi dit que tu connais Dieu. Oui. Tu as étudié cette question, oui. Tu as eu un éclairage, non. Chacun a dit, on arrive. Chacun a disparu. Puisse Dieu nous donner donc de glaner sa parole, d'enfouir sa parole à l'intérieur de nous, afin que nous sachions répondre à toute personne qui nous pose question par rapport à l'espérance qu'il y a en nous. Et leur donner la vérité dans la parole, même si ça choque. Remarquez très bien que Jésus ne les insultait pas ici. Il leur donne seulement la parole. C'est la parole qui est le problème. Parce qu'ils n'aiment pas la parole, ils ne s'aiment pas dans la vérité. Dieu leur donne la vérité. C'est ça qui les fait fuir. C'est pour ça que tu peux fixer la nouvelle pasteur, il ne vient pas parce qu'il connaît ce que tu vas dire. Vous savez, n'est-ce pas? Il ne vient pas. Ok, donc, en résumé, voici la loi qui est donnée. La loi de Moïse est donnée. On dit que quand Moïse a reçu cette loi-là, il a fait tout d'après la règle de ce qui a été montré là-dedans. On a lu ça dans Exode chapitre 39, versets 5, 7, 21, 39, 41, 42, 43. On a lu ça aujourd'hui. On a vu dans Hébreux chapitre 7 et chapitre 8, là, on a vu au verset 5 qu'il a fait tout d'après le modèle qui a été présenté. N'est-ce pas? Ok, ce Moïse a été fidèle sur la maison de Dieu. Il a été fidèle. Après, il a quitté la scène. C'est pour ça que Jésus va dire que c'est Moïse là qui va vous accuser devant le Père. Moïse, c'est là que vous avez votre espérance, vous avez mis votre confiance là. C'est lui qui va vous juger. Parce qu'en réalité, le Moïse, ce qu'il a dit, vous ne faites pas. S'il faisait garder la parole devait les conduire à la parole manifestée. C'est ça, frère? S'il gardait la parole que Moïse avait donnée, alors cette parole devait le conduire à Christ, qui est la parole manifestée. Mais pourtant, ils sont en train de taxer que c'est Moïse. Alors, frère, voici là où je vais vous amener. Ce n'est pas parce que quelqu'un prêche une partie de la Bible qui est vraie que veut dire qu'il est dans le vrai. les pharisiens croyaient à la résurrection. Les sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Les pharisiens étaient donc plus avancés dans la vérité par rapport aux sadducéens, mais ils étaient toujours dans le faux. Donc il ne s'agit pas que notre dénomination prêche oui ou non. C'est d'abord, premièrement, leur fondation c'est quoi? Est-ce la parole? Aucune dénomination n'est en règle avec la parole du Seigneur. Aucune. Aucune dénomination n'est en règle par rapport à la parole du Seigneur parce que rien n'est fait d'après le modèle exemplaire. Le modèle exemplaire qui a été mis une fois pour toutes dans les Actes des Apôtres est définitif. Le modèle exemplaire qui a été mis dans les Actes des Apôtres est définitif. Ah, c'est bien. De deux, le fait que plusieurs personnes suivent les pharisiens, les sadduciens, et qu'ils sont, ils gagnent des foules chaque fois, ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec eux. Ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec eux. Souvenez-vous, les pharisiens ici, qui ne croient pas à la parole de Dieu, et que Dieu les frappait, Jésus les frappait avec les jugements, il les a dit malheur, malheur, malheur. Ils payaient leur dîme. Ils faisaient tout pour être en règle avec Dieu. Dieu lui dit malheur. C'est Dieu qui est devant eux là. Dans Matthieu 23, il a donné une série de malheurs les concernant. Pourtant, ce sont ceux qui conduisaient la foule. Aucune dénomination n'est en règle avec la parole du Seigneur. Comme dans ces évangiles-ci, aucun groupe n'était conforme à l'ancienne alliance. On est d'accord, n'est-ce pas? Première chose, il n'y avait qu'un seul lieu de rencontre que Dieu avait prévu. C'était au temple. D'où venait-il dans les synagogues? On commence à avancer là maintenant. Les synagogues, ça sortait d'où? C'est étranger à la vie de Dieu. Remarquez très bien, Jésus-Christ lui-même, Dieu, venant dans la chair, il arrive sur la terre, il va à l'État, mais il ne les trouve pas. Il va dans leur synagogue, il finit de prêcher, il les cherche de la synagogue. Pour dire que c'est pour eux. On est d'accord? Voilà. Jésus leur dit qu'ils vous excluront de leur synagogue. Et leur vieux ou quiconque vous mettra la main vous fera mourir, croira en leur inculte à Dieu. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça, frère. Vous me saisissez? Amen. Alors, il n'y a pas de synagogue ici. Il y a des synagogues ici. Là. Tous ceux qui sont dans les synagogues, les groupes qui ont des synagogues ici, n'ont rien de conforme ici. C'est un peu par ci, un peu par là. Mais Dieu a donné tout ceci. Et tant que Israël n'avait pas ces préceptes-ci, tous étaient gardés par la loi et ils faisaient exactement les alliances telles qu'il a données au temple, au seul et unique temple. Tous. C'est ça? Ici. Tant que le Saint-Esprit était dans l'église, chaque chrétien se réunissait dans les maisons telles qu'on a vu dans les Actes des Apôtres, il n'y a pas de problème. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit s'éteint, les gens commencent à créer leurs différents groupes. Quand Dieu a fermé la porte par les prophètes, les groupes ont été suscités. Je sais pas, vous entendez le voir, frère. Alors, quand bien même ce groupe va dire que je crois à la résurrection, il croit à un aspect de la Bible. Quand il va dire qu'il croit à l'ange, il croit à un aspect de la Bible. Parce que là où il croit, le pharisien ne peut pas faire exactement les rites comme la loi de Moïse le dit. Parce qu'au milieu de ces pharisiens, se trouvait quelqu'un qu'on appelle l'apôtre Paul. Il s'est présenté comme issu de quelle tribu? Benjamin. Donc, il pouvait faire l'office dans le temple. Alors que le temple était assigné à qui ici? Vous voyez là le mal, n'est-ce pas? Donc, aucun pharisien n'était conforme à cette loi. C'est. Dans le Nouveau Testament, l'ordre pour entrer dans la charge, c'est être sélectionné, rempli du Saint-Esprit, afin de faire cette charge, parce que c'est une charge spirituelle. Ici, il fallait être lévite, et qu'on t'impose les mains ayant reçu la consécration pour entrer. Après ça, voici dans le Nouveau Testament. Après ceci, on a dit que ce n'est pas comme ça, il faut aller à l'école de formation. Quand tu sors de l'école de formation, on copie quelques aspects de ce qu'on faisait ici. Vous achetez les touches. D'abord, c'était mieux si on ne fait pas les diplômes. On ne composait pas. Et si on compose, tu demandes aux gens, ça sort d'où? Tu penses que Dieu ne comprend pas qu'on fait ça pour son avancement de son œuvre? On sert des âmes. Quand va là-bas dans son église, tu vois combien d'âmes est sauvée là-bas. Donc, celui qui définit qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. Donc, il dit que quand tu es dehors de cette dénomination, tu n'es pas sauvé. Quand tu es à l'intérieur, tu es sauvé. Exactement comme l'Église catholique dit, hors de l'Église catholique, point de salut. Alors, par définition donc, la dénomination, ça veut dire division. Par définition, au sens simple. Une dénomination, ça veut dire division. Pourquoi? Parce que je me donne une dénomination. Je prends un nom. pour me distinguer des autres. C'est la division. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 10 dit, je vous exhorte donc bien aimé que vous ayez tous, soyez tous animés d'une seule et même pensée et n'ayez pas à avoir des divisions parmi vous. Donc l'apôtre Paul vient d'écrire par le Saint-Esprit qu'il ne faut pas qu'il y ait des dénominations. Les gens ont dit aujourd'hui que Dieu a dit qu'il faut qu'il crée une dénomination. L'apôtre Paul a raison, mais c'est eux qui ont raison. Mon véritable problème maintenant devant vous, c'est que les gens vont regarder comme il y a des aspects de vérité là-bas, comme quelqu'un pouvait dire que les pharisiens ont des aspects de vérité. Là n'est pas la question. La question c'est ceci. Sur quelle fondation sommes-nous? Est-ce que ce qu'on fait, est-ce que ce qu'on voit est d'après le modèle qui a été prévu? Si c'est non, tu sais autre personne. Si c'est non. Les pharisiens ont eu des intercations avec le Seigneur dans Jean chapitre 8. Ils disent à Jésus que tu es un fils des démons. Jésus a dit que vous avez pour père le diable. Donc parmi eux, là, quelqu'un était un fils de diable. Eux, ils disent à Jésus que c'est toi qui chasses par le Belzébul, le prince des démons. Jésus qui dit que non, c'est vous. Votre père, c'est le diable. Dans Jean 8, là. C'est pas ça, frère. Écoutez très bien. Dont les fils du diable avaient pris possession des choses de Dieu. Les fils du diable avaient pris possession des choses de Dieu. On ne parlait plus des classes d'Aaron ni des sacrificateurs. Le seul endroit où on parle, c'est dans Luc au chapitre 2, quand Jésus nous donne près de 30 ans plus tôt. Après ça, ça disparaît. Aaron, quoi, Zacharie est entré selon l'ordre des sacrifices, selon son tour, comme ordonné par la loi de Moïse. Après ça, ça disparaît. Qu'est-ce qui arrive, frère? Satan a pris possession des corps. Il est venu s'ériger dans le corps de Dieu. Jusqu'à venir les identifier que vous avez chassé les Lévites d'ici. Vous êtes des démons. Dont les démons étaient dans les prédicateurs de l'Ancien Testament. Ils dirigeaient le peuple de Dieu. Imposaient les mains. Chassaient les démons. Payaient les dîmes, les démoniaques. Les démons payaient les dîmes. Ils étaient bénis. Est-ce que vous comprenez? Et ces pharisiens se donnaient le titre de docteur de la loi, donc ils avaient le droit d'interpréter la parole de Dieu comme ils le veulent. Et ils interprétaient effectivement. Ajouter, il fallait ajouter. Retrancher, il fallait retrancher. Que pour laver les mains. Ils se souviennent de Marc, chapitre 17, verset 1 à 9. Ils disent à Jésus que pourquoi tes disciples n'avez pas les mains? Jésus leur dit, ok, et pour vous aussi, pourquoi vous aussi, vous obéissez aux commandements, aux traditions des hommes et au détriment de la parole du Seigneur? Pourquoi vous le faites? La bouche était fermée. Donc la dénomination est synonyme de la division. Et Dieu a dit clairement, je recommence encore, dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 10, qu'on tient tous un même langage. Dites-moi, soit je vais seulement la réponse oui ou non. Catholique, protestant, même langage. Non. Protestant, luthérien, même langage. Non. Luthérien, wesleyen, même langage. Non. Baptiste, pentecôtiste, même langage. Non. Branamiste, kakouïste, même langage. Non. Qu'est-ce qui ne va pas chez les gens? Remarquez, chaque personne qui va sortir de quelque part va persécuter l'autre. Les Branamis sont venus. Maintenant, Kakou est sorti à l'intérieur. Il prend les choses des Branamis, fait pour lui. Ils insultent. C'est entre chiens et insensés et autres là-bas. Fils du diable, c'est eux qui sont fils du diable. Kakou dit, c'est fils du diable. C'est toi qui es le fils du diable. Ils sont sortis là à l'intérieur. Matelité est sorti de l'intérieur. On lui dit que la mère là, c'est la grande prostituée. Après, il dit quand même qu'il faut qu'on reconnaisse en elle notre mère. Donc, il prophétise là qu'ils vont rentrer encore sous elle. Ils sont rentrés. Ils vont rentrer. Toutes les dénominations vont entrer dans l'Église catholique. C'est ainsi dit la parole de Dieu. Toutes, sans exception. D'abord, la Bible révèle que toutes les dénominations ont des doctrines de l'Église catholique chez eux. Et vous allez lire la Bible. Vous allez lire. Parce que quand il fait comme ça dans le monde entier, les gens me posent la question, on s'écrit où dans la Bible? Il n'y a pas le temps de répondre à cette question-là. Qui lit sa Bible de la bonne manière? La Bible que vous avez à vous dit que toutes les dénominations ont des enseignements de l'Église catholique. Prenez n'importe quelle dénomination, il va avoir l'esprit de l'Église catholique. Prenez n'importe quelle. C'est ce que la Bible déclare. Et lorsqu'elle va appeler que mes filles venaient, vont venir. Vous voyez des pentecôtistes aujourd'hui commencer à aborder l'attroupement des prêtres catholiques avec la canne, avoir la croix au cou pendentif. Ils disent les pentecôtistes. Après, il s'appelle archevêque. Le cathédrale s'appelle archevêque. Tu demandes, c'est écrit dans la Bible, dis mon ami, quel est ton problème? La mère de l'église a dit comme ça. On lui a fait quoi? Quelle est sa fondation? Vous dites, je suis le visionnaire de cette œuvre. Visionnaire, ça veut dire quoi? Ce n'est pas un charlatan déjà comme ça. Hein? C'est quoi le visionnaire? Je suis le président fondateur. Ce n'est pas déjà le parti politique comme ça, frère. Comment quelqu'un peut être président fondateur d'une œuvre du Seigneur qu'il a commencé à bâtir son église? Tu viens fonder quoi? Je suis le président fondateur, visionnaire. Dieu a visualisé dans son esprit tous ceux qui doivent travailler. Tu viens visionner quoi aujourd'hui? Chaque dénomination, toutes les dénominations ont des problèmes. Et Dieu a des problèmes avec eux. Et alors voici là où je voulais en venir. Les pharisiens, malgré qu'ils avaient les aspects de la vérité, étaient séparés des sadducéens parce qu'ils ne croyaient pas cela. À l'instant où tu crois à la résurrection, on dit que tu veux être un pharisien. C'est sûr que tu es un pharisien. Aujourd'hui, si on dit que tu baptises au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est uniquement ça. Tu dis que tu es branhamiste. Alors, Branham a écrit la Bible. C'est de lui dont on parle dans Actes chapitre 2, pas vrai? C'est Branham qui a prêché dans Actes chapitre 1. C'est lui, non? Non. Alors, voici donc ça. Si tu dis que Jésus est ressuscité le troisième jour, il est allé au ciel, tu es catholique parce que les catholiques disent ça. C'est ce que je veux vous répondre, ça. Alors, si tu crois que Jésus est mort sur Pilate, il est né d'une vierge, ressuscité le troisième jour, assis à la droite de Dieu, il va revenir pour juger les vivants et les morts. Si tu parviens à croire ça, moi, il dit que tu es catholique. Parce que les catholiques croient ça. Alors, si je crois au baptême du nom du Seigneur Jésus-Christ, on dit que je suis quoi? Branhamiste. Alors, je te dis aussi que tu es catholique. Tu dis non, mon ami, je ne suis pas catholique, je ne crois pas à Marie. Je dis ok, tu ne crois pas à Marie. Tu es quand même catholique. Parce que les catholiques ont ça dans leur credo. Est-ce que vous me comprenez? C'est tout simplement parce qu'il y a un mélange où il y a les aspects des trucs. Et vous prenez toutes les dénominations. Vous allez voir que, ok, celui-ci croit ceci, ça c'est bon dans l'écriture. Celui-ci croit ceci, c'est bon dans l'écriture. Celui-ci croit ceci, c'est bon dans l'écriture. Mais tout ne croit nulle part à tout ça dans l'écriture. C'est pour ça que vous voyez, donc, il y a la compromission avec le sentiment que non, ils ont quand même les aspects des biens. Ce n'est pas qu'on a les aspects des biens. Souvenez-vous, le vin nouveau ne peut pas être mélangé dans les vieilles outres. Ouais. Ça doit être brasé. Oui. Tu es en train de montrer en faisant un geste là. Oui. Donc, c'est-à-dire, ça montre clairement que donc, ce qui est bon dedans doit sortir. Doit sortir, pour se mélanger avec le bon. Oui, oui. C'est pour cela donc, que nous y voilà, nous commençons à plonger. Je vais prendre cette ligne-ci, ça c'est l'Ancien Testament. Oui. Baptiste, septième jour. Gardez vos noms, hein. J'arrive là maintenant. Témoin de Jéhovah. Église évangélique. Émec. Église des rachetés. La promesse de Sion. Campus pour Christ. Donc on va commencer. Donc donnez-moi seulement vos noms. Je donne une doctrine qui est là-bas. Vous allez voir, d'accord? C'est quel nom ici? Les baptistes. Et ils croient qu'on peut baptiser encore aujourd'hui. On est d'accord? Les baptistes. Pour certains, jusqu'à ce qu'un niveau, parce que les baptistes ont été transformés là, c'est grave, c'est mal. Les femmes ont commencé à enseigner là-bas, parce qu'ils ont l'air des pasteurs, les gens. Les baptistes croient, jusqu'à un certain moment, qu'il n'y a pas de femmes pasteurs. Je prends à ce moment-là. À ce moment-ci, maintenant, elle croit qu'il n'y a pas de femmes pasteurs. C'est une baptiste. Il n'y a pas de femmes pasteurs. Ça, c'est l'église du sommeil. Septième jour, c'est l'aventure septième jour. La prophétesse des nations là-bas, c'est Ellen G. White. Donc, c'est une femme qui enseigne. Donc, ils sont sous la coupe d'une femme. Celle-ci ne sera jamais d'accord avec elle. On est d'accord? La doctrine phare ici, c'est que le sceau de Dieu, c'est le septième jour. Si tu n'oublies pas le samedi, tu n'es pas avec Dieu. Nous qui obéissons le sabbat, nous sommes les faibles restes. Donc, c'est eux qui Dieu sait. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Tous là sont trompés. Quand elle va rencontrer cette personne-ci, Otoshi, elle va présenter sa doctrine. Présenter sa doctrine dans l'optique du fait que celle-ci vient ici à l'intérieur. Celle-ci dit que la femme ne peut pas enseigner, que ta fondatrice, c'est Ellen G. White. C'est une femme, c'est déjà faux. C'est pour faire que celle-ci vienne ici pour être libérée. Vous voyez, n'est-ce pas? Personne n'est dans la parole là. C'est groupe contre groupe. Parce que je connais ta doctrine. La seule façon qu'on ne peut pas te maîtriser, c'est de rester derrière l'écriture et la présenter. Alors quand tu vas présenter, quand tu vas finir la lignée. Comme un témoin de Jéhovah est venu à la maison, un prédicateur, il a dit, j'ignore. J'ai discuté avec les gens, je ne pas à voir d'où ils sont, mais toi, je ne peux même pas te saigner. Il dit, je suis un mystère. Parce qu'elle parle à un pentecôtiste, il dit que ça c'est un pentecôtiste. Il dit, mais tu parles comme le langage pentecôtiste, mais maintenant tu as un écriture pentecôtiste. Finalement, tu es même quoi? Tu es où? Parce qu'il veut saigner pour savoir qui est. Alors tu présentes l'évangile à quelqu'un, la Bible à quelqu'un, il dit, mais tu es de quelle église? Tu dis, je suis chrétien. Oui. Je sais que tu es chrétien, mais de quelle dénomination, de quelle confession? Après, quand ça ne va pas, il comprend encore, il tourne encore avec les synonymes. Tu persévères où? Dis à ton voisin, si on te dit que tu persévères où? Tu dis dans la doctrine des apôtres et des prophètes qui a été transmis une fois pour toutes au sein. C'est là où je persévère. D'accord? Donc nous sommes entre les baptistes et les ceci. Maintenant, si celle-ci parvient à attirer celle-ci vers elle, elle va confirmer maintenant qu'il faut qu'elle rejette une doctrine. Elle va maintenant croire qu'une femme peut enseigner. Elle a quitté ici. Pourquoi elle a quitté? Parce qu'elle a cru à ce qu'un être humain a dit, parce que la parole a dit. Parce qu'elle croit vraiment à la parole, elle tiendrait ferme à la parole. Or, il y a des aspects de vérité ici. C'est que la vérité biblique, c'est qu'une femme ne doit pas enseigner. Donc, ils ont raison. Mais ici, il y a aussi des aspects de vérité. Qui ici, dans l'Adventiste du septième jour, parce que pas tout qui est mauvais. Ou ouais, n'est-ce pas? C'est quoi ici? C'est grave, c'est bon. Donc, tu es comme le témoin des jours. Ouais, n'est-ce pas? Il y a des aspects de vérité ici. Mais ici, dans la grande majorité, s'il y en a 10 000, 9999 est faux. Ici. Donc, il ne sait même pas ce qu'il veut dire maintenant, qu'il est vrai là maintenant pour voir là où on peut arriver. Donc, en commençant par le nom, tout est faux ici. Donc, témoin de Jéhovah, excuse-nous. On ne se mélange pas. Voilà, n'est-ce pas? Parce que celle-ci, témoin de Jéhovah, c'est il faut que tu sois témoin. Tu n'es pas témoin. Parce que partout dans la Bible, on dit qu'il y avait beaucoup de nuées de témoins. Donc, si tu n'es pas témoin, oublie l'affaire là. Donc, il a dans la Bible, il dit qu'on a été témoin, jusqu'à le témoin fidèle. On n'a pas dit témoin de Jéhovah fidèle. Est-ce que vous comprenez? Alors maintenant, il faut que vous fassiez que les viandes viennent dans la salle du royaume, dans l'arche moderne, pour que la tempête des déluges ne vienne pas les nettoyer. Quand il va parler à l'avancée, c'est un jour, quel que soit le babadeur, que celui-ci est en train de en disant que nous sommes l'église faible, celle-ci sait très bien que tant que tu n'es pas témoin de Jéhovah, tu es en train de ta part. Vous savez, n'est-ce pas? Alors maintenant, si celle-ci quitte ici et pas ici, un de ces jours va voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que quelqu'un doit la convaincre. Elle va aussi quitter. C'est ainsi que celle qui est baptiste va quitter un jour et devenir le septième jour. En devenant le septième jour, elle a les déchets qu'elle avait pris chez les baptistes. Je suis arrivé quelque part pour vous comprendre le besoin de nettoyage. Elle a les tâches des baptistes sur elle, en elle. Elle est arrivée chez le septième jour, elle monte et descend. Elle a les tâches. Elle arrive chez les témoins de Jéhovah. En priant, en voix, elle glisse sur le fait Jéhovah Dieu. En glisse sur le fait Jéhovah Dieu. Elle dit qu'il faut qu'on bange. Jéhovah Dieu est entré. Elle entre maintenant chez l'église évangélique. Est-ce que vous comprenez? Ici, la fête de la récolte et de la moisson, c'est grave. À l'église évangélique, pas vrai, papa? Mm-hmm. Quand elle va venir ici, elle va arriver ici, là, maintenant, elle va dire que depuis ici, il n'y a pas de fête de récolte, de fête de la moisson. Ici, les gens ne font que manger mon argent. Elle va dire qu'elle fuit. Elle arrive ici, elle a la fête de récolte qu'elle a hérité avec les témoins de Jéhovah, les Jéhovah et autres. Ici, c'est quoi? Émec. C'est quoi qu'on parle à l'émec? Les actions de grâce. Les offrandes. Les enfants. Avec les écoles du dimanche. L'accent sur les écoles du dimanche. Les bâtiments. Les cathédrales. Donc, il faut donner maintenant l'argent pour construire les grands bâtiments. On va construire un grand temple. Parce que Dieu a demandé qu'on construise un grand temple. C'est là que les offrandes là-bas et haut là-bas. Maintenant, ici, il faut qu'on construise la maison de Dieu. Elle arrive ici maintenant avec Jéhovah et tous les bagages qu'on a. On avance ici. C'est qui ici? Les rachetés. On dit maintenant que depuis que tu t'es marché là-bas, maintenant, il faut que tu sois racheté ici. Là. Donc, depuis qu'elle marchait là, elle n'était pas encore rachetée. Donc, il faut qu'on à moins que tu sois racheté, tu ne peux pas être sauvé. Quand elle est ici maintenant, elle dit qu'aujourd'hui, c'est là où je suis sauvé. Mais elle est en train de Jéhovah, Baptiste, Hélène, Jéhovah et autres là-bas, en elle. Elle arrive ici, c'est quoi ici? Les promesses de Dieu. À partir d'ici, elle dit que je connais la promesse que j'ai, c'est la vie éternelle. Pourtant, ici, elle avait dit qu'elle était rachetée. Donc, c'est maintenant qu'elle a commencé à avoir les promesses de Dieu pour être sauvée. On quitte ici maintenant, elle a réussi. Campus. Okay. On dit qu'elle okay, est dans le campus maintenant où elle sait qu'elle est le camp de Dieu. Et maintenant, celui qui a conçu campus pour Christ. Où est catholique? Catholique, dit catholique, c'était où? Ok, voilà catholique là-bas. Catholique, c'est la mère. Quelqu'un dit la mère. Donc voici catholique, la mère de toutes les églises. D'accord? Donc voici protestant. Il proteste parce qu'il ne veut pas être catholique. Il proteste. Donc les autres sont sortis de l'église protestante. D'accord? Donc voici la mère. Voici le premier dissident ici. Avant que les autres ont avancé. D'accord? On arrive à Campus pour Christ. Celui-ci, le dirigeant de Campus pour Christ, ne connaît même pas le fondateur de Campus pour Christ. Il ne le connaît pas. Par derrière, le dirigeant qui a créé Campus pour Christ. Je lui ai dit quelque chose qui est arrivé dans le vrai. Le dirigeant de Campus pour Christ est allé au Vatican signer un territoire d'accord avec Rome. Le fondateur, tu sais ça au moins, n'est-ce pas? Dis-moi, frère, si tu sais ce que Chanel dit de mensonge, est-ce que c'est vrai ce que Chanel dit? C'est vrai. Le fondateur du Campus pour Christ a signé le pacte avec le Vatican. La compromission peut entrer dans les doctrines. Donc, l'Église catholique, celle-ci a fui. Et puis, celle-ci aussi, vu les aspects, les baptêmes des bébés, fuient. Allez à Baptiste. Là, fui, jusqu'à arriver au nouveau campus. Tu dis que non, on a dit que c'est le campus, si c'est pour Christ. En réalité, elle est retournée à l'Église catholique. Elle est retournée à l'Église catholique. Est-ce que vous comprenez? Le moment va arriver, la mère va inviter tous ses enfants, parce que la Bible déclare, Apocalypse chapitre 2, que je lui ai donné le temps de se repentir. Elle ne va pas se repentir. Voici, il va la jeter sur elle et jeter la tribulation à tous ceux qui craignent commettre la fornication avec elle. Donc, comme Campus qui fait la fornication, va encore vers elle pour aller communier. Il va le frapper. C'est ce que ma Bible dit, frère. Je prends les éléments comme ça pour que vous compreniez ce que la Bible dit. Alors, la mère-ci a accouché beaucoup d'enfants. Chacun a ses aspects. C'est le septième jour. Il avait seulement dit qu'il y avait le septième jour ici, mais c'était ce dimanche. On appelle ça le jour du Seigneur chez eux. Donc c'est grave seulement. Partout ici, là, les aspects, vous prenez n'importe quel aspect, ça se trouve là-bas. Parce que c'est elle qui est la mère. Et la Bible déclare la mère des abominations et des impuristés de la terre. C'est elle qui a accouché cela, l'Église catholique. Donc toutes les dénominations. Et il n'y a aucune dénomination qui va rester stable. Ça, c'est la révélation des Écritures. Aucune dénomination ne restera stable. Donc, une dénomination, d'abord, église évangélique, maintenant, il y a les églises évangéliques sont déjà divisées, c'est l'église évangélique. Tu ne les connais pas? Comment? Ambulante, hein? Donc, il y en a des églises évangéliques, d'autres églises évangéliques maintenant. L'église évangélique, comme on est mission de l'église évangélique. Comment? Mission de l'église évangélique. Et encore d'autres émissions. De toute façon, ce qu'elle veut dire, c'est que, d'abord, l'église catholique elle-même est d'abord divisée en moins 4 parties. Je vais citer quelques noms que je connais. Il y a l'église vieille catholique. Il y a l'église catholique romaine dont le siège est à Rome. Il y a l'église vieille catholique. Là-bas, il y a les prêtres, les prêtresses. Il y a même les femmes qui sont les évêques, archevêques. Ils ont le même rite que les catholiques. À la différence qu'ils ne sont pas d'accord avec le pape. Ils disent que chaque fois, pour dire qu'on n'est pas d'accord. Vous savez ça? Il y a maintenant l'église. Vous êtes même dans quel monde là, alors que Jésus est venu? Il y a l'église maintenant catholique anglicane, donc orthodoxe. Ils ont leur propre pape. Mais le pape là va se mettre à l'autre pape pour montrer que plus tard il va revenir ensemble. Des réunions ensemble, l'union ecuménique. Pas depuis 2003, ça a commencé en 66. Ils ont inauguré quand la fumée de Satan est sortie là-bas. Ils ont construit une pyramide là où les chefs religieux se rencontrent. Voilà, une pyramide. Voilà. Donc les esprits pharaoniques vont venir. Donc, alors maintenant, je pose la question sur toutes ces lignes. Catholiques, protestants, baptistes, septième jour, témoins de Jéhovah, église évangélique, la Mecque, rachetée, promesse de Dieu, campus pour Christ. Parmi tout ça, qui est conforme à la Bible? Celui-ci a 5000 personnes. Son ministère prospère. Il voyage, fait des conférences partout, envoie des mariages, séminaire pour les couples non mariés, séminaire pour les gens qui ont des problèmes. On octroie les visas, on a des partenariats en Allemagne, en France, où les gens peuvent aller étudier. Venez ici, on commence à étudier les rouages. On va faire l'étude biblique en Suisse, pas sous couvert pour avoir le papier. On arrive là-bas souvent, Marie, mais les blanches. C'est autant de choses, n'est pas frère. Donc, il y a quand même les âmes qui sauvent. Le nombre de personnes, il montre clairement qu'ils sont des travailleurs dans le champ des missions. Ça, c'est la promesse de Dieu, c'est ça? La promesse de Dieu, ça, c'est 5000 personnes. Ici, 50 000. Là-bas, la mer a des milliards de personnes. Quelqu'un dit la mère. La grande mère même. Parce qu'elle a duré sur la terre. Donc, je vais dire, chaque personne draine une foule. Chaque personne draine une foule. Comme les Sadduciens, les Pharisiens et les Hérodiens. Les fondateurs de ceci sont les représentants des grands fondateurs qu'on a confrontés avec Jésus. Jésus leur a dit, vous êtes dans l'erreur. Et on a vu donc que tout ce qui transcendait était dans. Donc, le fondateur ici est dans l'erreur avec tous ces. Même chose avec tous ces. Alors, voici ce que la parole dit. Ne crains point, petit troupeau. Parce que votre Père a jugé digne de vous donner le royaume. Amen. Ne crains point, petit troupeau. Parce que votre Père a jugé digne de vous donner le royaume. Il faut nous faire le nettoyage. Donc, du moment 1 an, d'être là-bas en enfant catholique, après aller protestant, parcourir tout ceci pour arriver là où se trouve là. Il faut nettoyer le septième jour. Et c'est pas le septième jour, on ne le doit pas en sept jours. Il faut nettoyer les baptistes, nettoyer pour les catholiques, nettoyer pour les protestants. Parce qu'en voyant un moment donné, elle a le réflexe comme ça là. Que c'est depuis là-bas qu'elle a drainé ça. Pas ça, frère. Quelqu'un est jusqu'ici. Un procès arrive. Hey, il dit Marie, Joseph, Jésus. C'est depuis ici qu'il a traîné. Est-ce que vous comprenez? Celui-ci a décidé jusqu'à sortir. À un moment donné, quand il finit par parler n'importe comment, quand il finit, c'est notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Récite ça. Comment on faisait là-bas et là-bas? Pour être conforme. Vous pensez que quelle est la solution? C'est conformé. Maintenant. Donc, voici donc les fondateurs. Ceux-ci sont assis dans la chair de la mer. Vous montez, vous descendez, il ne peut pas changer. Nul, si ce n'est pas la grâce du Seigneur. Le message donc est adressé à tous ceux qui suivent ici. Vous voyez là, n'est-ce pas? Le message est adressé à tous ceux qui suivent là-bas. Voici le message. Apocalypse chapitre 14, 18, verset 4. Mon peuple, sortez du milieu d'eux. Il n'a pas dit tout le monde, laissez-les tranquilles. Il n'a pas dit ça. Parce que de toute façon, la foule ira là-bas. Il a dit que dans cet aspect, il y a des gens qui sont des dieux. Ils sont seulement trompés. Ici aussi, il y a des gens qui sont des dieux, ils sont trompés. Ici, il y a des gens, de la même façon, partout là, il y a des enfants. Il a dit mon peuple. Il n'a pas dit les peuples. Il n'a pas dit le peuple, sortez. Il a dit mon. Donc, c'est son peuple, le Dieu qui se trouve là-bas. Mon peuple, sortez du milieu et ne touchez pas à ce qui est impur. Parce que ce qui est impur, c'est ce qui est, n'est pas conforme à la parole du Seigneur. Ce qu'on y ajoute, c'est l'impurité. Ce que ceci a ajouté, ce qu'ils ont tourné, c'est l'impurité. Il faut qu'on sorte de là pour goûter à la parole pure. La nourriture spirituelle autant convenable. Quelqu'un dit donc, la nourriture spirituelle autant convenable. Amen. Donc c'est pour cela que nous sommes là maintenant. Nous sommes là pour appeler que si quelqu'un sort maintenant ici. Si quelqu'un sort ici. Allez, on est sorti là. La première chose à faire, ce n'est pas de courir pour dire que non, on enseigne une fois là-bas, c'est pas ça. C'est il faut laisser le temps du nettoyage. Il faut le temps pour nettoyer. Si tu ne nettoies pas ça, Actes des Apôtres chapitre 15. Allons-y là-bas. Nous sommes bénis, n'est-ce pas, frère? Amen. Mm-hmm. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Actes des Apôtres chapitre 15. Je vous aime dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Et je suis obligé de vous dire ces choses-ci parce que si je ne vous dis pas, je sens Dieu faire du mal. C'est pour ça que vous voyez, un pasteur, quand le pasteur dit que je m'en vais à l'église, lui ne me comprend pas. C'est parce qu'on a enseigné qu'on va à l'église. Et ça, tu dis, l'église c'est quoi? L'église ce sont des êtres humains, on ne peut pas aller en des êtres humains. L'église n'est pas un lieu. Vous voyez qu'on écrit, église pentecôtiste des rachetés. On veut dire que l'église des pentecôtistes des rachetés, c'est là-bas. Ceux qui viennent y entrer, donc, ils ne font pas partie de l'église. Ce sont des spectateurs qui viennent à l'église. Un peu comme exactement, les gens vont au cinéma dans le monde. Ils vont pour se divertir. C'est le nombre 22 là maintenant. Actes des Apôtres chapitre 15. J'espère que j'ai bien drainé, expliqué de fond en comble les zones tampons et l'Ancien Testament et les fautes qui ont été là, n'est-ce pas? Maintenant, voyons donc la conséquence de ces choses. Pour qu'on comprenne le pourquoi on a besoin de nettoyage. Parce qu'on a bien compris ces aspects, ceci sera facile maintenant. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidaient que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Arrêtons d'abord ici. Donc, lorsqu'il y a eu problème au niveau des doctrines, ça pouvait engendrer une autre dénomination. Les gens ne se sont pas séparés pour former leur dénomination comme d'habitude. Ils sont venus confronter des gens à qui on a assigné la tâche de dire la vérité. C'est ce qui est écrit comme ça. Quelqu'un pouvait rester de son côté et dire, ok, si tu veux, tu prêches ça, je m'en fous de toi. Je m'en vais de mon côté, prêche mon ministère. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, n'est-ce pas? Je ne suis pas d'accord avec toi dans mon ministère. Je n'ai pas créé mon propre ministère. Avec ma relation, je prends, ça s'appelle l'autorisation. Je vais parler de l'autorisation maintenant. Voilà, c'est la vie. Verset 3. Après avoir été accompagné par l'église, regardez, on dit après avoir été accompagné par l'église, le pasteur dit qu'il part à l'église. Donc si l'église c'est le mur va poursuivre les gens comme ça. Allez les accompagner. C'est terrible. On dit que c'est l'église qui les a accompagnés. On a parlé que les êtres humains, le corps, est allé en route. Hier, je crois, c'est ici qu'on a lu comment ils sont approchés jusqu'au bord des mains, ils sont mis à genoux, ils ont prié. C'est ça, n'est-ce pas? Donc c'est le bâtiment, on a porté le bâtiment, on a venu mettre là-bas, le bâtiment a crié. Ah, que Dieu nous aide. Ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens. Et ils causaient une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'église. Dans les maisons, les ont accueillis. Il dit bien, il faut le nettoyage. La maison les a accueillis. La maison a salué que bienvenue les apôtres. Que Dieu vous aide. On demande à un pasteur aujourd'hui que c'est quoi l'église? C'est la maison de Dieu. Enfin, il dit la maison de Dieu. Normalement, c'est ce que la Bible dit. Mais la maison dont il parle, ce n'est pas la même chose. Il a dit la maison de Dieu, c'est ceci. Le mur. Or, la Bible dit que l'église, effectivement, c'est la maison de Dieu, mais ce sont les êtres humains. Il dit, oh, la maison de Dieu, c'est nous. Vous entendez ça, n'est-ce pas? Ok. Verset 4. Arrivé à Jérusalem, ils furent reçus par l'église, les apôtres et les anciens, et ils racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux. Maintenant, verset 5. C'est très intéressant maintenant. Je dis bien, en prélude avec tout ce que nous avons fait ici, maintenant, le verset 6, maintenant, on pourra maintenant entrer en détail là-dessus. Alors, quelques-uns des partis des pharisiens, vous avez vu, n'est-ce pas? Quelques-uns des partis des pharisiens qui avaient cru se levaient en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Donc, quand Jésus était sur la terre avec le prophète Jean-Baptiste, ils ont parlé comme ça, c'était un pharisien, son joint à eux. Qu'est-ce qu'ils ont entraîné? Des doctrines de leur groupe. Donc, si quelqu'un ici sort ici, de ce groupe-ci, il ne fait pas attention, il va venir dans le corps, ramener les doctrines qu'il avait ici. C'est comme ça, j'ai rencontré un pasteur, c'est un métis, il avait avancé dans le séminaire. Arrivé à un moment donné, il est sorti. Il a dit que l'Église catholique n'est pas sur ça. Maintenant, il a ouvert une cellule dans sa maison. Il a fait son petit hôtel. Il avait Michael ici et Marie ici. Avec la bougie là-bas, il en sort. Satan s'en fout s'il ne vient pas à l'Église catholique. Tu es en train de le représenter là-bas. Où est-ce qu'il a pris cela? Ce n'est que ce qu'il a pris au séminaire. Il dit que je ne suis pas avec vous. Mais tu as de faire la même chose là-bas. Est-ce que vous comprenez? Tu dis que non, je ne tourne pas le film pornographique. On a montré le film pornographique qu'il faut coucher avec les femmes à gauche et à droite. Tu as de coucher avec les femmes, tu as reçu la notion. Donc si tu ne veux pas tourner le film porn, tu ne vois pas de problème. Applique seulement ça là-bas. C'est ce que Satan veut. Donc il n'est pas allé, au fond du séminaire pour être prêt, pour être ordonné. Mais il s'est autoproclamé pape dans son église. C'est son église catholique là-bas. C'est pour ça qu'il parle de l'église catholique miniaturisée. C'est pour ça qu'il parle de ça. Tout c'est, n'est-ce pas? Quel est le problème de cet homme-ci? Lorsqu'il est sorti du séminaire, Dieu dit, sortez, dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16, 17. Il dit, sortez du milieu d'eux, mon peuple, et je vous accueillerai. Vous entendez ça, n'est-ce pas? Je vous accueillerai. Il serait pour vous un père, il serait pour moi des fils et des filles. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc la première chose à sortir, ce qu'il faut faire, c'est sortir et attendre Dieu. On attend Dieu. Durant ce moment, c'est là où il traite avec vous. L'erreur que cette personne s'est faite, c'est de sortir des baptistes, aller chez les autres. C'est l'erreur qu'il a faite là-bas. C'est pour ça que dans ce, à mon chapitre 4, il dit que n'allez ni à Beersheba, n'allez pas à Gilgal, ne cherchez pas Bethel. Et tout cela, c'est en captivité, va aller en destruction. Cherchez-moi, dit le Seigneur. D'accord? Ok. Donc, la Bible déclare dans ce verset 5 de Actes chapitre 15, que quelques-uns des partis des pharisiens qui avaient cru. Donc, ils avaient cru vraiment à l'évangile. Mais le problème, c'est qu'ils disent qu'il fallait être circoncis et observer la rue des Moïse, sinon on n'est pas sauvé. Pourtant, on croit qu'on est sauvé. C'est terrible. Alors, ça a causé donc le problème. Donc, le fait qu'ils n'avaient pas été imprégnés de toute la doctrine, donc nettoyés de ce qu'ils croyaient là-bas, a fait que leur doctrine amenait encore le désordre au milieu du corps. Voilà pourquoi il faut être nettoyé. Voilà pourquoi, pour que quelqu'un ne mène pas les fêtes des moissons ici au milieu. Que tu ne mets pas, tu es en train de traîner, Jéhovah est son nom. Après, tu dis que c'est écrit, après, avant que tu dis, frère, ce n'est pas écrit. Amen. Donc, d'ici, alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levaient en disant qu'il fallait s'y concilier les païens exiger la loi. Les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire. Comment? Regardez, les apôtres et les frères et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire. Est-ce que dans la doctrine du campus pour Christ, ce qu'il dit ici est conforme à la loi de Dieu, à la parole de Dieu maintenant? Il faut qu'on examine. Où est là, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on a convenu tout à l'heure là qu'il y avait des aspects qui sont bien. Parce qu'il y a des dénominations qui baptisent au nom du Seigneur Jésus. Alors cette dénomination dit que oui, là-bas, effectivement, vous avez raison. Mais comment se fait que c'est une femme qui baptise au nom de Jésus? Parce que vous croyez que la femme peut être pasteur. Ça, c'est faux. Vous croyez que la femme peut enseigner. Ça, c'est faux. Pour que ce soit le baptême au nom de Jésus. Là, c'est vrai. On prend ceci, on va. Il faut maintenant qu'on travaille, maintenant on examine maintenant ce qui a lieu de faire. Parce que si quelqu'un sort ici, il vient dire que waouh, vous me baptisez au nom de Jésus, nous me baptisons au nom de Jésus-Christ. C'est qu'on est d'accord, laissons cela de côté. Regardons ce qu'on n'est pas d'accord. sur quelle base te bases-tu pour dire que la femme peut enseigner? C'est parce que tu es sorti de là avec. Ça veut dire que nous autres qui avons été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bienvenue donc. Maintenant, viens. Ça a touché dans un. Vous voyez, je n'ai pas parlé. Il a parlé et ça a allé exactement droit au but. Donc, c'est par là qu'il faut commencer. Que la gloire soit rendue à notre Père. Amen. On a enseigné que le baptême c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu enseignes que le baptême c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si tu baptises au nom du quelqu'un dit brigade de formation de fous pour former de fous relâchés dans la nature avant qu'ils pervertissent l'œuvre de Dieu. Donc c'est eux les pasteurs et les écoles qui me créent des problèmes comme ça ici dehors, parce que chaque fois il faut que je revienne pour corriger ces choses. Non seulement corriger, c'est pas facile de dire à quelqu'un, lorsque quelqu'un qui a les vestes, les gros ventres, les grosses voitures a déjà dit autre chose. Je souviens, vous ai dit ici qu'Ange a dit que une croyance est difficilement destructible dans le cœur humain plus qu'un atome. Donc, on peut facilement détruire un atome qu'une croyance. C'est pour cela que si on bombarde ça comme ça, les gens ne peuvent pas comprendre. Vous poursuivez, si vous partez ou rentrez à la maison, vous dites que c'est vrai. Si vous n'arrivez pas à dire non, frère Junior, c'est sûr qu'il exagère. Pas vrai? La croyance revient, bah! Il m'en faut bombarder seulement. Mais ça va, ceux qui sont de ces groupes qui vont aller dans l'enlèvement vont croire exactement, parce que la Bible a promis que jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, ça veut dire qu'il y aura une parole claire sur la terre où les gens vont croire. Donc, frère, la Bible rappelle que le seul baptême biblique, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas deux façons. Oui, frère, je sais que Pierre a dit cela. Mais alors, qu'est-ce que, par rapport à Matthieu 28, verset 18 à 19, avant, ouais. Qu'est-ce qu'on dit? Donne la Bible du pasteur, comme ça, lui, il lit ce qui est écrit. Donc, le pasteur sera baptisé ce soir. Matthieu 28. Donc, frère, ça, c'est la dernière intégration qu'on a maintenant par rapport à la parole. Maintenant, je te donne le conseil donc on a de voir ce soir, n'est-ce pas, hein? Maintenant, remets en cause tout ce que tu as appris. Non, ne lis pas encore, d'accord? Remets en cause, et c'est valable pour tout le monde ici. Si vous êtes arrivé à n'importe quel endroit, vous avez fait n'importe comment, remets d'abord en cause. Parce que Jésus a dit tout à l'heure, là où ça dit, que vous êtes dans l'erreur. Donc, c'est pour eux que ce qu'on a enseigné, c'est d'abord les... Yeah. Remettez d'abord ça en cause. Dieu ne rejette pas cela parce que vous voulez chercher la vérité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Remettez d'abord en cause. Remettre en cause, c'est quoi? Quand n'importe quelle doctrine qu'on t'a enseignée vient à l'esprit, posez des questions par rapport à cela. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à telle doctrine? Ne posez pas la question que nous, j'ai appris que telle chose est comme cela. Pose seulement la question, si j'enseigne d'après la parole, si c'est ce qui a été dit par toi, que c'est ce qu'on t'a enseigné, dis seulement Amen, parce que c'est ce que j'ai reçu. Si ce n'est pas ça, dans présent, c'est ce que tu as reçu. On montre là où il y a l'erreur. Parce que l'une des choses, c'est ça va montrer là où l'autre a l'erreur. Et l'autre chose maintenant, c'est de montrer maintenant ce que la Bible en dit. Donc, ça va montrer l'erreur et montrer la façon de corriger. C'est la grâce que Dieu nous a donnée. Amen. D'accord, frère? Donc, remets d'abord en cause tout ce qu'on t'a appris. D'abord, pour que ça puisse t'aider. Amen. Lis-nous Matthieu chapitre 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations, des disciples. Arrêtons d'abord là-bas, frère. Quand les gens lisent ça, on appelle ça, voici le verset qu'on appelle la grande commission. Dieu, Jésus qui dit d'abord qu'on fait de toutes les nations les disciples. Donc tout le monde entier sera disciple. C'est Jésus qui demande qu'on fasse de toutes les nations des disciples. C'est Jésus qui dit. Puisque la Bible déclare que rien n'est juste à sa volonté. Donc ça veut dire tout le monde entier sera disciple. Si Dieu voulant. Non, c'est sa volonté. Quand c'est écrit, c'est sa volonté. On est d'accord? Oui. Donc personne ne sera en enfer. Mais sauf celui qui n'a pas cru. Non, mais il a dit qu'on fait toutes les nations, il n'a pas demandé qu'il y ait une condition. Oui, il a dit qu'on fasse de toutes les nations, les disciples. Vous comprenez là où ils sont de la main, n'est-ce pas? Les nations ne veulent pas dire que c'est tout le monde entier. Il dit qu'on n'a pas cherché des gens qui sont destinés à entrer, qu'ils entrent. C'est ce qu'il a entendu dire. C'est ça, n'est-ce pas, frère? D'accord. Donc, quand tu t'assois souvent sur le pipi, tu crois que tout le monde qui est assis là-bas, quand ils viennent donner les dîmes, ils donnent les offrandes, tu crois que les gens sont sauvés, tout le monde? Non. Absolument. Avançons dans le deuxième volet. Nous sommes au verset 19, mais ce n'est pas encore fini. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui est le Père? C'est Jésus. C'est lui? Oui. Qui est le Fils? C'est Jésus. Qui est le Saint-Esprit? C'est encore lui. Quel est son nom? Le nom du Père, c'est quoi donc? Jésus. Le nom du Fils, c'est quoi? Jésus. Le nom du Saint-Esprit, c'est quoi? Jésus. Mais ce qu'on a dit là-bas, qu'on baptise en ce nom-là, frère. Oui, frère, mais... En baptisant ici, comme ça, là, ça change quoi? Baptiser comment? C'est-à-dire que, supposons que tu as quelqu'un devant toi, tu te trompes en disant quoi? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en le plongeant dans l'eau. Tu as appelé les titres, tu n'as pas appelé le nom. C'est là où il y a. C'est là où il y a. Merci. C'est clair qu'il y a erreur. Oui. Alors, j'ai une question que je voulais poser. Oui. Puisque Campus Campus Pupis baptise au nom de Jésus. Oui. Je pose la question. Oui. Si un vrai enfant de Dieu passe par Campus, nous savons que ce dirigeant a fait alliance avec la prostituée. Oui. Ça veut dire que ce homme est d'abord possédé d'un démon. Oui. C'est la première des choses. Oui. Il te baptise au nom de Jésus. Oui. Ce baptême est considéré ou elle n'est pas considérée. C'est considéré, frère. C'est considéré. C'est considéré. Les fils du diable qui tenaient le peuple, quand Jean-Baptiste est venu, ils ne sont pas sortis de là. Ils sont sortis. Ils sont sortis. Frère, donc, si c'est considéré, puisqu'ils servent un autre Jésus. Oui. Oui. Donc, l'ont-ils baptisé maintenant au nom de quel Jésus? Voici la chose. La Bible déclare qu'ils feront des miracles en mon nom. Les miracles, au nom de qui? De Jésus. Alors, ça veut dire qu'il a authentifié. Mais le problème, c'est que c'est leur nature qui est le problème. Ok, je vais vous faire ça autrement pour vous comprendre. Je n'ai pas un exemple que tu es Judas, ou bien pas, je ne prends pas cet exemple. Je prends l'exemple, je prends qui comme Judas Iscariote. Personne ne lève le doigt. Ok, ouais, les mauvais exemples dans la Bible, personne ne veut prendre. Ok, même moi alors, donc je prends Judas Iscariote. Voyons là en esprit, d'accord. Jésus les envoie aller prêcher la bonne nouvelle. Ils envoient deux à deux. Judas Iscariote, la Bible est claire que c'est un démon. Judas est un démon. Quand il part trouver un démon dans le corps, il dit sors au nom de Jésus. Tu me regardes comme ça, c'est pas ce que la Bible déclare. La Bible déclare dans Actes des Apôtres, quand on voulait le remplacer, on a dit qu'il n'avait pas au même ministère. Donc ce que les apôtres faisaient, il faisait. Mais il allait en son lieu. Je prends par rapport à la question que tu as posée, par rapport à la question que tu as posée, je vais montrer un aspect. Quand Judas, qui est démon, allait prêcher la bonne nouvelle, tous ceux à qui l'ont prêché vont entrer dans le royaume. Tout ce qu'ils ont cru, frère. Mais puisque le cas de Judas, on dit c'est pendant qu'il prenait la Sainte Seine. C'est là où le démon est entré. Non, c'est pas le démon qui est entré, c'est Satan qui est entré. Mais il était d'abord démon. On n'a pas dit qu'il avait un démon, on a dit qu'il était. Jésus a dit dans Jean chapitre 6 que l'un de vous est un démon. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? L'un de vous est un démon. D'accord? Hein, frère? Ah ben, de toute façon, on ne croyait pas, c'est pas moi qui écris ce qui est clair dedans. Donc, Judas, quand il sort comme ça avec Pierre, peut-être il marche avec Pierre. Il se tourne comme ça, il vole l'argent, il rentre comme ça, il mange tranquillement. Mais quand il se tourne comme ça, il dit qu'au nom de Jésus guéri, ça s'efface. C'est-à-dire quoi, frère? Le panneau d'indication, on peut envoyer à Jean à Yaoundé. Les gens voient Yaoundé 260 km. Quelqu'un lit, ça dit waouh, Yaoundé. Il part à Yaoundé, le panneau n'entre pas à Yaoundé. C'est ça, n'est-ce pas? Ok, je vais aller autrement. La majorité des Bibles que vous avez là, ce sont les francs-maçons qui ont écrit. Qui ont traduit les Rosicruciens. Hein, frère? Oui. Vous lisez là. Vous avez la vie éternelle. Au mieux, si ça vous compliquer, rentrez au bas niveau. Les rois mages. C'est lui. C'est vous deux. Qui sont ceux qui sont venus adorer Jésus? Les premiers. C'est une fausse adoration. Les cadeaux qu'ils ont donnés à Jésus-Christ est une révélation de la personne de Jésus et de sa mission. Trois cadeaux. L'or, l'encens, la myrrhe. La myrrhe pour oindre pour la mort. L'or, la divinité. L'encens, l'intercession. Dieu venant intercéder en mourant pour les incroyants. Les satanistes qui l'ont eu comme révélation. Dieu a-t-il rejeté cela? Ils vont quand même finir en enfer parce qu'ils sont satanistes. Parce que Dieu interdit ça. Donc, en réalité, comme quelqu'un a posé la question la dernière fois dans le silo de chacun passe par le fait, ainsi de suite. Ouais, vous commencez à voir, n'est-ce pas? Que ce n'est pas en relation avec l'œuvre. C'est vrai donc qu'à la fin des temps, il y a les fausses onctions qui vont venir. Ceci, c'est clairement un faux Jésus. Mais il y a des gens qui sont dans le faux, mais qui prêchent le vrai Jésus. Je prends un exemple simple encore si ça est compliqué. Ces hommes-ci sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. C'est-à-dire, en les suivant, en suivant ce qu'ils ont dit, vous avez la vie éternelle. Mais si tu viens chez eux, ils te donnent la mort. C'est vrai ce qu'a dit, frère? C'est exactement comme ça. Donc la chose à faire, c'est être dans le vrai et dire ce qui est vrai. Si tu es dans le vrai d'abord, tu dis ce qui est vrai. Souvenez-vous de ceci. Si quelqu'un est dans le vrai, il fait l'erreur, il peut être corrigible. Si quelqu'un est faux, même s'il dit vrai, il va aller en enfer de toutes les façons. C'est compliqué ça, frère. Parce que s'il n'en était pas ainsi, il n'y aurait pas de nouveau dans les dénominations. Absolument. Voilà justement la preuve. Comme tu as dit tout à l'heure, que s'il y a un enfant qui est né de nouveau dans le campus de Christ, celui qui l'a baptisé, c'est. Voici pourquoi Dieu en est de... Je vais encore prendre un exemple, c'est parce que c'est un type de ce qui est passé dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Dieu en est de parler dans Actes Apocalypse, chapitre 18, de sortir du milieu de, en parlant de Babylone. On dit qu'elle est devenue une habitation de tous les esprits impurs, dont les démons se trouvent effectivement là-bas. Et Dieu en est dit que son peuple se trouve là-dedans. Rentrons dans la Babylone même physique, dans le livre de Daniel. Qui était proche du roi? C'était un serviteur de Dieu ou le papa? Mais vous connaissez, lui était un type de serviteur, un serviteur qui particulièrement. Les voilà côte à côte. Un serviteur, parce qu'en fait Satan c'est son serviteur. Mais les voilà côte à côte. Je voudrais poser encore une deuxième question. Oui. Que j'ai beaucoup rencontré ces gens-là. Mm-hmm. Il y a aussi certaines catégories. C'est-à-dire qu'il a baptisé les gens et plus tard on s'est rendu compte qu'il n'était pas baptisé. En lui posant des questions. Les gens qu'il a baptisés là. C'est conforme. C'est conforme, frère. Il n'est pas baptisé. Comme Pierre, par exemple, il n'était pas baptisé au nom de Jésus, mais il a ordonné qu'on baptise au nom de Jésus. C'est conforme à la Bible, frère. Attendez, d'abord. La personne qu'on a demandé, que ferons-nous? Il a dit qu'on baptise au nom de Jésus. Montre-moi un endroit où il a été baptisé comme ça. Il a été baptisé comme ça. C'est conforme à la Bible, frère. Lui-même n'est pas baptisé, ni au nom du Père. Je vais encore dire que ça autrement, si c'est compliqué. Seigneur, nous avons vu un homme qui ne nous suit pas, mais qui fait les mêmes miracles, c'est en ton nom. On peut les empêcher. Comment il ne fait pas? Il n'est pas avec nous. Comment il fait? Laissez-le tranquille. Il a la révélation de la chose. Il n'y a personne qui, après, va faire le miracle en mon nom, ne parle mal, parle de moi. C'est ce que Jésus-Christ est en train de dire. Ok, je vais vous poser encore la question autrement. Non. Souvenez-vous, péché, c'est égal au péché. Je connais un homme, le pasteur qui m'a baptisé, un adultère, il m'a baptisé au nom de Jésus-Christ. L'adultère, c'est lui et Dieu. Le baptême qu'il a fait, c'est toi et Dieu. Ton adultère n'a rien à voir avec ton baptême. Ce qui est là, c'est que ça soit conforme à la parole. Son adultère. Si c'est comme ça là, tu vas mettre le microscope pour voir la vie des gens qui vont te baptiser. Et tu vas voir que chacun aura des problèmes. D'accord, frère? Si le pasteur manque avant de venir te baptiser, il est exactement comme un adultère. Oh, avance dans la question. Nous sommes en train de nettoyer là dedans. Oui, il faut qu'on creuse quelque chose avant de continuer là. Oui. Il a dit que Pierre, même au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, n'était pas baptisé. Mais il faut qu'on comprenne que même personne n'a jamais été baptisé au nom du Père. En réalité, je prenais l'exemple de Pierre pour dire ceci. Parce qu'il avait dit qu'un homme baptise quelqu'un alors que lui-même n'est pas encore baptisé. J'ai dit que dans le Nouveau Testament, on voit effectivement que lorsqu'on a posé la question, homme frère, que ferons-nous? Pierre a dit, baptisez-vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lui-même n'a pas été baptisé comme ça. Parce qu'il a reçu le baptême des gens. Et curieusement, devant quand on voit les gens qui ont été baptisés par Paul, par Jean, Paul a dit, il faut qu'on les baptise. Pourquoi Pierre n'a pas besoin de baptême? Mais les autres ont besoin. Donc, il veut dire, donc, c'est biblique. De voir que quelqu'un n'est pas baptisé, mais il peut baptiser quelqu'un. C'est ça qu'il veut dire, c'est biblique. Il ne veut pas dire que c'est normal. Il veut dire que c'est biblique. Mais c'est pas normal. Ça veut dire que cette personne aussi a besoin de baptême lui aussi. D'accord, frère? La question, c'est pour la dévoiler. Oui. Donc le nettoyage a commencé là maintenant. Le nettoyage a commencé. Je pose ma Bible. J'attends les bombardements ici là maintenant. Donc préparez-vous. Le but maintenant de ces jeux-ci, il va avancer. Quand vous allez épuiser les questions, moi je vais vous poser des questions. Et avec ça, on va avancer, d'accord? Lorsqu'on va poser des questions, le but maintenant c'est trancher avec la croyance qu'on a eue initialement. Et si c'est contraire à la Bible, on dit ce que la Bible en dit, on vous la présente, vous devez l'accepter. Si vous voulez vous rejeter, oui. Avançons, frère. Parlons un peu de la parole de la foi. Oui. Si maintenant, pendant le baptême, oui. Parce que le baptême, c'est quoi? C'est d'abord, on voit la mort et la résurrection de Christ. Mm-hmm. Maintenant, si je me baptise au nom du Père, du Saint-Esprit, oui. Pas la foi, je reçois ça par la parole. C'est faux d'après les Écritures. La foi, c'est la parole. La foi, c'est ce qui est conforme à la parole. Donc, ça veut dire que c'est faux. Absolument. Imagine un pasteur qui dit que, comme un frère, il n'est pas ici au milieu. Il a dit qu'il allait chez un pasteur pour dire baptise-moi. Le gars a dit qu'il ne me baptise pas. Il est sorti, il dit qu'il m'avait même baptisé. Donc il sortait pour aller dans le baptême. Il devait aller en dans l'eau. Se plonger comme ça. Quoi? Il me baptise. Il devait se baptiser. Quand il est sorti, le pasteur a vu qu'il est sérieux. Le pasteur a couru derrière pour le baptiser. S'il passe se baptiser au nom du Seigneur Jésus lui-même, c'est faux d'après la Bible parce qu'un autre doit te plonger. Tu comprends un peu, n'est-ce pas? Donc en réalité, ce n'est pas parce que tu lui dis que si il me baptise au nom du Père et du Saint-Esprit et que j'ai foi à la parole, ça marche. Ça veut dire que hein, si c'est comme ça, frère, quelqu'un va prendre n'importe quelle parole de l'écriture, tort de dire que j'ai seulement foi. La seule façon pour que tu aies foi et que ça soit biblique, c'est que ça soit aligné avec la parole. C'est qu'il faut que je corrige ma foi, je vérifie si ce que je sais sur quoi je m'accroche est dans la Bible. Et dans la révélation biblique, oui. Cette parole de la foi. Oui. Que quand dirons-nous de la femme à la perte de sang? Oui. Donc elle a dit que si je touche seulement la robe de Jésus, je vais être guéri. Elle a eu la révélation. Dieu lui a dit que touche. Avant qu'elle a touché. Mais c'est une parole de la foi. C'est une parole de la foi, justement. C'est-à-dire quoi, frère? Que c'est la révélation. Une révélation, elle a été écrite. Parce que la révélation a été expliquée à Pierre que c'est au baptême du nom du Seigneur Jésus-Christ. Une autre révélation ne peut plus venir contredire celle-là. La parole de foi. On en a parlé ici. C'est quand Dieu parle par rapport à une situation. Quand il parle, on peut confesser ce qu'il en est. Parce que c'est tout le monde touchait Jésus, pas vrai? Mais elle s'est dit en elle-même. Tout le monde touchait. Elle s'est dit en elle-même. Donc ça veut dire que ça a été révélé. Ce n'est pas la foi qu'elle a eue. Est-ce que vous comprenez? Donc la révélation. Donc la parole de révélation dit. Souvenez-vous, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas compter maintenant. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous expliquera toute la vérité. Baptisez au nom du Père et du Fils Saint-Esprit. Regardez bien. Baptisez au nom du Père et du Saint-Esprit. Saint-Esprit vient, il va vous expliquer cela. On ferait que ferons-nous? Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé. Il a dit, Saint-Esprit vient de parler. Il vient d'expliquer ce qu'il est en train de dire. 10 jours après. Donc la parole de vérité, la parole a été expliquée. Donc la révélation a été donnée. Et c'est sur ça qu'on doit marcher. C'est cette révélation qu'on doit marcher. C'est le fondement. Frère, oui. Je n'ai pas confirmé. Oui. Je pose la question. Faites pas la parole au voix, frère. Je pose la question. Oui. Puisque c'est serviteur. Oui. Hein? Oui. Et lorsqu'il prie, il dit que bon, il faut qu'il prie pour les gens, que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Oui. Ils imposent la meilleure reçoivent le Saint-Esprit. C'est que... Non, c'est, ça c'est clair, c'est pas le Saint-Esprit, frère. Le Saint-Esprit ne viendra pas la main d'un impur. Jamais. Le modèle biblique, c'est pas ça. Le Saint-Esprit, si vous recevez autre chose, c'est ce que vous faites comme ça là. C'est le démon de la poule qui est entré. Vous savez, quand vous coupez la nuque de la poule, elle est comme ça, non? C'est pour ça que. Oula, j'ai fait l'enfant là. C'est ça qui est entré. Dans ce cas, les prêtres catholiques donnent le Saint-Esprit aux gens, frère. Puisque quand ils prient, la même manifestation sont là. On est d'accord? Donc ils portent la croix comme ça qu'il a enseigné de Rome, ils te mettent ça sur la tête. Que Hebele me Spiritus Sanctus. Tu vas. Vous avez reçu le Saint-Esprit? Vous avez reçu le Saint impur. Donc, l'imposition de main, là, il y a un transfert d'un esprit. Non, attention, regarde bien. Dans l'acte du baptême, c'est l'obéissance à un commandement. Il n'y a pas lien avec un esprit là-bas. Souvenez-vous de ceci. L'acte, c'est en œuvre ici. Je veux qu'on se comprenne là maintenant. Ce qui se fait en œuvre est différent de ce qui se fait en parole. En œuvre, c'est on pratique cela comme la Sainte Cène. Quelqu'un qui est démoniaque peut pratiquer la vraie Sainte Cène. La preuve, Judas a participé. Ça ne fait pas qu'un démon contamine quoi que ce soit. Parce que c'est un commandement qui est expressément écrit. Mais lorsqu'on a parlé, le fait que tu sois ignorant comment le Saint-Esprit vient, on peut te transférer un autre esprit. On peut te transférer un autre esprit et c'est ce qui s'est fait. Quelqu'un qui est allé signer les alliances, prendre le serpent, il vient, il prie pour vous. Il te met les mains, tu entends que ça a chauffé là-bas. C'est normal que ça chauffe. Satan était un ange de lumière. C'est le feu, on l'appelle le feu, Lucifer. Posez des questions. Comment peut-il dire que l'imposition des mains n'est pas bien? Non, pas que l'imposition des mains n'est pas bien. L'imposition des mains est bien. Elle doit être scripturée. Voilà. Donc l'imposition des mains avec les grosses bagues n'est pas bien du tout. Même si on tend la main à ta direction, fuis parce que les mains là s'allongent dans le spirituel. Tu fuis avec ta tête, on t'impose ça comme ça à distance. Amen. Des questions. On a frappé notre tête partout là. Il faut maintenant frapper dans la parole. Donc vous prenez la Bible, vous frappez sur votre tête comme cela. Pour que ça défrappe tout ce qu'on a frappé là-bas. C'est ce que la Bible appelle le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement. Il faut que ça soit renouvelé. Pour que ça soit déprogrammé, pour que ça soit renouvelé, il faut qu'on déprogramme maintenant en acceptant plutôt ce que la parole de Dieu a dit. D'accord? C'est en acceptant maintenant ce que la parole de Dieu a dit. Vous rejetez automatiquement. D'accord? Oui, frère, frère. Oui, frère, il a dit que tout ce que, tous les, tout comme le frère est en train de dire là, ce qui est ce que j'ai expérimenté ces choses et j'ai vu que les enseignements que nous recevons. Ça nettoie. Ça nettoie toutes ces choses. Ça, c'est clair, pas vrai? Ça nettoie. Mm-hmm. Ça nous décolle vraiment de ces choses. Quand je dis enseignement reçu, c'est-à-dire vraiment que Dieu t'a accordé la grâce de recevoir. Mm-hmm. Ouais, ouais. Parle toujours en parabole comme ça. Quand c'est prêché là, quand c'est enseigné, et que Dieu t'accorde la grâce, que ça prenne vie en toi, ça déconnecte beaucoup de choses. Et c'est ça, comme la Bible dit dans Proverbe 6, verset 23, laquelle l'enseignement est une lumière. Une lumière. La Bible dit que là où il y a la lumière, les ténèbres se dissipent. Se dissipent. Donc tout ce qui est ténébreux. Avec ce qu'on a présenté avec les exemples, là, vous allez où en regardant le Nouveau Testament et les choses qui sont arrivées aux âges de l'Église, vous avez vu clairement que c'est la même similitude qui est arrivée, n'est-ce pas? Que les dénominations sont formées comme au temps de Jésus. Et dans un enseignement, j'ai dit que l'atmosphère spirituelle, l'histoire va se répéter. L'histoire va se répéter. Remarquez très bien, quand Jésus est né, on a lu hier dans ce Matthieu chapitre 2, on a convenu qu'ils ont réuni les scribes pour demander est-ce que, sans attendre que le Messie devait naître. Ils ont fouillé dans la loi, ils ont dit que oui, à Bethléem en Juda, car c'est parce que ce qui a été écrit. Donc ils savaient que c'était écrit, mais il était au milieu d'eux, ils ne savaient pas. Pour montrer que le Saint-Esprit indique clairement qu'il y aura l'enlèvement. Beaucoup de lumières sont proches de l'enlèvement. Il viendra, il partira, ils vont prêcher sur l'enlèvement. Parce que la façon de Dieu, c'est qu'il a dit de sortir du milieu d'eux pour se préparer à partir. Donc le jour de l'enlèvement, même quelqu'un s'en est prêché que bien aimé, ne soyez pas subi qu'un jour le Saint-Esprit vient comme ça, là, il enlève l'église. L'enlèvement a eu lieu. Ils sont en train de prêcher comme ça. Parce qu'il y a une œuvre de nettoyage à fond que Dieu veut qu'on fasse. Quand il va mettre le cachet, il va dire que c'est pas pour l'éternité. Question. Donc je crois que je vais prendre un exemple de quelqu'un. Je vais prendre qui là maintenant? Non, je crois que c'est notre pasteur qui est le plus infecté. C'est ça, n'est-ce pas? Frère, assieds-toi pas ici. Comme ça, on va causer. Il faut qu'on passe le Kouchambak. Vous connaissez le Kouchambak? On frotte le macocode avec. Vous lavez avec le torchon, ça ne bouge pas. Le noir, là, vous regardez comme ça. Donc, on va brosser sa veste, va devenir blanc. On va entrer dans ton cœur, brosser là maintenant. Donc, grosso modo, de façon grosso modo, n'est-ce pas, frère? Dans combien, si tu fais le résumé, combien de dénominations es-tu passé? Je suis passé dans 3 dénominations. Voilà. Les plus chevronnés. Oui, les chapelles. Oui, les chapelles. Donc, la chapelle des vainqueurs. Comment est-ce que... J'étais de passage au coma spirituel. Non, ne t'inquiète pas, même tu es passé, tu as fait combien de temps? J'étais de passage au coma spirituel. Tu as passé à combien de temps? Je suis parti en balade. En balade seulement? Tu es assis là-bas, non? Tu as pris ta part sur la chaise là. Oui. Donc tu dis, non? Et la compassion globale. Compassion globale. Oui. Mais il y a aussi ICU. ICU et... Ambassade du Saint-Esprit. Donc nous allons nettoyer, on va commencer par l'ambassade du Saint-Esprit, d'accord? On va effacer tous les cachets dans le visa. Tu permets qu'on efface tous les cachets? Qu'est-ce qu'on a appris? Non, tu peux t'asseoir, frère. Tu es bien habillé comme ça, tu peux t'asseoir. C'est quoi d'abord l'ambassade du Saint-Esprit? Le nom, c'est un blasphème. Le nom d'abord, c'est un blasphème. Il dit le nom, ambassade du Saint-Esprit, c'est un blasphème. Parce que le Saint-Esprit n'est pas régionalisé, n'est pas localisé. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, il se meurt partout. Quand quelqu'un a besoin d'ambassade, c'est quelqu'un qui a un lieu et il a besoin de l'ambassade pour le représenter. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'ambassade, il agit et c'est lui qui doit agir. L'ambassade veut dire représentant express de celui-ci. Un ambassadeur, c'est un représentant d'un pays. Dans tout le Cameroun ne peut pas avoir encore d'ambassadeur au Cameroun du Cameroun. Parce que le Cameroun est déjà là. Alors si le Saint-Esprit est sur la terre, il n'a pas besoin d'ambassade. Donc c'est un blasphème ce nom. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes ici? Donc, les gens qui y vont sont sous le coup du blasphème. Et ici, c'est le blasphème contre la personne du Saint-Esprit. Si vous voulez s'en sortir, vous ferez besoin de parler seulement. S'il finit de parler, vous concluez comme le juge. Il n'y a pas de problème. Mais je suis en train de dire que c'est un blasphème ici. Donc, s'il y a un nom outragé, c'est celui-là. J'espère que vous comprenez ce que ça veut dire. Je comprends. Jésus étant sur la terre, dit que je ne vous laisserai point orphelin. Je vous enverrai un avocat paraclétus, un guide. Et il sera éternellement avec vous. Quelqu'un vient dire qu'en réalité, il n'est pas ici. Il se trouve quelque part. Nous sommes son ambassade. Vous comprenez ça? C'est exactement ce que les catholiques ont dit en disant qu'ils sont les vicaires du Christ. Quand il dit qu'il est vicaire du Christ, il vient de dire que c'est eux le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. J'ai enverré ce que le Père a promis. Donc, quand je quitte, la personne qui me remplace, c'est le Saint-Esprit. Eux, ils disent que nous sommes le vicaire. Vicaire, ça veut dire remplaçant de Christ. Donc, c'est eux qui ont pris la place du Saint-Esprit. Blasphème. vous comprenez? Donc, sans entrer dans les détails de tout ce qui s'y passe, les eaux qu'on balance aux gens, le mouchoir qu'on vend, les gouttes d'eau qu'on vend et toutes les autres choses qu'on peut faire là-bas, c'est un blasphème. Donc, je n'entre pas dans les blasphèmes pour expliquer davantage des blasphèmes. Parce que c'est une série de malédictions telles que Matthieu 23 le dit. Donc, tu es allé au lieu de blasphème. J'étais. Hein? J'étais. Et chaque fois qu'on fait ça, c'est tellement moi, j'étais pas. Ça ne donnait pas. Si tu comprends, ça ne permet pas à pénétrer. Depuis le premier jour, que ce soit la compassion, que ce soit à une échappée où je suis pasteur. Est-ce qu'il y a la compassion à la compassion? C'est la compassion. La compassion que tu avais dit que tu voyais les gens souffrir. Oui, quand il n'y a pas de compassion. Et quand on dit qu'il n'y a pas d'amour, c'est au Dieu. Et tu vois que globalement, il n'y a pas de compassion à compassion globale. Il n'y en a pas. C'est les groupes. Mm-hmm. C'est les groupes. Oui, des groupes de nantis. Oui. Les groupes de pauvres. Quand tu es dans le groupe des nantis, tu peux rencontrer le pasteur directement. Tu peux rencontrer comme tu veux. Mm-hmm. Mais si tu es dans le groupe des pauvres, tu ne peux pas rencontrer. Donc tu peux dire avec moi que globalement, à la compassion globale, il n'y a pas de compassion. Moi, je suis souvent surpris. Je suis désolé, hein, parce que si les gens qui suivent ta radio, quand tu prêches là, ça me fait tellement mal au cœur. Vous savez, je ne sais pas. Donc, un collègue, parce que tu énerves comme avec, ça, frère. Avec son aspect que je connais, mm-hmm. J'ai souvent besoin de lui poser certaines questions à l'antenne, en direct. Donc, si je comprends très bien, si je comprends très bien, c'est que tu veux dire que ce qu'il montre à la télévision ou à la radio. Ce n'est pas ça qu'on dit là-bas. C'est pas ça qu'on dit. Parce qu'il parle de l'humilité. Oui. Oh, moi, je sais qu'il n'est pas humble. Parce qu'une personne qui est humble, mm-hmm. J'ai souvent pris une question. J'ai souvent été malade, couché à l'hôpital. Vous voyez un blanc, mm-hmm. Vous voyez, qui vient s'asseoir sur le lit d'une malade, mm-hmm. D'une maman qui est malade. Mm-hmm. Vous savez que celle-ci va mourir demain. Mm-hmm. Quand le blanc s'assoit, il dit maman ça va, il demande ça va. Mm-hmm. On demande, mais c'est parce que tu ne manges pas. Après, il dit, je vais te prescrire un remède que tu vas guérir. En faisant, il touche la malade. Je vous assure, pour peu, il dit, bon, je vais te prescrire, mais en cas de prescrire, tu vas manger et voir ça guérir. Quand le médecin sort, à l'instant, vous voyez que le malade a changé. Il y a un réconfort. Un réconfort. Mm-hmm. Pourquoi? Mais alors là-bas, quand un fidèle dit que je vais rencontrer le pasteur, non. On l'a néanti davantage. Le pasteur a fait le temps. Vous pouvez aller voir son collègue. Ce n'est plus ça. Parce que c'est psychologique. Quand le malade vient vers vous, vous dites, je dis que Dieu est béni. Seulement parce que vous avez fait ça, parce que le malade, vous pouvez vous rencontrer. Je vous assure, son problème part. Mais ce n'est pas ça. Lui, il dit qu'il rencontre ceux, il parle de rencontrer ses fidèles, mais il rencontre ceux qui sortent des États-Unis, des frères d'Afrique. Mais il peut avoir les dîmes de ses fidèles. Il rencontre les dîmes de ses fidèles. Naturellement. Quand d'abord, il prêche, quand tu ne vends pas de la dîme, tu es un voleur. Mm-hmm. Il le dit. Mm-hmm. Bon, la question de la dîme, là, c'est déjà nettoyé au moins, non? Non, c'est fini. Ok, maintenant, je vais avancer maintenant avec les questionnements. Oui. La dernière fois, tu nous as raconté, c'est à Full Gospel, à Winner Chapel, il y a des livres par mois. Tous les mois. Voilà, donc tu as en tant que pasteur, tu devais avoir des choses que tu dois lire pour donner. Des livres oui. Que tu lis. Oui. Mm-hmm. Donc tu as deux aspects maintenant. Et tu vas apporter sur le milieu de l'assemblée tout livre que tu peux avoir de n'importe qui. On va descendre brûler ça ensemble. D'accord, frère? Pour dire que tu en as fini avec. Frère, de toutes les façons, moi je n'ai jamais acheté ces livres. Hein. Je dis que, il n'y a pas dit que tu as acheté. Oui. Tu as pour les lire, non? Oui, j'ai quand même quelques deux livres. Oui, apporte, frère. Apporte-les, d'accord. Comme ça, désormais, tu ne les liras plus. Pour ne pas avoir ce que les pharisiens ont répété comme erreur. D'accord? Pour que ça ne décrète plus le problème. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas, la Bible que tu vas acheter, tu vas désormais aller avec ça dans la Bible en disant que Seigneur, désormais, enseigne-moi tes propres principes. Pour que ce soit ce que tu reçois du Seigneur dans la parole, que tu puisses dire à quelqu'un directement. Pas les interprétations que tu as eues d'un livre. Tu comprends, frère? C'est comme ça que le langage va aller petit à petit. Comme petit à petit, tu vas commencer à avoir le langage du livre. Tu vois, par exemple, que tu es surpris ici qu'on pose la question que. Abraham avait combien d'enfants? Tu dis deux. Pourtant, la Bible dit autre chose. Or, si tu avais la rencontre dans la Bible, tu aurais dit clairement la vraie réponse. Tu dis que dans l'Ancien Testament, on parle de résurrection. Tu dis que où ça? Et tu es un pasteur. Donc, si tu étais au pupitre, quelqu'un pose la question, tu dis que non, on ne parle pas. Un de ces jours, si le fidèle lit la Bible, le fidèle va dire que non, moi, je ne peux enseigner plus que le pasteur. Or, il n'est pas à la place du pasteur. Frère, déjà, à une échappe, par exemple, mm-hmm. Ils fonctionnent là-bas un peu comme les catholiques. Oui. C'est-à-dire les thèmes du mois, les thèmes de la prédication, oui. Sortent par mois. Tu vois que c'est pas normal. C'est pas normal. D'abord, ça veut dire que le Saint-Esprit est déjà limité. Voilà. Quand, au début de chaque mois, oui. le thème de la prédication sort du Nigeria, on distribue ça. Attends d'abord, attends. Donc, vous êtes ici à Douala. Oui. Ce que tu dois prêcher, c'est ordonné à partir du Nigeria. Je crois que quelqu'un m'a dit cela de la même façon dans la vie profonde que je fais des Koumi. Même Redim. Donc, ça veut dire que. Il reste, les gens vont dans leur assemblée ici, ça sert dimanche. Ils attendent qu'on projette le culte du peuple nigérien. Non, non, ils ne parlent pas de vous. Ils ne parlent pas de vous. Ils parlent de Koumou. C'est ça, c'est vie profonde. C'est-à-dire qu'ils s'asseyent là, dans l'assemblée. On suit ce que Koumou est en train de donner la recommandation à partir du Nigeria. C'est ça qu'on suit. Frère, c'est un mal à l'église. C'est un mal à l'église. Parce que la Bible nous a dit que lorsque vous vous assemblez, on n'a pas dit attendez votre archbishop. On a dit que lorsque vous vous assemblez, quelqu'un parmi vous a-t-il parmi vous, pas hors de vous, parmi a-t-il un cantique. Ok, merci frère. Merci. Ça, c'est le thème qui vient au cœur du prêchant. Donc, même à l'église évangélique, vous avez vu, n'est-ce pas? Ok, finalement, la première personne qui a fait des choses, c'est qui? Ah, même chez les témoins? Alors, nous y voilà. Merci, frère. C'est beaucoup. C'est beaucoup, frère. Ça, c'est juste à quoi encore? C'est le principe des sémences là-bas. Merci. Je laisse les sémences, ça vient, mais. Voilà. Donc, vous avez dit que je vais mettre en fait cela. Vie prochaine, on fait cela. Demain, le jour, on fait cela. Et vu le jour, on fait cela. Dites-moi, la première personne qui a fait ces choses, qui le fait, c'est qui? Vous avez vu ce que je dis tout à l'heure, non? Que vous allez aller n'importe où, elle a infecté. Vous allez aller n'importe où, elle a infecté tout le milieu. Si vous voyez un témoin, je vais en train de parler, c'est là que Jéhovah, c'est le nom de Dieu, va n'importe où. Chaque témoin, je vais en train de parler la même chose. Donc, merci frère. Donc, finalement, Dieu est forcément hors de l'église de Laodicée. Il est en train de toquer mon peuple. Il est en train de toquer. C'est lui qui entend ma voix et ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Donc, frère, donc tu as deux aspects. Acheter une nouvelle Bible. Parce que peut-être même les trucs des programmes, ça a contaminé ta Bible. Hein? Pour avoir une nouvelle Bible. Si tu ne peux pas acheter, si tu veux, quelqu'un, tu regardes quelqu'un dans la salle, tu demandes à quelqu'un de t'offrir la Bible. Que la personne ait offert une Bible au pasteur. Si quelqu'un veut offrir cette Bible-là, qu'il ait le privilège d'offrir la Bible au pasteur, qui va lui donner la parole de vérité. Donc, brûlant dans ceci maintenant, il va avancer sur une deuxième chose par rapport à ton nettoyage personnel. Tu as besoin d'un nettoyage de langage biblique. C'est-à-dire que de langage. C'est-à-dire que le langage n'est pas scripturaire. Je prends un exemple simple pour qu'on puisse comprendre. Comme on dit par exemple que je m'en vais à l'église. Ce n'est pas possible qu'on va à l'église. Donc maintenant, il faut que ça se reprogramme là-bas. Parce que tu as passé le temps à dire je m'en vais à l'église. Peut-être en vrai, tu vas dire que je m'en vais à l'église. S'il vous plaît, c'est même pas ce qu'il voulait dire. Mais ce qui est quand même sorti parce que c'est plein là-dedans. Donc il faut une reprogrammation. Même si tu pars devant le miroir à la maison, tu me dis que toi, pasteur, tu te regardes un petit peu, pasteur, on ne va pas à l'église. Parle à toi-même comme ça. Donc tu fais un sujet de prédication. On ne va pas à l'église. Sachez qu'on ne va pas à l'église. J'étais dans le fond, on ne va pas à l'église. Que pointe ton voisin, dit on ne va pas à l'église. Donc en faisant comme ça va se nettoyer. Parce que c'est à l'intérieur, c'est quelque chose que tu as écouté. Souvenez-vous, vous regardez une image. Alors, vous avez vu que je n'ai pas vu. Vous avez vu, parce que si vous fermez vos yeux ici, là, vous voyez la même image. Vous faites comme ça, vous voyez la même image. Alors que vous avez laissé l'image ici. Donc vous avez filmé, c'est à l'intérieur de vous. De la même façon, quand tu as écouté quelque chose, c'est à l'intérieur. C'est une parole qui va venir bombarder pour faire enlever cela. Et lorsque tu auras fait cela maintenant, lorsque tu rencontres tes gens maintenant, fais tout et tout pour dire ces choses-ci, pour qu'ils puissent comprendre. En disant, tu te parles et te répètes à toi-même et aux autres. D'accord, frère? Sinon, je m'en vais à l'église. Ton église, c'est où? J'étais à l'église. Ça doit changer. D'accord? Et autre chose maintenant, c'est que je ne sais pas, il y a le frère Ferrand qui est proche de toi. Donc, il peut venir de temps en temps là-bas, même à la télé, vous parler comme ça, vous échangez. Pourquoi tu restes toujours? Sinon, reste avec un pasteur qui va te dire qu'on part à l'église quand tu vas oublier que tu ne parles, on ne dit plus comme ça. Tu vas dire que je ne vais même plus à l'église là. En voyant que tu es encore retombé là-bas. Donc en parlant, chaque fois tu vas voir que le langage va changer. Et plus encore, plus tu vas demeurer dans la parole, en lisant la parole, le langage va commencer à confondre avec le langage de la parole. D'accord mon cher frère? Que le Seigneur te bénisse. Donc, ambassade du Saint-Esprit, ne parlons pas de Maman Olangi, d'accord? Laissons-la tranquille. Maman Olangi, c'est Maman Olangi. Merci frère. Des questions? Ok. Il y a des questions. Le racheter. Avance ici donc. Voici le banc de nettoyage. Banc de nettoyage. Après, on va venir à l'église évangélique. D'accord, frère? Parce que il y a eu du parcours là. Frère, comment d'abord tu es arrivé à l'église des rachetés? Comment tu as été racheté? J'ai été racheté à partir de ma soeur. Racheté, t'as racheté? Oui. Envoyé là-bas chez les rachetés. Là-bas. Oui. On t'a bien accueilli. Tu as mangé de la nourriture le premier jour. Attends! Vous savez? C'est une dénomination de technique. Chaque dimanche, avant de venir, on dit au samedi ou le mercredi qu'en venant au dimanche, faites tout d'amener une personne. Ce qui fait que comme ils se connaissent, ils font tout et tout pour qu'ils savent dans la salle qu'il y a les nouveaux venus qui sont venus. Quand vous allez chez les témoins, vous savez que si vous entrez chez les témoins, vous ne vous habillez pas de façon spéciale. On sait que tu es un nouveau venu parce qu'ils ont des règles d'habillement dedans. Vous savez ça, n'est-ce pas? Vous allez voir, ils sont toujours frais, bien habillés, frais, les hommes bien enfilés. Sinon, si tu n'enfiles pas, bon, on sait que tu es un intrus. Donc alors, les techniques nigérianes, ça consiste en faisant pour que tu te sentes confortable à l'intérieur du cercueil. C'est-à-dire qu'on te met en prison des âmes, vous comprenez, l'intérêt c'est que dans la dénomination, là tu viens là-bas, on met le ventilateur sur vous, c'est propre, aéré. Il y a un banquet qu'on a organisé là-bas pour les nouveaux venus. Après on va dire que si quelqu'un est nouveau venu, c'est lève la main, n'est pas on, Dieu voit ta main. Tu es venu dans la main, comment? Vous avez vu les réflexes de qui je vous ai dit aujourd'hui là, non? Donc quand même on va dire que la femme ne doit pas parler, là voilà, elle est là-dedans. Donc c'est mieux que ça soit exprimé ici pour que vous compreniez qu'il y a un problème. Pas vrai? Vous parlez des femmes âgées. Le réflexe c'est là. C'est la menace de la bouche que le cœur. Je suis obligé de dire directement devant comme ça pour que vous sachiez qu'il y a un problème. D'accord? Donc vous voyez, il y a la table là-bas. Je vais raconter avant de revenir à son histoire. Parce que ne me dis pas, on n'a pas vécu d'abord ensemble, il parle seulement. Après, on te fait sortir à table, tu manges avec un bon jus. Si en venant, si c'est très tôt que tu sortis sans manger, tu manges, la façon que tu es satisfait, c'est que si on a quelqu'un comme ça, ça dit que si j'ai faim plus tard, on va te donner. Viens la prochaine fois, tu veux manger, tu vas voir alors. Raconte ton histoire. Quand tu es venu la prochaine fois, frère. Je suis arrivé la première fois, il y avait ce qu'on appelle d'abord l'école de dimanche. Oui. Et l'école de dimanche est séparée en deux parties. Ouais. Il y a l'école de dimanche des anciens, donc des gens qui sont depuis, depuis là. Là-bas. Il y a maintenant l'école de dimanche des nouveaux, des gens qui sont premièrement venus à l'église des rachetés. Oui. Et ceux qui sont nouvellement venus, ils font l'école de dimanche bon, dans la grande salle. La grande salle. Dans la salle qui est au-dessus, puis s'il y avait, oui, ceux qui sont anciens sont en bas. Bon, au départ d'abord, on te dit les lois de l'église. Oui. Du surintendant à débrouiller. Ouais. D'accord. Sa femme. Mmh. Avec sa femme. Mmh. Donc c'est un couple de général. Mmh. Mmh. On t'enseigne, on te parle de l'histoire de l'église. Oui. L'histoire de l'église de racheter ou bien l'histoire de l'église? L'église de racheter. Voilà. On te parle de l'histoire de l'église de racheter. Vous entendez, n'est-ce pas? Le groupe de racheter. Pour que tu saches que. Comment ça s'est passé? Oui. Après ça, maintenant. Est-ce qu'on t'a dit que l'église de racheter est sortie de Winner Chapel? On m'a plutôt dit le contraire, que Winner Chapel est sortie de racheter. Entre Adeboye et Oyedepo, qui était sur le terrain avant? En fait. En fait, voilà la confrontation. Hein? Donc, voici un connaisseur de Winner Chapel. Voici un connaisseur. C'est Adeboye. Adeboye, donc l'autre est sorti de l'autre côté. Oui, l'autre c'est le fils d'Adeboye. Le fils spirituel. Le fils spirituel. Oui, Adeboye, le fils spirituel d'Adeboye. Donc Adeboye c'est son mentor. Ouais. Attendez, mais troublez pas. Attendez. Il y a Oyedepo. Les rachetés. Attendez. Sur le terrain avant l'Église Chapel. Oyedepo, le fils spirituel d'Adeboye. Ok, donc c'est plutôt Adeboye, l'excès des noms là. Oui. Qui est le grand frère de Oyedepo. Moi je dis Oyedepo a plus d'argent que lui. Ah, et plus connu, plus connu, des milliards en dollars, hein, frère. Des milliards en dollars. Mm-hmm. Oui. Adeboye, il a ce qu'il appelle convention internationale au Nigeria. Oui, et Oyedepo a. C'est la convention. C'est-à-dire que ça passe à Shiloh. C'est Shiloh. Avançons. Oui, pour Adeboye, on appelle ça. Donc, attends, ça veut dire que c'est Oyedepo qui est sorti d'ici. Oui. Ils ont les mêmes principes. Vous voyez les principes, n'est-ce pas? Mm-hmm. Il a les jets privés. Il a le jet privé. Ouais, non, c'est pas ça. La compétition là-bas, c'est grave. Et on dit, quand tu touches son jet privé, tu es en connexion avec le ciel. Quand tu touches son jet privé, puisque quand il vole, vous savez, comment on ne peut pas croire ça? Quand il vole, son avion va un peu plus près que Dieu. Quand il est au ciel, l'avion vole où? Quand il vole en haut, vous savez, ça porte de Dieu, il prend l'onction. Quand il descend, tu viens toucher, tu es connecté au ciel. C'est ce qu'il veut dire, non? Si, à moins que ça ne soit autrement. Avance, frère. Quand tu touches ton... On te racontait ça tout ça le premier jour. Oui, on me racontait ça. Que ça suit l'assemblée, tu ne peux pas venir si tu as manque de travail. Oui. C'est le même principe là-bas, n'est-ce pas, frère? Le même principe. Oui. On dirait les mariages, c'est en agogo. Donc, c'est le mariage que tu veux, tu auras. C'est le travail que tu veux. Quand tu entends comme ça, qu'est-ce que ton cœur commence à faire? Ça, c'est le paradis. Ça, c'est le paradis. On dit à venir, que si tu viens comme tu es venu là, c'est en 3 mois ou plus, tu ne trouves pas il a résolu ça tes problèmes. Va chez c'est pas là-bas. Et frère, les gens sont là-bas depuis des années, ils n'ont pas trouvé. Mais ils souffrent toujours. Ils espèrent toujours. Ils n'ont pas entendu la règle de l'église. Ils ont reçu vraiment le lavage du cerveau. Pourquoi? Parce que. Non, en fait, c'est un lavage du cerveau qu'on a de lui faire comme ça. Voici quelqu'un qu'on a de faire le lavage du cerveau. Remarquez très bien que depuis qu'on a de présenté, ce n'est pas le Seigneur Jésus qu'on a de présenter. Ni son EHPAD, on lui présente l'institution. C'est pas comme quelqu'un employé dans un travail qui présente les bureaux, la fondation et autres là-bas, le business, comment ça va faire pour réussir. Avançons. Oui, il y a ce qu'on appelle aussi maintenant la convention des jeunes. Oui. Lors d'une convention des jeunes, on a eu à cotiser plus de 800 000. Que les gens ont donné? Oui, en un seul culte. Un seul culte, 800 000. 800 000. Les jeunes. Pour les jeunes. Et ce qui a attiré mon attention là-bas, donc, quand j'ai commencé à me poser la question que ce n'est pas le chemin, c'est quand un frère qui est bon, un frère de là-bas, il m'a fait comprendre que, petit, je vois tu te donnes trop pour l'œuvre de Dieu. Ici, on veut la qualité, on ne veut pas la quantité. Donc, si tu n'es pas dans le top là, ne t'agite pas, tu ne peux pas servir Dieu ici. Et que moi-même, je suis déjà dans le réseau. C'est ce qu'il m'a dit. Il voulait par là dire quoi? Il voulait par là dire que. C'est-à-dire que. Pour, il faut être dans un groupe là-bas. Dans un groupe spécial. Bref, il faut contribuer pour. Donc plus on peut te mettre dans les impôts. Oui, et quand tu es assis à la clim, là, tu crois qu'on paye avec quoi? Ici, là, on veut la qualité. Ça, c'est. Bref, même. C'est-à-dire que les gens qui occupent des responsabilités sont les gens qui donnent mieux. Oui. Et leurs différents centres ont les noms. Par exemple, l'assemblée où j'étais, on appelait ça la maison de sa gloire. De la gloire de qui? C'était seulement le nom, la maison de sa gloire. De sa gloire. Oui. Maison de sa gloire. Et il y avait un autre abonné, comme on appelait Temple de Miséricorde. Wonderful. C'est là. Ça va aller où? Oui. Et donc tu étais dans la maison de sa gloire? J'étais dans la maison de sa gloire. Et il n'y avait pas la gloire de Dieu là-bas. Puis c'est après le culte là. Tu vois comment les gens étaient frais, habillés en veste et puis ils venaient avec beaucoup de voitures. C'est quel genre de gloire que tu voulais voir? À la sortie, c'était des conflits entre les. Au milieu des jeunes. Bon, ce que à Redim, c'est difficile de t'intégrer facilement. Parce que si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas t'intégrer facilement dans un groupe. Ça fait que bon, là-bas. C'est entre les groupes des gens forniques, entre eux, les gens qui sont nantis. Oui, entre des. Dans les fornicateurs, c'est entre les nantis. Bon, et surtout que, comme le pasteur vient de dire, quand tu parles déjà de la vérité aux gens de Redim, ils sont tellement fermés qu'ils ne comprennent pas. Moi, je me suis dit que la grâce que le Seigneur m'a accordée, c'est que je me disais que je pouvais vraiment servir Dieu là-bas. Parce qu'en réalité, tu avais le cœur. J'avais le désir de le faire. Ça fait que pendant certaines études bibliques, tu poses des questions pertinentes. Je posais des questions. On dit que mais on va t'excommunier, des trucs comme ça. Je demande que mais comment la Bible nous dit ici que la femme ne doit pas prêcher. Et on voit les femmes prêcher. On voit la femme du pasteur tient le culte. On dit que tu veux connaître la Bible puisque les fondateurs de la Bible. que quand tu viens ici, il ne faut pas trop entrer, mettre tes doigts là dans les profondeurs. C'est que tu vas venir par Dieu, mais ne juge pas l'homme de Dieu. Fais que ta part. Il y a une autre dirigeante qui m'a même dit que. Elle connaît qu'il y a certaines choses qui ne sont pas bien, mais elle n'est pas venue chercher quelqu'un. Je suis quitté à l'église protestante. Tu veux que je parle encore? Vous avez le parcours là, non? il y a tous ces aspects. Et ce que j'ai constaté aussi quand j'étais là-bas, c'est que tous ceux qui m'encourageaient quand j'étais là-bas sont quittés avant moi. Pourquoi sont quittés? Ils ont vu aussi les choses. Ils n'ont pas pu progresser. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas progresser. Bon, moi, je me dis que leur raison était différente de la mienne passée. Quand ils sont quittés, ils sont allés dans d'autres. Par exemple, ma grande soeur est quittée de là-bas pour aller à Whitney Chapel. Oui. Aujourd'hui, elle est même allée chez les témoins. Vous avez le parcours là, non? Oui. Elle est quittée maintenant, je ne sais pas. Celle qui t'a amené? Oui. Celle qui m'a amené, oui, est quittée pour aller à Whitney Chapel. Oui. L'autre, ils sont quittés chez les témoins. Aller chez les témoins. Et quand un dirigeant quitte là-bas, on n'annonce pas publiquement. On dit plutôt qu'on l'a affecté quelque part. Donc, c'est quand tu fais tes recherches maintenant que tu sais qu'il a quitté l'Assemblée. Donc on ment. Oui, voilà. Il y a tous ces aspects qui se passent à Réduit. Et quand tu arrives là-bas, c'est tellement organisé. Que tu vois comment tout est organisé. Tu es sûr que c'est Dieu. Est-ce que l'église des rachetés, ce sont les rachetés qui y sont? À l'église des rachetés, ne sont pas les rachetés. Okay. Ce sont plutôt les égarés. Donc c'est l'église des égarés. Merci frère. Le principe c'est vraiment agent. Est-ce que c'est différent de village? C'est pas la même chose. C'est la même chose. Mmh. Agent parce que je vous dis, pendant que nous faisions la réunion des pasteurs, le pasteur nous dit, vous savez, le pasteur principal. Le pasteur principal. Voilà. Le pasteur régional. Ah, voilà, voilà. Les voix, vous avez vu, non? Le pasteur régional. Régional. Il nous dit que les gens. Même je sais, les gens, vous savez que les gens qui ont commencé une chapelle, beaucoup sont plus là-bas. Ceux qui ont allumé le feu sur une chapelle. Alors, vous savez que ça, c'est notre part d'entreprise. Oui, c'est notre part d'entreprise. Oui. Quand j'ai compris ça, ton cœur fait ça bon. M'a encore fait un genre. J'ai compris qu'ici, il y a problème. Et c'est pour ça que ça tourne autour de l'argent. Argent. Parce que même quand vous demandez de partir faire l'évangélisation, c'est pour qu'il y ait les âmes. C'est pour ça qu'on cible les quartiers comme Bonapriso, Bonanjo, et voilà. On est partout à droite. Je suis partout dans tous les quartiers. Je ne connais pas un seul quartier à droite. Il n'y a pas eu de gens. Et tout ça, ce n'est pas pour sauver les âmes. Ça, c'est l'argent. Il faut être vraiment aveugle pour ne pas constater que ce n'est pas l'argent. Et certaines c'est que ce n'est pas les âmes qui sont là, ils ne sont pas pour les âmes. Ils ne sont pas venus au Cameroun blaguer. Oui, c'est l'argent là-bas. Et il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Parce que le pasteur, une fois, je n'étais pas là, c'est mon collègue qui m'avait donné cette information. Le pasteur qui était à Yaoundé, c'était un Ivoirien qui était à Yaoundé. Il est parti faire sa frappe au niveau de l'église. Donc il avait son clan à l'église. En ce moment-là, il semble qu'il a eu de l'argent, il a payé un peu d'argent. Il est parti en France. L'intendant de la région est à Douala. Donc celui qui est. Il a appelé en retard à Yaoundé. En retard, lui, il est parti en France. Donc en quittant, pour aller en France, il a demandé que personne ne dise qu'il est parti, qu'on ne dise pas qu'il s'est déplacé. Entre temps, il a appelé. Ça, c'est Winner Chapel. Winner Chapel. Il a appelé à Yaoundé. Winner, ça veut dire que la chapelle des vainqueurs. Il voilà qui vient comme ça. Il a appelé. Il veut voir le pasteur. Mmh. L'intendant qui appelle. L'intendant appelle, c'est Douala qui appelle Yaoundé. On dit qu'il s'est déplacé. Pendant au moins trois reprises, on dit qu'il s'est déplacé. Il a été dérangé. Il a été dérangé. Il a appelé plutôt un ancien. Oui. Mais je veux voir le pasteur. Il me dit, il faut voir le pasteur en France. Il a appelé encore le deuxième pasteur. Mais tu m'as dit que le pasteur est sorti. Alors il avait un coup bien tissé au niveau de l'église. Il est parti en France. Pour revenir. Oui, en week-end. Peut-être en week-end. Avec l'argent des dîmes. Oui, je ne sais pas. Bon. Parce que j'ai appris, d'après ce que mon collègue m'avait rapporté, quand il est parti là-bas, on a voulu le taper. Les gens de l'église. Oui, on a voulu le taper. Donc, les deux clans qu'il avait formés pour dissimuler. Parce que les gens croient qu'on est venu ici au Nigeria pour voir le Cameroun pour blaguer. Ils prennent l'argent, ils vont aller en Nigeria avec. Frère, est-ce qu'on a de servir Dieu là-dedans? Ce n'est pas Dieu. Maintenant, je vous promets une chose ici. Marchez dans la voie de la vérité en tenant ferme à la parole. L'aspect de la gloire humaine ne vous sera pas toujours ouvert. C'est-à-dire les voitures, les grosses maisons, vous n'aurez pas ça, très certainement à 90%. Mais vous serez en règle avec le Seigneur. D'accord? Vous serez en règle avec le Seigneur. Vous allez voir que vous servez Dieu de la bonne façon. Chaque chose qui arrive comme difficulté dans la vie, il l'ouvre et il pourvoit. Amen. Sans que vous ne vous compromettiez pas. C'est-à-dire que vous avez des choses dans votre vie, que vous recevez cela, vous dormez tranquillement parce que vous êtes en règle avec le Seigneur. Vous n'avez pas une conscience souillée. Est-ce que vous comprenez? Il y a des pasteurs qui ne peuvent pas regarder leur visage comme ça dans le miroir parce qu'ils savent qui ils sont. Ils savent quand ils montent au pupitre, ils savent qu'ils sont de servir le diable. Ils savent. Ils savent que quand ils disent quelque chose, ils ont de mentir. Que Dieu nous en préserve. D'accord, frère? Suivez attentivement ceci. Donc on va prendre le témoignage des frères ici. On va prendre pour le frère. On va prendre pour toi. Pour toi, c'est déjà balayé le roi Jacques, roi Mage. On va prendre là-bas. Pour les femmes, c'est même pas du. On va prendre pour la soeur ici parce que la soeur, bon, si on prend pour toi, c'est nettoyé avec pour ta femme. Parce que tu ne peux pas aller sans elle, elle ne peut aller sans toi. On va prendre pour l'évangéliste. Pasteur assistant. On nous dit ce qui se passe à la très sainte église de Dieu. On nous répondait. Donc on va prendre Papa Tagny. Le frère, c'est, n'est-ce pas? Ça, après la pause de 15 minutes. Le temps que vous décontractez la porte, que le Seigneur vous bénisse. À tout à l'heure.